Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de 10 minutes EX. Aujourd'hui, un nouvel invité que j'aime beaucoup, c'est Amo. Bonjour Amo. Bonjour tout le monde. Alors, comment vas-tu ? Alors, j'ai un peu froid parce que j'ai fait l'erreur de laisser ma fenêtre ouverte pendant 2 heures et j'ai sous-estimé le froid qu'il pouvait y avoir dehors, mine de rien. Donc, j'ai un peu froid, mais ça va se réchauffer au fur et à mesure où je vais parler. Sinon, à part ça, tout est OK. Ici, une semaine de confinement, on tient. Eh ben, tant mieux. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui pourraient ne pas te connaître ? Alors, beaucoup de choses à présenter. Alors, déjà, si vous écoutez des podcasts animation, vous pouvez m'entendre soit dans LOL Japon, qui est un talk show mensuel, soit dans Kaorin, qui est un podcast musical bi-hebdomadaire, soit dans Batoru, qui est un podcast de discussion et de classement autour de séries et de films d'animation, le aussi bi-hebdomadaire avec un petit format de saison. Je suis également blogueur sur Néon Vert, ou bien président de l'association Forum Tally, qui organise des jeux et des conférences partout en France, souvent les conventions comme Japan Expo, comme Genetsu, ou comme Japanante, si évidemment il y a des conventions, ce qui n'est pas toujours facile ces derniers temps. Non, c'est sûr, donc tu ne t'ennuies pas quoi. Oui, c'est ça, exactement, très très chargé. Non, mais c'est ce qu'il faut, donc moi je te connais principalement via Batoru et du coup ton site. Ah bah merci. Et du coup, j'écoute surtout, j'avoue, Batoku, du coup, avec ton comparse Marvin. Alors, il y a Marvin, il y a Tsushi, il y a Maxo, il y a Yoka, oui, ils sont quatre. Et eux, ils font des classements de films Godzilla. Ils ont presque terminé. Je sais que le dernier épisode va être enregistré sous peu. C'est ça. Et je sais qu'ils sont un peu en sueur à faire dessus. Ils se prennent bien la tête. C'est très drôle à les voir débattre dessus. Donc, c'est toujours sympa. Et évidemment... mon très cher co-host, hein, Yannick Ham, toujours oui, là. Toujours. Comment vas-tu ? Ben, ça va très bien, et toi ? Enfin, et vous, mais du coup... Bah écoute, ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui prendraient la mule en cours de route ? Bah pas de souci. Donc moi, Yannick, hein, on peut me retrouver un peu partout, si on peut dire. Donc j'ai été un peu rédacteur sur divers sites. J'écris plus trop maintenant, mais du coup maintenant je suis sur Twitch aussi. Indie avec 4 i. Et puis voilà, globalement, je joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Et puis voilà. Globalement. Et bah le classique. Et donc, hein, c'est mon très cher co-host pour ce Anime Minute EX et tous les autres épisodes, outre les hors-séries. Outre les hors-séries, évidemment. sur les Sentai. Oui, ou même d'autres hors-séries. Hein, mm-hmm. Voilà, on a déjà sorti un hors-série la semaine dernière. Donc, comme on l'avait promis, ça n'entache pas le rythme de publication des autres. Donc le son de cet épisode sera peut-être un peu différent des autres parce que du coup on est via Discord et chacun enregistre chacun parce que du coup déjà confinement oblige et Amo du coup n'est pas du tout de notre entourage, donc on est obligé de passer par Discord. Donc on espère que tout va bien se passer, sinon vous n'entendez pas du tout ça car l'épisode ne sera jamais diffusé évidemment. C'est terrible. Donc voilà, on espère que tout va bien se passer. Donc aujourd'hui on va parler du Weekly Shonen Jump et de toute la sphère autour de ça et, etc. Donc on va faire un petit historique, vraiment très court, parler des séries cultes, comment sont publiées les séries dans le Shonen Jump, donc une façon un peu particulière. Et enfin, on fera un petit point sur ce qui est en cours sur le Shonen Jump, et ce qui a été fini dernièrement, histoire un peu de voir comment on pouvait un peu reprendre la bête en cours. Donc ce sera en deuxième partie d'émission, comme d'habitude. Pour cette première partie, on change pas les bonnes habitudes, on sait que vous aimez ça, on a pris en compte tous vos retours, donc les conseils de l'équipe et de nos invités. Donc on se limite toujours à 3, ça touche toujours un peu tout le prisme du Japon autour, et je vais quand même demander à notre invité Amo de bien vouloir commencer si tu as des choses à conseiller à nos auditeurs dernièrement. Bah là, effectivement, comme on est fin mars, ça va être la fin de la saison d'hiver 2020 en termes de diffusion d'animés. Et c'est une saison qui m'a pas mal plu avec pas mal de choses à dire. Donc, je vais retenir une seule série, peut-être pas la plus efficace ou la plus connue, mais celle qui pourra être le plus amusant, je crois. C'est Beaufouri, qui a été. Alors, le Beaufouri, c'est le nom porte-manteau, c'est-à-dire le petit nom qu'ils ont donné à la série, parce que le nom entier en japonais, c'est Iai no Iai, et puis après, il y a 4000 mots derrière, et moi, j'ai abandonné au 3. Je crois que le nom français sur Wakanim, c'est « Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai mis tous mes pots en défense ». Donc, okay. ils, ont, ils ont trouvé l'esprit. Ils ont compris plus ou moins comment tu peux te dire, attends, les Japonais, ils ont des noms fucked up. Est-ce que nous aussi, on peut monter un peu le level là-dessus? Et effectivement, avec, entre ça et Je veux te voir en haut de l'affiche, on sent qu'Wakanim, cette saison, ils ont commencé à se dire, ça pourrait être rigolo de commencer à traduire. Mais voilà, Bofuri, c'est un concept relativement connu maintenant, puisqu'on va suivre les aventures d'une jeune fille qui se fait surnommer Maple et qui joue avec une de ses copines un tout nouveau jeu de réalité virtuelle avec des casques, etc. etc. Donc voilà, le grand tradition maintenant depuis SAO, c'est soit des gens qui meurent et qui sont réincarnés dans un monde d'Heroic Fantasy, soit des gens qui se mettent dans leur lit, mettent un casque et jouent à des jeux d'Heroic Fantasy. Cette saison-là, par exemple, il y avait aussi Infinite Dendogram qui avait à peu près le même scénario. Mais dans le cas de Bofuri, on a un twist qui est assez intéressant, assez rigolo, parce qu'en fait, elle est assez débutante, elle est assez newbie. Sa copine ne pouvait pas venir l'aider le premier jour de jeu. Donc en fait, elle a un peu fait n'importe quoi dans sa création de perso, la pauvre Maple. En gros, elle a mis tous ses points, bah, comme le titre français l'indique, en défense. Donc elle est quasiment invulnérable. Elle chope des skills un peu pétés que le jeu n'avait pas forcément prévu. Que le jeu n'avait pas forcément prévu de base qu'un joueur mettrait tous les points en défense et aucun dans les autres stats. Donc inutile de vous dire que bah, elle a pris un petit peu l'équilibre du jeu à elle toute seule. Et mine de rien, en fait, c'est un jeu, enfin c'est un animé, Bofuri, qui est assez plaisant sous pas mal d'aspects, parce qu'il est avant tout léger, avant tout fun, et se prend pas vraiment la tête. L'intrigue est relativement simple, ça va pas forcément gagner des enjeux de fou, il va pas y avoir des jeux mortels ou des choses comme ça. Non, c'est juste Maple qui va continuer de péter le jeu de plus en plus à chaque... nouvel épisode, et qui va commencer à créer une guilde autour d'elle de gens qui eux aussi vont dire, si moi je mets tous mes points en attaque, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Et donc ils vont un petit peu s'amuser là-dedans. Et le vrai plaisir de Bofuri, c'est à la fois c'est plutôt bien produit, mine de rien, c'est réalisé par Shino Onuma, qui est un réalisateur assez spécialisé dans, je l'appelle l'alchimiste perso, parce qu'il a tendance à transformer le plomb en or en termes de light novel un peu pourri. Il avait par exemple réalisé l'adaptation de Rakudai Kishin au Cavalry, Chivalry of Fate Knight, qui était une super bonne adaptation d'un format de base qui n'était pas forcément incroyable. C'est un ancien de la Shaft, enfin il a appris auprès des plus grands, donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. C'est plutôt bien produit, c'est plutôt joli, plutôt mignon, plutôt rigolo. Donc voilà, si vous cherchez une série animée détente qui a un postulat qu'on a vu et revu, mais qui va le traiter de manière vraiment légère et mine de rien assez efficace, on prend vraiment du plaisir à voir les admins commencer à péter un câble en se rendant compte que Maple est de plus en plus pété. T'as même des réactions des joueurs sur les forums qui font, ah oh, mais regardez, Maple elle est encore plus pété, c'est incroyable, c'est fantastique, genre elle est devenue un mème au sein propre de sa série, ce qui est vraiment bien. Donc voilà, Bofuri, c'est une vraie bonne surprise. Je pensais qu'au bout de deux épisodes, il allait faire le tour de sa blague, et en fait non, il arrive à donner un vrai message bienveillant sur le jeu, coloré, fun, voilà, un vrai plaisir. Ok, parce que c'est vrai que moi je suis un peu allergique aux isekai depuis un bon moment, j'en ai vraiment l'overdose. Ah, je comprends. À tel point que vraiment je les commence même plus, donc c'est vrai que cette saison j'ai pas regardé grand chose, déjà par manque de temps, etc. Et vraiment, c'est dès que j'ai vu Isekai, donc c'est vrai que Bofuri, j'ai juste vu l'opening qui était assez cool, mais j'ai même pas commencé la série, parce que c'est vrai que moi, dès que je vois le mot Isekai, ça me hérisse un peu le poil. Donc c'est vrai que tu m'as un peu donné envie là, ça a l'air un peu assez rigolo, la façon de faire quand même, et de traiter le sujet un peu différent quand même. Non mais c'est intéressant, parce qu'en plus en termes d'isekai, là on sent que le genre depuis maintenant deux ou trois saisons, il commence à tourner tellement en rond qu'en fait il revient lui-même. C'est-à-dire que là Bofuri, c'est vraiment un isekai même parodique, vraiment des je pense aussi un petit peu à Shield Hero dans la manière, le personnage se bat avec un bouclier, la défense, etc. Sauf que là c'est vraiment tout l'univers sait que Maple elle est pétée, etc. Et la Maple elle-même elle le sait, mais elle est contente de découvrir de plus en plus de failles, parfois par erreur ou par maladresse. Et en gros, c'est beaucoup moins prise de tête que si c'était un vrai héros sérieux, badass, qui prenait le jeu vraiment à 100%. Là, ça serait un petit peu relou. Mais le fait que Bofuri ait vraiment une sorte de recul, qui sait vraiment ce qu'il est, c'est plutôt bien. Et puis après, c'est vrai qu'après, on regarde les isekai ces derniers temps, c'est beaucoup de parodies, mine de rien, qui commencent à arriver. Il y avait Kemono Michi avec un catch-up qui était réincarné. Il y avait Assassin's Creed Bookworm qui était plutôt pas mal. Mais là aussi, pareil, tu commençais un petit peu à te rendre compte que le genre isekai lui-même commençait à se moquer lui-même par moment. Donc c'est assez intéressant aussi de voir, alors Isekai, moi je resterais au monde parallèle, là c'est plus une genre de simulation virtuelle en casque virtuel, c'est pas forcément un personnage qui meurt, parce que toujours il y a des petits passages au lycée aussi où elle parle avec sa copine de ce qu'elle a fait dans le jeu, ce genre de choses là, bref c'est plutôt pas mal. Ok, bah ça a l'air bien, donc c'est Bofuri, c'est chez Wakanim, c'est ça? C'est Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai mis tous mes points en défense. Ok, et bah n'hésitez pas à aller checker ça du coup. Et du coup, c'est donc à l'heure où on enregistre, c'est quasi terminé, je suppose. Ouais, terminé, à l'heure où on enregistre, j'ai maté l'avant-dernier épisode la semaine dernière, le dernier sort cette semaine. Ok. Et est-ce que tu as autre chose à nous conseiller? Bah là aussi, au niveau jeux vidéo, j'en suis à ma 70e heure de Yakuza 0. Donc, j'ai vu sur Twitter que t'en parlais, ouais. Et c'est, en fait, j'allais pas dire, c'est pas mon premier contact avec Yakuza parce que j'avais essayé le 4 au moment de sa sortie sur PlayStation 3. Mais là, c'est Yakuza 0, c'est vraiment le premier où je me suis mis à 100%. Le fait qu'il soit enfin sorti sur Xbox, parce que moi, je reste un joueur. Alors, c'est paradoxal de kiffer le Japon et d'être un joueur Xbox parce que si tu kiffes le Japon, t'auras pas forcément les jeux. Mais est-ce que je kiffe pas les succès plus que le Japon par moment? C'est un vrai problème que j'ai et que je vais devoir gérer un jour ou l'autre. Mais Yakuza 0, ouais. Alors déjà, effectivement, j'aborde vraiment la franchise pour de bon avec une préquelle. Ce qui est pas forcément le... Mine de rien, c'est... j'aurais cru que ça m'aurait posé problème. Et mis à part quelques petites références de ci, de là qui, mine de rien, sont assez évidentes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu telle personne, je me suis dit, tiens, c'est vrai que sa présence là, c'est forcément une référence à autre chose. Tellement le personnage n'est là que pour faire 5 lignes et le personnage agit comme s'il était un personnage peut-être important par la suite, ce genre de choses là. Mais à part ça, en fait, c'est très accessible. N'importe qui peut découvrir l'univers de Yakuza via cet épisode-là où l'histoire est plutôt simple. L'histoire est assez plaisante à suivre par ailleurs. Et puis surtout, bah, niveau gameplay, c'est un jeu où tu joues un personnage qui a plusieurs styles de combat différents. Enfin, t'en joues même deux. Bref, ça devient vite assez généreux. Et générosité est peut-être le mot-clé parce que les Yakuza, en termes de nombre de mini-jeux, en termes de side quest, en termes de trucs où tu peux te perdre, j'ai passé littéralement un après-midi entier sur un mini-jeu de gestion de cabaret. Genre 7 ou 8 heures juste à gérer des hôtesses et des choses comme ça au lieu de faire l'intrigue principale qui était excessivement pressée puisque je devais sauver une jeune fille, etc. Bref, tant pis, elle attend du 8 heures que je génère des trillions de yens avec mon petit cabaret. Donc ouais, c'est assez efficace. Il y a même une sorte, l'intrigue peut être parfois très sombre, parfois t'as des pointes d'humour très débiles, très burlesques, vraiment très exagérées, type humour japonais un peu typique, pipi caca par moment. Et ça fonctionne très bien, c'est un bon équilibre, c'est vraiment plaisant. Là, je suis proche de la fin. Ça me rend un petit peu triste de quitter ce monde-là dans lequel je me suis pas mal mis. Mais voilà, Yakuza 0, pour le coup, comme il est sorti sur Xbox et il est en plus présent dans le Game Pass, donc il est gratos. Enfin, il est gratos si vous payez 10€ par mois, donc il est pas gratos en l'état, mais il est accessible facilement. Et je crois qu'il est même qu'à 20€ en prix total. Donc, ouais, si jamais vous n'aviez pas de PlayStation ou de PC et que, comme moi, vous jouez sur Xbox, Yakuza 0, c'est le bon moment, quoi. Et ben, je rebondis comme si j'avais un trampoline. Parce que je suis vraiment très très fan de tout ce que fait le studio Ryuga Gotoku, donc tous les Yakuza et Judgment dernièrement. On en avait un petit peu parlé dans le tout premier podcast pour Judgment justement. Et c'est vrai que je trouve que Yakuza 0 c'est quand même une très belle porte d'entrée à la licence, parce qu'il apporte quand même toute la nouveauté que même les remakes Kimawi 1, Kimawi 2 n'ont pas forcément dans le traitement des personnages et dans l'écriture, tout en donnant quand même des belles bases pour beaucoup de personnages et un peu un bac à sable de l'univers. Donc moi je trouve que c'est quand même vraiment un bien pour s'entrer dans l'univers. Et sinon je peux conseiller également Judgment, du coup, qui est un spin-off jeu à part mais qui est quand même dans la même ville avec des références, qui permet également dans un peu un autre style quand même que Yakuza d'entrer dans ce que fait RPG Studio, donc Ryuga Gotoku Studio. Et qui sont vraiment des jeux de ouf. Et pareil, moi, c'est les mini-jeux, c'est ce qui me matrixe le plus dedans. Par exemple, là, dans Judgment, le dernier de la licence, j'ai passé des après-midi à jouer au shogi contre l'autre connard qui est super fort, ou même à être dans le Battle Center, etc. Enfin, il y a vraiment tellement de choses à faire, que ce soit pour l'histoire ou en side quest. Et c'est un univers qui est tellement, qui est un câlin, tellement tout est bien, tellement tout est accueillant, tellement il nous amène dans l'histoire. Donc, moi, je ne peux, si vous aimez tout ce qui est vraiment très typé japonais quand même, n'hésitez pas à le checker. Et sachant que si vous n'aimez pas un peu le gameplay entre guillemets à la GTA, mais GTA d'action fort quand même, très beat'em all, le Yakuza 7 c'est un JRPG en tour par tour maintenant. Ouais. Donc, et en plus c'est une nouvelle ville avec que des nouveaux héros, donc si vous voulez attendre et que vous aimez les JRPG, attendez Yakuza 7 qui sortira je pense d'ici la fin d'année chez nous, peut-être repoussé avec certains problèmes, etc. Donc, et qui a déjà été annoncé chez nous en FR je crois, par Koch Media. Yakuza 7, n'hésitez pas à la sortie si vous aimez les JRPG, ça vous fera peut-être un pied dedans et vous pourrez alors passer sur les anciens, etc. Sachant que tout maintenant est sorti sur PS4 et bientôt sur One, les 7 Yakuza et Judgment sont disponibles, tous en remake, etc. Donc ils coûtent pas grand chose, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, quoi. Ouais, ils sont genre soldés tous les deux mois, enfin tous les deux semaines, tous les deux jours. J'ai l'impression que ils valent plus rien, que ce soit en boîte ou en démat, vraiment n'hésitez pas, quoi. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, mon cher Amo? Oh, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais vous laisser la place. Pas de soucis. Alors, on va passer à toi, mon très cher Yannick. Oui, qu'est-ce que tu as comme recommandation à nous donner? Bah là, en ce moment, honnêtement, j'ai surtout avancé dans les jeux que je n'ai pas terminés. C'est-à-dire incroyable. 150 millions. Non, là, j'ai pas mal avancé dans Death Stranding, donc dernière production de Kojima. Où, pour faire un récapitulatif vite fait de l'histoire, mais vraiment très bref, parce que même moi, j'ai vu que le début, et encore, c'est encore très mystique. Mais en gros, il y a une grande catastrophe qui s'appelle le Death Stranding. Le coronavirus. C'est à peu près l'équivalent dans le jeu vidéo. Et du coup, toutes les populations, donc là, ça se passe aux États-Unis, mais en gros, il y a eu une grande catastrophe. Toutes les villes sont séparées. Et le but, c'est que nous, on contrôle Sam Porter Bridges, qui doit en fait faire des livraisons, mais tenter de réunir en fait toutes les villes américaines, entre guillemets. Donc c'est des nouvelles cités-états, etc. Et en fait, le joueur parcourt de point en point pour justement reconnecter les liens, d'où le nom Death Stranding au final. Et donc ça reste très mystique, il y a pas mal de bonnes idées en termes de scénar et tout. Après, j'aime pas utiliser ce terme de dire que c'est pas pour tout le monde, mais c'est clairement un jeu qui est assez clivant dans sa manière de penser le gameplay, dans sa manière de raconter une histoire au final. Et c'est assez morcelé, il y a deux histoires en parallèle qui, du coup, sans rentrer dans les détails, se déroulent vraiment à deux temporalités différentes. Et en fait, ils expliquent un peu tout ça, plus on progresse dans le jeu, plus tout est expliqué. Après, il y a des personnages qui ont des particularités et c'est vraiment un jeu très particulier. Mais en même temps, on sent que c'est un jeu que Kojima voulait faire parce que j'ai l'impression que derrière, il y avait quand même le côté un peu... Konami m'a dégoûté de ce qu'ils m'ont fait pour Metal Gear Solid 5 et pour Silent Hills, au final. Et on ressent qu'il y a des petits moments où tu te dis ça, ça aurait pu être dans Metal Gear Solid, ça aurait pu faire partie de Silent Hills. Il y a plein de petits trucs comme ça, tu as plein de références à l'entité de Kojima en lui-même, hein, au final aussi. Et puis voilà, quoi. Après, grosso modo, c'est un jeu où on marche beaucoup, donc ça peut être très frustrant. Ouais. Genre, moi, je sais que là, j'ai failli réabandonner le jeu parce que c'est pas que j'en avais marre de marcher, parce que ça fait partie du principe. C'est juste que j'étais frustré qu'en fait, à chaque fois, je tombe pour une connerie. Tellement le jeu se veut à la fois réaliste, mais en même temps, dans ses animations de personnages et tout, il l'est pas totalement, et du coup ça donne des situations qui sont cocasses et des fois on tombe pour un rien et ça rend dingue en fait. Mais là, ça y est, j'ai débloqué un truc qui me permet d'avancer plus vite, ça me comble de bonheur. On va dire. Mais voilà, grosso modo. Du coup, toi, t'étais déjà un amoureux de Kojima avant, dans tous les cas. Ah oui, moi, à la base, je suis pas hyper objectif non plus en parlant du jeu, parce que à la base, moi, j'aime beaucoup le travail de Kojima. Après, il y a des trucs qui se défendent plus ou moins. Hein. Par exemple, j'aime beaucoup Metal Gear Solid 2, je trouve que c'est le meilleur opus. Mais ça m'empêche pas de penser qu'il est sûrement le jeu qui se branle peut-être des fois un peu trop, notamment sur sa fin, un poil trop philosophique, je trouve. Enfin, qui cherche. Ah ouais, Metal Gear Solid 2, c'est vraiment c'est du Kojima pur et dur, parce que je trouve objectivement que c'est le meilleur en termes de narration et de scénar. Après, personnellement, mon préféré reste le 3, mais c'est plus personnel, hein, évidemment. Mais MGS 2, c'est vraiment. Il a écouté tous les fans de ce qu'il voulait de MGS 1. C'est ça. Il a fait tout l'inverse, parce que c'est son jeu, quoi. Il a voulu montrer que c'est sa licence, son jeu. Et c'était à l'époque où Konami pouvait un peu rien lui dire, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que MGS 2 est si clair dans ses propos, mais aussi un peu de la branlette intellectuelle, parce que Kojima a voulu montrer que c'était lui le boss, que c'était son jeu, et on sait que c'est un jeu qui est 100% Kojima dans pur sang et veine, quoi. Ouais, clairement. Non, c'est un jeu incroyable, MGS 2, effectivement, à l'époque. Moi, j'y ai joué quand j'avais 13-14 ans, donc à l'époque, ça m'avait paru incroyable. Même encore aujourd'hui, avec le recul, je trouve pas la fin tant... tant branlettos que ça, je la trouve vraiment assez juste. Le problème, c'est que les jeux de Kojima ont l'air d'avoir une certaine tendance à se confirmer dans un futur proche. Oui, là, le problème, tu vois, tu pitches Death Stranding, tu penses pas que 3 mois plus tard, on sera tous, nous aussi, comme les héros de Death Stranding, confinés et dépendant uniquement de livreurs bienveillants qui prennent c'est tous les risques à notre place. C'est sûr. C'est ça qui est clair. Mais MGS2, en fait, c'est pas tant la fin que je trouve branlette, parce que l'Alilulélo, c'était une vraie métaphore, c'est des choses déjà bien en place depuis des années en Amérique, etc. C'est plus tout le côté Solidus, etc., que je trouve vraiment fucked up et arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est vrai que Solidus c'est pas très très marquant l'état. On se souvient plus de ce qui arrive avant, c'est-à-dire avant le combat contre lui. C'est ça. Solidus qui est juste très. Solidus qui est que réutilisé pour un vieux plot twist dans le 4, qui vraiment mais amené à la, vraiment avec un tank quoi, on te le bourre genre ah mon dieu, bah oui bah évidemment que c'est lui, calmez-vous. Je crois que le 5 fait une seule et unique clin d'œil à Solidus, c'est-à-dire à quel point il est pas très très important, alors que le 5 avait tendance à faire pas mal. J'adore le 5 par exemple, mais moi aussi je fais partie de ceux qui sont très frustrés de ne pas l'avoir en entier. Oui. J'ai quand même passé 100-120 heures dessus, donc même version incomplète, elle m'a fait le taf. Mais c'est vrai que moi Death Stranding je suis un peu frustré parce qu'effectivement comme j'ai ni PS4 ni PC suffisamment puissant pour faire tourner le jeu, bah, je suis condamné à voir les gens y jouer alors qu'il me sauce pas mal, effectivement il me sauce pas mal depuis le début. Ouais, moi aussi j'ai très hâte de le faire, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'ai très hâte de me lancer dans l'aventure parce que également fan de Kojima, et voilà, c'est... je suis content qu'il t'ait plu, c'est vrai que c'est un jeu qui a eu des retours très mitigés et j'ai hâte de me faire mon avis également dessus, j'en reparlerai peut-être à un moment où on fera peut-être un HS Death Stranding, ça peut être assez intéressant, ça pourrait être cool, ouais. Donc j'ai très hâte de poser les mains dessus en tout cas. Très cher Yannick, autre chose à nous conter? Oui, et du coup bah, toujours dans le jeu vidéo parce que j'ai essentiellement fait ça ces derniers temps. J'ai du coup commencé Hatsune Miku Project Diva X. Donc, incroyable, oui, incroyable. Incroyable, tout à fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je crois que le dernier que j'ai fait d'Hatsune Miku, c'était Project Diva F sur PS3. Ouais, du coup, PS3. Et du coup, ouais, c'est un vrai plaisir de revenir. Bon, là, j'avoue que je n'avance pas énormément non plus parce que j'ai tendance à vouloir compléter à 100%, c'est-à-dire à me tuer mais des heures et des heures à juste essayer de boucler la musique en perfect. On en discute assez en privé à ce propos-là, mais... ouais, et après, il y a un côté qui est hyper intéressant dans cet opus, c'est vraiment tout le fait qu'on peut théoricrafter, au final, ses tenues pour gagner plus de voltage. Donc, voltage, c'est... en fait, il y a un mode histoire et... ouais, je m'éparpille un peu, mais parce que je le fais encore, mais en gros, il y a un mode histoire et le mode freeplay. Et dans le mode histoire, on doit récupérer des... moi, je les appelle des cristaux, mais c'est pas ça, c'est des... si, ils appellent ça des cristaux. Non, c'est pas cristaux à proprement parler. C'est bon, enfin bref, c'est des. Ouais, on va dire cristaux. Hein. Pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas en soi, c'est pas très grave. On n'est pas expert. Hein. Voilà. Mais en fait, voilà, on doit en fait redonner de la couleur aux cristaux en chantant. Donc le scénario, il est un peu bidon, mais il est rigolo, quoi. Et en fait, le but, c'est vraiment de parcourir plusieurs chansons pour les débloquer à la fois et du coup remplir les cristaux. Et moi, c'est vrai que je me bute, mais littéralement, à essayer de compléter les musiques à 100%. Et du coup, pour, en gros, gagner plus de points et plus de voltage qui permet d'animer les cristaux, on doit en fait théoricrafter nos tenues pour avoir un pourcentage plus ou moins élevé en fonction des combos qu'on fait, en fonction justement des tenues qu'on récupère, puisqu'on peut récupérer des tenues dans les chansons. Donc, non, il y a vraiment un truc très, très cool. Et je trouve qu'en termes de mise en scène aussi... il y a vraiment un jeu avec la caméra, vraiment le côté très concert qui marche, qui est des fois lié même aux notes quand on les appuie, quand on appuie sur les boutons. Donc non, il y a vraiment des trucs, il y a vraiment de très bonnes idées. Après, moi, j'ai peut-être déjà un reproche à faire, c'est justement quand on collecte les nouvelles tenues à chaque fois, c'est un coup à se perdre, mais totalement, parce que la mise en scène fait que ça explose de partout. Et au final, c'est infernal. Au final, on perd tellement vite le rythme des notes que... on tombe vite sur un bad ou un safe et c'est hyper frustrant, quoi, parce que moi je sais que je recommence instant la musique juste après, quoi. Et voilà. Ouais, la perfection, évidemment. C'est ça, toujours. Je sais pas, t'as déjà touché un peu au Project Diva, toi, Amo? J'avais joué à la version Vita, je crois, de l'un d'entre eux. Je saurais même pas dire lequel exactement. F, du coup. Oui, Vita, sans doute. C'est le précédent, du coup. Ouais. Donc c'est F, qui était très cool aussi. Je me souviens juste que j'y jouais de manière très casuelle. J'ai pas dû dépasser les 4-5 heures dessus. Je joue parfois en convention, mais c'est vrai que c'est un gameplay que j'apprécie pas trop mal. J'ai pas un attachement assez fort au Vocaloid pour autant l'apprécier, mais ça a toujours été l'occasion de bonnes découvertes musicales. Ouais. Clairement. Moi, du coup, j'ai commencé le X aussi en même temps que Yannick, du coup. Donc, la semaine dernière, parce qu'il était en solde. À l'heure où il sera diffusé, il sera encore en solde jusqu'à la fin du mois de mars, à 15€ sur le PSN. Donc, c'est pas grand chose. Hein. Pareil, alors, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Elle me saoule plus qu'autre chose, en vrai, je trouve. Ouais, je trouve. Après, non, mais c'est histoire de dire qu'il y a une histoire, quoi. Mais bon, moi, je suis là pour jouer à un jeu de rythme, quoi. Mais voilà, c'est qu'il a moins de chansons, mais je trouve qu'il est mieux mappé que certains. Je suis d'accord avec les transformations en costume. Moi, je vois rien à ces moments-là, ça m'en dingue. Vraiment, c'est infernal, quoi. Mais voilà, c'est Torycrafting. Et en plus de Torycrafting, il y a également un drop rate d'accessoires suivant ce que t'as porté, à qui tu joues, etc. qui vient en plus. Et du coup, il y a un système un peu de farm de chansons que j'aime bien, du coup, c'est un peu la carotte qui te fait rejouer, rejouer, rejouer en plus du scoring. Et c'est assez agréable. Mais c'est vrai que par avant, moi qui ai énormément farmé les versions PSP, donc seconde particulièrement, il y a genre 3 fois moins de chansons. Après, les versions PSP avaient genre 90 sons, c'était vraiment une setlist de ouf, quoi. C'est un peu mon seul bémol, mais je le trouve vraiment très très bien. Et voilà, si vous aimez les jeux de rythme, c'est cool. Sachant que moi, je suis pas du tout fan des Vocaloid. Vraiment, c'est l'un des rares jeux de rythme où je joue pas pour les musiques. Les voix digit, ça me saoule très vite. Du coup, j'oublie très vite via le gameplay, etc. Et c'était. Voilà, moi aussi je prends un grand plaisir à ce faire Project Diva. Je suis content que tu apprécies autant, mon très cher Yannick. Ah, mais il est vraiment très très cool. Après, oui, moi je suis pas un immense fan forcément de Hatsune Miku. Moi je joue plus à OS à la base. Ouais. Ou à des jeux de rythme un peu plus occidentaux, style Guitar Hero, des trucs comme ça. Mais, ouais. Mais ça fait du bien de changer un peu. Surtout que là, en plus, pour une fois que c'est des trucs qui sont bien mappés, c'est cool quoi. Ouais. Je trouve le mapping assez intelligent, d'autant plus dans les medleys, parce que celui-là apporte les medleys, etc. Mm-hmm. Où les transitions entre les medleys sont pas secs, et ça donne vraiment une belle transition fine, et on perd pas le rythme, alors, malgré des BPM assez différents en général. Oui, oui, j'en ai fait des frais. Bon, ça, c'est cool. est-ce que tu as une dernière recommandation à nous faire, mon très cher ? Non, pas non. Spécialement, non. Donc tu peux pas foncer. De Ok, alors moi il y en a une, je vais passer très vite parce qu'on en a parlé pendant le hors-série sur Ryu Soldier. Donc le nouveau Super Sentai est arrivé, donc Machine Sentai Kirameiger. Donc on en a déjà parlé pas mal, donc je vais juste refaire un petit point maintenant qu'il y a eu 2 épisodes canon sortis. Donc c'est toujours très bien, je trouve qu'on a un bon nouveau souffle en fait dans l'histoire. Donc pour piqûre de rappel, si vous n'avez pas écouté le hors-série, donc les Super Sentai c'est les Power Rangers japonais, vraiment pour mettre entre grosses parenthèses, ça va hérisser le poil à plus d'un, je suis désolé à tous, mais voilà, on est là pour un peu casualiser la chose pour le coup. Et donc là on va, le thème c'est vraiment les gemmes, donc les pierres précieuses et les machines, donc c'est des grosses voitures de pompiers qui brillent, des hélicoptères qui brillent, etc. Et c'est très frais, ça veut pas se prendre trop la tête, mais du coup c'est pas trop enfantin non plus. Donc on n'a pas le problème qu'on avait eu dans Ryu Soldier, on avait des moments très sombres et d'un coup on avait un dinosaure qui joue au baseball quoi. Donc ça c'est cool, ça évite ces ruptures dans le rythme. Et je trouve que le cast est très bon, on a vraiment 5 personnalités fortes qui se démarquent chacun. On a enfin une deuxième fille, parce que Ryu Soldier on avait quand même eu 8 garçons pour une fille. Et en plus Azuna elle était vraiment un peu infecte. Donc ça part très bien, on a des très bons mechas, des très bonnes scènes de combat, les tenues sont vraiment très très cool. Et on a un OST très bien, donc je vais pas m'attarder plus que ça, parce qu'on en a parlé pendant le dernier podcast. Je sais pas si toi, Amo, tu consommes un petit peu du tokusatsu ou du sentai Pas tant que ça, il y a beaucoup de membres de l'association Tali qui sont assez férus de Kamen Rider par exemple. Mais moi de mon côté, alors à part avoir découvert par exemple Togger, qui était le Super Togger, Sentai des trains, j'avais maté 10 épisodes, c'était vraiment super bien, j'ai pas forcément continué au-delà. Donc j'aurais du mal à... Après je consomme beaucoup d'œuvres d'animation qui sont inspirées par le toku comme Precure ou Symphogear. Ouais, Precure très bien, mais à part ça, en fait je mate juste les inspirations plus que l'origine. Ouais, non mais... T'as tout à fait le droit. Mais ouais, Togger, c'était très cool, hein, celui sur les trains. Il divise la communauté, c'est soit on adore, soit on déteste. Mais c'est vrai qu'il est très très cool, je trouve. Ensuite, je vais enchaîner directement sur du jeu vidéo. Et alors là, tout le monde en parle en ce moment. C'est sorti du coup le 20 mars. C'est Animal Crossing, New Horizon, évidemment. Alors moi, je suis grand fan depuis l'épisode GameCube. Day One GameCube, j'avais 11 ans. Et j'ai jamais lâché, je joue quasiment tous les samedis encore à la version Wii. Et là, le Messi est arrivé, le nouveau Animal Crossing est arrivé. Et il est vraiment génial. Et il a la formule a été complètement renouvelée. Ça a gardé tout ce que ça faisait avant. Et ça a apporté en fait des carottes et des missions en fait pour que les néophytes de la licence sachent quoi faire et ne jamais s'ennuient. Parce que c'est un jeu finalement où si on se donne, dans les anciens opus, si on se donne pas au jeu, le jeu nous donne pas. C'est vraiment un jeu, il va jamais nous dire fais ci, fais ça, à quelque chose près, surtout dans New Leaf, la version 3DS. Mais sinon, c'est vraiment un jeu où si on ne joue pas, je n'avance pas. Il n'y a pas d'histoire à carotter, il n'y a pas tout ça, etc. C'est vraiment, on donne au jeu et le jeu nous le rend. C'est une bulle dans nos journées, c'est un moment de vie à passer. C'est un peu, et encore, j'allais dire comme les Sims, mais pas du tout, parce que même les Sims, c'est des carottes avec les stats, les objectifs, etc. Voilà, Animal Crossing, avant, c'était un moment de vie dans lequel on faisait ce qu'on avait envie de faire, et si on le faisait pas, c'est pas grave, et si on le fait, c'est cool, quoi. Là, New Horizon apporte plein de systèmes, le système de craft, pas surtout, et de terraforming, et le fait qu'on est sur une île déserte, on va tout créer de A à Z de nos petites mains de villageois, tout en gardant ce côté. On peut faire ce qu'on veut à côté, comme on veut. Donc, il y a plein de façons de jouer à ce nouveau Animal Crossing. Il ouvre la porte de plein de possibilités. Il prend son temps et il demande beaucoup d'investissement au début si on veut avancer un peu vite. Je pense que j'ai dû passer une vingtaine d'heures ce week-end. Voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas autant joué. Et je retrouve un amour inconditionnel pour la licence. C'est toujours difficile d'expliquer pourquoi on aime Animal Crossing. Pour moi, le mieux, c'est de tester soit en émulation, soit en se prêter le jeu, etc., etc. Mais voilà, je peux que conseiller d'essayer Animal Crossing, surtout ce épisode Switch qui est très accueillant, je trouve, et qui prend par la main les néophytes pour les emmener dans les tréfonds du matrixage qui est Animal Crossing, vraiment. Donc pareil, je vais pas m'étendre plus que ça parce que c'est un jeu qu'il faut jouer plus que... ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens dans Animal Crossing. Faut tester, faut lui donner sa chance, et faut se donner un peu au jeu, même si là, il accompagne beaucoup. Et j'espère que ça pourra un peu illuminer vos journées en ce moment ou plus tard. C'est toujours un vent de bonheur que d'y jouer, c'est toujours très agréable. Donc, n'hésitez pas à tester. Amo, est-ce que tu avais déjà un peu essayé, toi, des Animal Crossing par le passé, ou celui-là peut-être ? Je faisais partie de ceux aussi qui avaient chopé celui sur GameCube en Day One. À l'époque, le concept paraissait tellement fou que j'étais en mode, mais je veux à tout prix y jouer à ce jeu-là. Effectivement, j'avais passé énormément de temps sur la version GameCube. Après, j'avais fait un long hiatus jusqu'à la version 3DS aussi, qui m'a pas mal occupé à une période trouble de ma vie. Et bah, du coup, cette version Switch, j'étais en mode, oh, je sais pas si ça m'intéresse finalement. Puis dès que j'ai vu 3 screens tombés sur Twitter la veille, j'ai fait bon allez je vais me le prendre et voilà, ça sera réglé. Et effectivement je suis assez surpris, comme beaucoup je pense, du côté effectivement tu pars vraiment de zéro. J'étais passé à côté de pas mal de com officiels, etc., donc je pensais que ça allait être un peu classique, genre t'allais déjà rejoindre un village où il y a déjà des maisons bien installées, où la boutique, etc., etc. Donc là vraiment tu l'as fait grandir sous tes yeux, c'est à dire que t'es accompagné de seulement 2 villageois au début, ils sont dans la tente avec toi, etc., etc. Eux aussi ils ont des tentes. Ils partagent pas la même maison que toi, rassurez-vous. Oui. Surtout que moi je suis avec un chat sportif mais excessivement énergétique, donc j'ai pas envie de partager ça, pas mon intimité avec lui, quoi. Mais c'est pas mal pour l'instant. Comme d'habitude, je m'y prends en jeu. Puis là, c'est vrai que c'est un Animal Crossing où d'habitude, effectivement, je marathonnais pas mal en première semaine. Là, je prends plus mon temps sur celui-ci, justement. Parce que j'ai l'envie de voir grandir mon île au fur et à mesure des semaines, et c'est pas déplaisant. Et là j'ai construit mon premier pont aujourd'hui, je me sentais vraiment l'âme d'un bâtisseur. Ça parle aussi à mon côté fan de City Builder, donc vraiment ça c'est cool. Pareil. Donc en plus c'est beau, en plus ça tourne bien, enfin vraiment pour le coup ça fonctionne bien pour l'instant. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur la longueur. Oui, bah ça c'est évidemment, c'est que là c'est vrai que c'est des avis à chaud, hein. Il est sorti il y a 3 jours littéralement. Donc on va voir s'il arrive à me tenir en haleine autant que les autres. Mais si avec des carottes aussi longues, semble-t-il, il arrive à me tenir déjà 2 mois avec ses carottes, moi qui me donnais 2 ans à un jeu qui me donnait rien en retour, je pense que je vais pouvoir y jouer des années, quoi. Vraiment, je pense que ça va. J'ai hâte de voir l'évolution, quoi. Et enfin, dernier petit conseil que je crois que je viens d'oublier à l'instant. Donc je suis vraiment hyper ravi. C'est incroyable, je l'avais en tête et je ne l'ai plus du tout. Je suis très triste de ce qui se passe. On va faire un jeu, mais non, qu'est-ce que c'est? Non. Non, mais c'est vrai que je ne sais plus du tout ce que j'ai en tête, donc je pense qu'on va passer à la trappe, hein. c'est pas très très grave. Non, c'est une chaîne YouTube, wow, incroyable, waouh. Ouais, j'ai eu un flash. Oui, une chaîne YouTube que j'ai découvert la semaine dernière, ça s'appelle Turbo, tout simplement. Donc je vous mettrai le lien en description parce que juste après Turbo, vous n'allez jamais le trouver. C'est quelqu'un qui fait des remixes d'Eurobeat. Et donc, plupart du temps, c'est des openings d'animes. Donc, il y a Evangelion, etc. Il y a du Naruto, il y a vraiment des gros connus, hein, du Shingeki no Kyojin. Version Eurobeat, mais Eurobeat intelligent. C'est pas juste, il est passé ça en midi, il a passé tout en synthé, il a changé le BPM à 150. C'est vraiment, il a fait un Eurobeat intelligent, qui souligne bien et qui est hyper intéressant. Et il fait également des chansons très même pop culture. Donc, il y a All Star de Smash Mouth, par exemple, évidemment. Et aussi Drago Stalintain de Ozone, donc tout ça en version Eurobeat. Il fait Il poste environ un remix toutes les deux semaines. Donc, c'est bien, c'est qu'il prend le temps de bien les faire. Et si vous aimez à peu près un peu l'Eurobeat, vous allez vraiment vous y retrouver. Et c'est assez cool. Franchement, je suis pris vraiment au jeu. Le mec est hyper intéressant en plus. Il répond pas mal aux commentaires. C'est assez cool de savoir la façon de travailler si vous faites un petit peu de musique également. Donc, n'hésitez pas à aller checker Turbo. Je mettrai à la fin du podcast l'un de ses morceaux, je pense, pour que vous puissiez voir. Et le lien sera évidemment dans la description. Mais voilà, moi qui suis grand fan d'Eurobeat, je suis bien rentré dedans. Tu sais que je t'avais envoyé 2-3 également, Yannick. Je sais pas ce que t'avais pensé de ce que je t'avais envoyé. Non, mais ça avait l'air très très cool. Après, moi je suis pas un immense fan d'Eurobeat. Enfin, j'aime bien écouter. Non, c'est sûr. Parce que j'aime bien pour le lol, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas un immense fan. Même s'il y a des chansons, des fois ça passe plutôt bien. Mais ouais, voilà, bah déjà vous, le classique. Ah, déjà vous, grand classique. El Famoso. El Famoso. C'est vrai qu'on a pas Eric aujourd'hui qui aurait pu souligner le dire, qui est également un énorme fan du genre musical. Mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter une oreille, ne serait-ce que voir les remixes de vos openings d'anime préférés. C'est vraiment très cool et c'est très bien produit. On va pouvoir passer au thème tranquillement. Mm-hmm. On n'aura jamais été aussi rapide pour la recommandation, c'est incroyable. C'est fou comme quoi être à 3 au lieu de 4, ça change beaucoup dans les timings. Donc on va pouvoir parler un petit peu du Weekly Shonen Jump, même du Jump un peu en général. Avant tout, je vais faire un tout petit point d'histoire, vraiment très rapide, parce que le but c'est pas non plus de baratiner avec tout le monde avec ça. Donc on rappelle qu'on va discuter entre passionnés, pas entre experts. Donc on n'est pas pour but d'être exhaustif, mais juste de discuter de ça et d'un peu cerner le prisme qu'il y a autour et un peu ce qui gravite et ce que ça a créé dans l'univers du manga. C'est quand même un sacré gros pilier hein, du manga, ça on pourra pas le nier. Donc ça a été créé quand même le 1er août 68. Donc ça a 60 ans déjà, donc ça rigole pas. Donc 50. C'est 50. Excuse-moi, les maths c'est dur. Hein. Oh là là, les mathématiques. Non mais j'aurais fait la même erreur parce que je pense que toi aussi tu es peut-être littéraire et voilà c'est. Alors moi j'ai fait un bac pro donc vraiment je suis encore loin de ça vraiment. Voilà, le jugement est arrivé déjà très vite. Hein. Oh là là. Donc donc voilà 50 ans excusez-moi. En plus, ça les a fêtés avec plein de choses, etc. Donc, c'est vrai que c'est... Désolé, je vous hérisse le poil. Donc, voilà, 50 ans de Shonen Jump, hein, déjà. C'est un magazine donc, de prépublication. Donc, qu'est-ce qu'un magazine de prépublication, finalement ? C'est, au Japon, la plupart du temps, avant de sortir en tome relié comme chez nous, ils sortent des gros magazines, c'est vraiment des gros pavés, dans lesquels il y a un chapitre de plusieurs mangas. Donc, on va vraiment faire le niveau 0 pour faire que des noms connus. Imaginez, il y a Dragon Ball, Naruto, One Piece dans un seul manga. Il y a tous les chapitres que vous achetez dedans. Et chaque semaine par semaine, vous allez acheter votre petit magazine. Et comme certains d'entre vous doivent lire les scans sur Internet, vous le faites en achetant pour une bouchée de pain un magazine en papier recyclé dans lequel il y a tous les chapitres de la semaine. Et donc, c'est énormément consommé au Japon. Ensuite, les gens vont acheter les tomes reliés derrière. C'est très rare qu'ils stockent tous les jumps pour des raisons évidentes de place, clairement. Et aussi parce qu'on va pas se mentir, c'est pas ouf. En termes de papier, c'est vraiment dégueulasse. Je vais vous faire une cascade, je tiens un Shonen Jump entre les mains, je vais le lâcher. Voilà, je sais pas ce que ça a donné au micro, mais c'est 500 pages, c'est un annuaire téléphonique en termes de qualité de papier. Même un annuaire téléphonique, je pense, c'est un meilleur standing. Oui, là, en France, en tout cas, oui. Celui que j'ai entre les mains, il a Nisekoi en couverture, c'en est un 2015-2014, ouais. Et je crois déjà l'humidité de chez moi l'a tué. Donc, oui, c'est pas incroyable. Donc, effectivement, c'est pas à garder, c'est fait pour être jeté. Le prix est assez bas, c'est 200 yens, je crois, 180 yens. Donc, c'est vraiment, genre, chez nous, c'est 1,20€. C'est ridicule. C'est ridicule, ouais. Quoi. Donc voilà, là on parle du Jump, mais quasiment tous les magazines de prépublication sont d'une qualité comme ça. Hein. C'est vraiment du truc que tu achètes en combini à ton arrêt de gare et que tu lis, que tu feuillettes avant de lâcher dans une poubelle juste derrière. La plupart des gens le lisent dans le métro ou dans le train et même le posent du coup dans les porte-bagages. Comme ça, les gens peuvent le relire derrière, etc. C'est des choses qui sont pas mal. Et c'est quand même du papier. Du coup, même la couverture est très fine, très recyclée pour aussi un effort, un minimum écologique et de près de coûts d'impression parce que c'est comme semaine par semaine, c'est des quantités énormes de papier qui passent chaque année. Quoi. C'est des tonnes et des tonnes, c'est inimaginable. Quoi. En moyenne, on est la moyenne haute, on est entre 1 500 000 et 2 millions de Shonen Jump à l'heure actuelle qui sont vendus. Oui. C'est deux fois plus que le second, que le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha. C'est ça. Donc j'arrive à là, du coup, c'est le magazine de prépublication numéro 1. Depuis quasiment toujours. Vous allez vite comprendre quand on va citer tout à l'heure les grands noms dedans. Ça, c'est... Parce que finalement, même en France, les éditeurs s'arrachent ce qu'il y a dedans. C'est... Maintenant, de façon contemporaine, c'est très rare que des choses passent à la trappe dès qu'ils sont un petit peu longs. Mais on expliquera, on y reviendra. Sauf les trucs que j'aime coup, parce que c'est ciblé. Voilà, c'est des choses qui arrivent et oui, je suis voilà. Désolé. C'est ça. Et du coup, la grande époque du Shonen Jump, c'est quand même les années 80 à 1080 à 1090. À l'époque, ça vendait en moyenne plus de 6 millions de copies chaque semaine. C'est énorme. C'est vraiment, mais c'est impensable. C'est 3 fois plus que ce qui est vendu en ce moment. C'est pour dire la quantité qui était vendue. Ouais, c'est pas effectivement, c'est pas illogique que ça ait baissé si vous vous posez la question, parce que comme tous les pays oui. du monde, la presse papier s'est effondrée au fur et à mesure. C'est ça. Et puis il y a un problème avec le Shonen Jump. Internet. Je dirais pas Internet. Pour les ventes japonaises, en tout cas, c'est peut-être pas tant un problème que ça. Oui. C'est plus les éditeurs français ou occidentaux qui feraient le piratage, quand même, pas incroyable. Mais c'est surtout que il y a une chute de la démographie, donc il y a de moins en moins d'enfants, oui. donc le Shonen Jump a aussi été forcé ces dernières années, et on va le voir peut-être quand on évoquera la partie contemporaine, a évidemment. Été un peu forcé à changer son public, c'est-à-dire plus quand Shonen Jump, quand on dit Shonen, on pense aux préadolescents masculins, on va dire entre 10 et jusqu'à 16-17 ans. C'est à peu près en théorie le public cible du Shonen Jump, mais on va voir que au fur et à mesure le magazine aujourd'hui profite de sa place de numéro 1 pour aussi essayer de toucher des publics très très variés, par exemple le public féminin avec certaines séries, ce qui n'est pas nouveau hein. Par exemple le saviez-vous, Captain Tsubasa Olivier Tom au Japon, ça a été un énorme succès sur un public féminin, tout comme Slam Dunk oui. et ce qui aujourd'hui se retrouve ouais. chez des séries comme IQ. Mais voilà, en règle générale le Shonen Jump, même si on dit Shonen, c'est un public plus large qui pourrait y paraître, même si c'est pas aussi aussi fou que pour que d'autres magazines shonen, même si ces derniers temps on a pu le voir avec des séries un peu plus violentes, qu'ils se réouvrent un petit peu à plus de violence et de cruauté au sein de leur page. Mais ça, on verra ça plus tard. Oui, on en parlera dans le contemporain, parce que c'est vrai qu'on le compare pas mal au Sunday, du coup, le Weekly Shonen Sunday, qui est un. Alors là, ces deux têtes qui sont concurrents numéro 1. C'est lui le deuxième maintenant. Si non, c'est le Weekly Shonen Magazine qui est le numéro 2 ah oui. et qui a souvent battu ouais. le Jump à une des périodes. C'est-à-dire que le Jump est en fait est devenu numéro 1 dans les années 80, là où c'était le Shonen Magazine qui était avec Ashita Nojo par exemple au début des années 70, qui a été longtemps ouais. leader. Le Jump a perdu sa place de numéro 1 à la fin des années 90. Le Shonen Magazine avec des séries comme GTO par exemple sont repassés devant pendant 3 ou 4 ans. Genre GTO et Lovina pour le Weekly Shonen Magazine, ça a été un bon duo qui a très très bien fonctionné. Après, le Jump a retrouvé grâce à One Piece, grâce à Naruto, grâce à Bleach. Il y a une sorte de second âge d'or aussi dans les années 2000 pour le Jump, qui n'est pas inintéressant d'évoquer à par moment. Mais c'est vrai qu'on est loin quand même du standing que le magazine avait dans les années 80, où effectivement, non seulement ça cartonnait tube sur tube au Japon, mais aussi à l'international, avec les droits télé qui se vendaient encore sur des bouchées de pain, des choses comme ça. Donc l'Italie, donc la France, donc une grande partie de l'Europe ont aussi été initiés, mine de rien, au monde de l'animation japonaise, avec pas mal d'œuvres issues du catalogue Jump. Ah bah ça c'est clair net. Le Jump a quand même posé énormément de... Enfin pas de base, mais voilà, a pas mal codifié pas mal de choses. C'est pareil, on y reviendra. Juste du coup, pour que vous puissiez remettre un peu les cartes à leur bonne place, le Weekly Shonen Jump, c'est Dragon Ball, donc en France considéré comme un peu le messie hein, pour le grand public. C'est Naruto, c'est One Piece, c'est Yu-Gi-Oh, c'est Shaman King, enfin c'est High Shield, c'est Olive et Tom, c'est énormément, énormément de, c'est énormément de choses qui sont extrêmement cultes, c'est Senseiya aussi, c'est des choses qui sont entrées dans même la pop culture française, quand même à ses ampleurs mondiales, c'est ça qu'il faut pas l'oublier. C'est des choses vraiment énormes qui sont vendues par palette, qui ont des produits dérivés vraiment de ouf. Et qui ont vraiment créé plein de choses quand même dans le monde du manga, de l'animation et même juste de la création fantaisiste dans tout le monde. Les jeux vidéo aussi. Hein. Oui, non, et ça, c'est tout ce qui est lié, c'est que déjà le manga et beaucoup de mangas du Jump ont quand même codifié pas mal de choses. Mmh. Oui, bien sûr. Non, puis ça n'empêchait pas, toujours dans les années 80, si on va rester dans cette période-là pour l'instant, c'est-à-dire que c'est une période excellemment riche. Donc déjà à la base effectivement on a cité Dragon Ball, on a cité Saint Seiya, on a cité Olivier Tom, JoJo's Bizarre Adventure par exemple, c'est aussi intéressant de voilà, se dire Jojo, que c'est une série, oui. C'est une série qui est née dans le Jump, elle y est restée quasiment 15 ans au sein du Weekly Shonen Jump. Ouais, après au milieu de Steel Ball Run, donc au milieu du 6e arc, elle a changé de magazine pour entrer dans l'Ultra Jump qui était destiné à un public plus âgé, parce qu'autant vous dire que sur la fin de la publication au sein du Shonen Jump, le public était pas très présent, c'est-à-dire que tu donnais à des enfants, enfin tu donnais à des enfants, à des préadolescents, tu donnais Steel Ball Run. Ils étaient un peu en mode c'est peut-être plus pour papa que pour moi, donc c'est peut-être ce genre de choses. Donc effectivement, et puis faut parler aussi en termes de genre, alors chaque magazine a un peu sa spécialité. Le Jump ça va vraiment être donc la bagarre, un peu de sport mais pas autant que dans d'autres magazines shonen, par exemple la romance aussi pareil, pas tant que ça au sein du Jump, par contre un petit peu plus de comédie peut-être, mais ça va être surtout être la bagarre un petit peu qui est la spécialité du Jump mine de rien, même si encore aujourd'hui ça a un peu tendance à s'amenuiser. Oui, c'est, on le remarque en ce moment de façon contemporaine, c'est que on voit qu'il y a un slot un peu pour chaque thème, donc entre guillemets la bagarre, le shonen neketsu assez classique et entre guillemets majoritaire, comme on dit c'est un peu moins le cas dernièrement, il y a toujours un ou deux slots de sport, il y a deux trois slots de comédie, un slot de comédie romantique, et après on va dire les autres qui pourraient pencher sur le seinen, un peu pencher sur le shoujo, voilà, c'est un peu les ovnis qui essaient de graviter, et on voit qu'ils essaient de respecter un certain quota, mais ça on en parlera un peu quand on parlera de comment ils publient leur et qu'ils choisissent surtout leur série. Du coup là j'ai pris sous les yeux un petit peu les listes justement des grands mangas dedans des années 80-90, et on voit que ce qui a quand même pas mal lancé les ventes, bah, c'est Cobra évidemment fin 78, oui, et Kinnikuman donc Muscleman hein, chez nous dans la foulée hein, qui ont un peu lancé la machine, puis arrive Dr Slump de Toriyama évidemment qui confirme tout ça. Et on a donc, chez nous c'est pas du tout connu, mais on a Shinen Kimengumi qui est quand même un gros succès au Japon. En France ça s'est connu chez les quarantenaires sous le nom du collège Foufoufou. Oui, c'est ça. On connaît surtout l'adaptation animée. Oui, c'est clair et net. Et qui est disponible en manga chez nous, mais assez compliqué à choper. Après voilà, Captain Tsubasa, Cat Size, encore du collège Foufoufou, Wingman, Okuto no Ken. Alors Kimagure Orange Road, moi qui est un de mes mangas préférés ever de Izumi Matsumoto, donc c'est Max et compagnie chez nous. Oui, c'est ça. Donc, pareil, c'est un truc de vieux hein, maintenant, mais voilà, on voit que ils arrivent à faire quand même des grosses séries de tous les thèmes, parce qu'on a quand même plein de shonen de baston, mais voilà, Kimagure Orange Road c'est de la comédie romantique, Dr. Slump c'est de la comédie pure et dure, pareil pour le collège Foufoufou, il y a du sport qui a beaucoup marché avec Olivier Tom, on a Bao de Araki avant Jojo qui avait quand même bien marché. Puis 84 arrive Dragon Ball, et alors là c'est l'explosion, mais Toriyama qui donne tout quoi. Et dans la foulée on a City Hunter qui est donc Nicky Larson, oui, pour les plus français d'entre nous, qui arrive du coup en 85. 86 c'est Saint Seiya. À partir de là on est à environ un gros 8 par an, puisqu'en 87 ça sera Jojo, 88 c'est Bastard, enfin c'est plutôt pas mal hein. Ouais, C'est ça. Ensuite, on a bon, après des choses plus japonaises. Il y a le Dragon Quest qui arrive en 89, la quête de Dai. Ah, suivi quelques semaines après de Video Girl High. Ouais, exactement. Ouais, on a des grosses années 80, mais déjà dans les années 70, en fait, vraiment aller dans la proto-histoire du Jump, ça c'est intéressant de voir, en fait, là aujourd'hui, le Jump est un magazine, mine de rien, plutôt propre sur lui-même. C'est-à-dire que, comme la statue numéro 1, c'est vrai qu'il va pas trop faire son rebelle. C'est-à-dire que c'est du shonen, mais c'est pas non plus du shonen cracra rebelle. Ça va plus être dans le Champion, ça, par exemple, où là, ça va être des trucs un peu pour rebelle. Mais au début des années 60-70, là, il fallait vraiment se faire un nom un petit peu, et c'est là qu'on avait pas mal de séries de Gonagai entre autres, comme par exemple L'école impudique ou des choses comme ça, où là c'était clairement très très grivois par moment, ce qui était assez inédit pour des magazines qui justement se voulaient shonen à l'époque, donc ça avait créé pas mal de scandales, de polémiques, et c'est là-dessus un petit peu que c'était inscrit le début du Jump, c'est-à-dire il est entré dans l'esprit via pas mal d'histoires, soit de délinquants à moto, soit d'humour, comme j'ai dit, vraiment en bas de la ceinture, dont une série par exemple dédiée au caca, enfin là c'est pour le coup ouais, c'est ça. C'est un humour très particulier. Ça a été édité en France d'ailleurs à partir de l'an dernier, je crois. Je sais plus son nom officiel. Professeur Caca, ouais. Peut-être un truc comme ça. Oui, c'est quelque chose du genre, je crois d'ailleurs, hein. Tout simplement. Donc ouais, donc déjà les années 70. Puis après, il y a intéressant, de manière intéressante, donc comme on a dit, Gonaga qui va ensuite derrière va créer pas forcément dans le Jump, mais pas mal. Enfin, Gonaga, c'est le mec qui a créé trois genres à lui tout seul. Et avec Devilman, oui. Il va créer presque le seinen un peu sombre, mine de rien. Avec Mazinger ouais, Z, quasiment. Il va quasiment fonder le super robot dans sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis avec Cherry Miel, donc Cutie Honey, le Magical Girl, mais pour homme. Donc c'est. Et déjà à l'époque, les premiers chapitres de l'adaptation manga de Mazinger Z ont été dans le Jump. Ils ne sont pas restés très longtemps, mais déjà dans le Jump, non. On avait du Mazinger. Et puis ça peut être intéressant de voir que par exemple, une série comme Gen Hiroshima, qui a un manga extrêmement poignant, extrêmement sombre sur Hiroshima, a lui pareil été à la base publié dans le Jump. Donc aujourd'hui, ça paraît pas forcément appartenir. Tu dis, tu vois, Gen Hiroshima, tu dis pas c'est du Jump. Et bien pourtant, les premiers tomes étaient du Jump. C'est ça. Et enfin, ça a lancé quand même pas mal de choses à la base. Ça s'est lancé avec des gros. Et c'est vrai que maintenant, ça caresse un peu plus dans le sens du poil les tendances que veulent lire les gens. C'est vrai que c'est un peu différent, mais on en parlera quand on sera au contemporain. Là, avant de passer un peu aux années 90, etc., j'aimerais qu'on parle de comment se passe le choix des séries, comment elles restent et comment elles sont décidées d'entrer dans le Jump. Et donc là, je sais que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup, Amo, donc tu peux nous en parler un petit peu. Alors, je pense qu'un peu comme tout le monde, mine de rien, mes connaissances sur le sujet sont très apportées par Bakuman, tout simplement. C'est-à-dire que si on voilà, sait... J'allais en parler également. Si on sait autant comment le Jump fonctionne, et contrairement aux autres magazines, c'est aussi parce que le Jump s'est dit un jour, on va mettre Oba et Obata, on va mettre les mecs de Death Note, sur un manga qui raconte comment on fait un manga dans le Jump, ça durait 20 tomes, c'était Bakuman, et c'était une lecture passionnante, même si parfois un peu misogyne, mais ça c'est pas grave, c'est Oba et Obata, c'est leur petite tendance à... et donc du coup effectivement alors je pense que c'est à peu près similaire dans les autres magazines, mais au sein du Jump on a toujours effectivement cette volonté d'avoir 20 séries au sommaire, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, on en est au moins 20. Alors c'est pas toujours le cas ces derniers temps, on a pu voir beaucoup de sommaires avec 18 ou 19 séries, bon bref c'est pas non plus une science exacte, mais du coup quand tu es un joyeux dessinateur, tu envoies tes planches, tu envoies tes projets à un éditeur, il fait ok, ça peut être intéressant, etc., etc., réunion éditoriale. Dans cette réunion éditoriale qui est un rythme assez régulier, on décide si une série va mourir. Si cette série va mourir, par quoi on la remplace ? Donc du coup, on peut peut-être sélectionner ton projet à ce moment-là. Et si ton projet est sélectionné, à partir de là, ça va être un vrai, un vrai rush. C'est-à-dire que tu vas avoir peu de temps, mine de rien. Donc déjà, ta série va apparaître dans le magazine. Donc voilà, ton premier chapitre est en couverture du Jump, donc en couverture d'un magazine lu par 1 700 000 personnes. Donc à partir de là, c'est un bon départ. Mais le premier chapitre fait 60 pages. Bref, c'est un gros truc. Donc là, tu introduis bien ton univers, tu fais en sorte que ça reste. Et après, tu vas espérer que les lecteurs remplissent un petit formulaire, enfin un petit truc qui est dans chaque Jump, qui est un tout petit truc, une sorte de petite carte postale où tu indiques quelles sont tes trois séries, quels sont les trois chapitres que tu as préféré lire dans le Jump de cette semaine. Donc tu mets, allez, j'ai bien aimé One Piece, j'ai bien aimé Death Note et j'ai bien aimé la série par le nouveau mec venu. T'espères que tu vas te citer dans ces trucs-là parce que ces sondages de popularité, chez nous, quand on dit sondage de popularité, tu penses qu'on va te foutre de ta gueule et qu'on va juste envoyer un petit paquet de mouchoirs. Mais au Japon, non seulement tu participes via cette carte postale, via ce sondage, à un vrai concours avec des vrais gros lots, souvent des consoles de jeux ou des choses comme ça, mais en plus les résultats de ces sondages là sont regardés de très très près par les éditeurs, c'est à dire que très rapidement tu as moins de 5 ou 6 chapitres pour imposer ta série au sein de ces sondages de popularité interne, dont nous mêmes on ne connaît pas forcément le contenu exact. Tout ce qu'on sait, c'est que si au bout de 7 chapitres ta série commence à être déjà dans le fond du sommaire, c'est mal barré parce que le Jump fonctionne avec ce sort de système où plus une série est populaire, plus elle est haut dans le sommaire. Là aussi, c'est pas forcément une science exacte, mais on se confirme en voyant par exemple de nombreuses. Alors moi je fais des graphiques. Tu citais tout à l'heure très beaux graphiques que je faisais. Sur Néanvers, chaque année, je fais le bilan. Donc chaque année, je prends toutes les positions dans les sommaires de chaque série et je fais des graphiques avec ça pour vous dire que regardez, Demon Slayer a passé toute l'année dans le top 5, One Piece a passé toute l'année dans le top 5 du sommaire. Ça veut dire que c'est populaire, ça veut dire que ça marche bien. Par contre, cette série-là, Samurai 8, regardez. au bout de 10 chapitres, c'était tout au fond du sommaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas très bien. Ils ont aussi regardé les ventes des tomes reliés, évidemment, sauf que bon, bah, parfois, ta série, elle n'a même pas le temps d'arriver à la vente au tome relié, qu'elle est déjà annulée parce que les retours des sommaires n'étaient pas assez bons. Bref, le Jump fonctionne avec cette, comment dire, cette exigence éditoriale très élevée. C'est-à-dire que, pour le coup, tu dois non seulement faire une série qui plaise aux gens, mais qui plaise aux gens extrêmement vite. Tu dois convaincre dès les premiers tomes, dès les premiers chapitres. Donc, ça fait une série aussi avec un taux de roulement très, très élevé. C'est-à-dire que des séries dégagent tous les 3 mois, des séries arrivent tous les 3 mois, donc tu as toujours de la variété. Mais le bon côté, c'est que du coup, bah, tu as environ, allez, sur 14-15 séries qui commencent chaque année, tu en as 10 ou 11 qui dégagent, et les 2 ou 3 qui restent, je ne vais pas dire qu'elles sont condamnées à devenir des hits, mais elles sont très très bien parties pour fonctionner derrière. Donc c'est un système, encore une fois, comme je l'ai dit, très exigeant, mais qui semble avoir fait ses preuves pour produire des œuvres qui restent dans l'inconscient collectif. Ok. Moi j'aimerais bien avoir l'avis de Yannick sur cette méthode un peu d'édition. J'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, en tant que consommateur quand même, pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ce système un peu de sous de vote en fait, et de classement, qui est vraiment le cœur dur de cette méthode d'édition? Bah, en soi, après, bon, moi je m'y connais un peu moins en Jump que vous deux, hein, clairement. Dans la méthode en soi, elle peut être intéressante, mais vraiment, hein, pour voir à quel point si ta série fonctionne ou pas. Mais le revers, c'est, bah, comme tu l'as précisé à mots, c'est vraiment... c'est vraiment le fait d'être, tu peux être vite frustré ou vite vite passer à l'as, quoi, clairement. Et oui, souvent on va pas donner chance de faire quelque chose sur le long terme, c'est-à-dire que pour le coup tu dois faire des trucs chocs dès le départ, et parfois même à te perdre, parfois même à hésiter à savoir quel genre tu dois utiliser. Je pense beaucoup à Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit. Si vous lisez le manga, les 2 premiers tomes sont très brouillons. C'est-à-dire que pour le coup, t'as l'impression que ça change un peu à chaque chapitre, que l'éditeur fait « Attends, non, ça pas... finalement, le public n'a pas vraiment apprécié cette tentative-là, tu devrais vraiment apprécier, tu devrais vraiment tenter ça, etc. etc. » Demon Slayer, par exemple, on va en parler plus tard, mais aujourd'hui, c'est le plus gros succès du Jump, et c'est un des plus gros succès historiques. Mais c'est une série qui a commencé dans le fond du sommaire. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ou 6 chapitres, elle était dans le fond du sommaire. Et même moi, qui avais beaucoup apprécié le premier chapitre à l'époque de sa prépublication, j'étais un peu en stress. C'est-à-dire que j'étais en mode « Ah, ça ne touche pas le public du Jump, c'est dommage. » C'est aussi un des revers de la médaille, c'est-à-dire que tu peux faire une très bonne œuvre, mais si elle n'est pas adaptée au public du Jump, bah, elle va se faire annuler et tu n'auras aucune chance de la reprendre ailleurs. Je pense par exemple à Stealth Symphony, qui était une série de 2013-2014 qui était écrite par Ryoga Narita. Oui. Donc qui a écrit Bakano et Durahara, qui sont deux animés très solides en termes d'écriture, sauf que quand tu mets Narita pour parler au public du Jump, c'était peut-être pas ce qui était le plus adapté. Donc c'est une série qui, malgré beaucoup de promesses, a vite été avortée malgré tout. Et donc voilà. C'était dessiné par Obata d'ailleurs, en plus. Le style était très proche maintenant que tu le dis, mais non, Obata, il avait fait une série avec un gamin qui était procureur dans une école, je crois, dans la même période. Oui. C'est cette période un peu bizarre entre Platinum End et Bakuman. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, d'ailleurs, c'est rigolo pour rebondir un petit peu sur Demon Slayer, c'est que c'était tellement un peu dans le fond qu'il a quand même entamé son arc final, et que c'est maintenant qu'il marche de ouf et qu'on sent qu'il tend un peu à... C'est le problème d'une Jump. Pareil que j'ai un... Du coup, je vais donner un peu mon avis aussi là-dessus. Parce que le Jump a tellement peur aussi de perdre ses best-sellers, c'est sens, ça a quand même étiré pas mal de choses. Par exemple, moi, je suis un grand fan de We Never Learn, du coup, qui a pris la relève de Nisekoi, que j'adorais déjà beaucoup. Je vais pas spoiler, mais du coup, techniquement, l'histoire est finie. Sauf qu'en fait, il va faire une route par meuf qu'on a à pécho. Donc, on se tape 5 routes. Chaque route fait 10 chapitres. Donc, c'est-à-dire qu'on va se taper un an de What If. Qui, déjà, moi, les What If, j'aime pas ça parce que j'aime qu'un auteur assume sa fin. Par exemple, j'étais très déçu que Bitum, il y ait un tome bonne fin, un tome mauvaise fin. Et là, on me donne une comédie romantique. J'avais accepté que la gagnante, c'était cette fille-là, qui n'était pas ma préférée pourtant. Et j'étais en train de lire le dernier chapitre, que j'étais certain que c'était le dernier chapitre. Et on me dit, ah bah non, route 1 sur 5, d'autres trucs. Parce que le Jump n'a pas, je pense, encore prévu n'a pas trouvé peut-être de relève à une comédie romantique, parce que du coup on n'en a plus dans le Jump pour remplacer. Ah si, il y aurait Yuragi no Yuna-san, mais c'est plus érotique que romantique. Alors ouais, parce que en plus en ce moment c'est quand même très des arcs de combat dans Yuragi no Yuna-san. Ouais. Et en plus ils arrivent pas, ils le mettent même pas sur Manga Plus tellement c'est pire qu'érotique. Et s'il continue, il va avoir le même destin que To Love, il va se finir dans le Jump SQ, et c'est tout ce qu'il va finir à gagner, quoi. Bah, le problème de Two Love Trouble, c'est surtout que l'auteur a dû affronter une histoire de divorce compliquée. Donc, oui, ah, très compliqué, ouais. Vraiment. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Two Love Trouble, qui était déjà érotique, pas forcément limite, mais érotique non, dans le bon ouais. sens, avait dû se stopper pour aller ensuite dans le Darkness. Ensuite, ils se sont dit, bon, attends, quitte à reprendre Two Love, autant aller dans le magazine Shonen Plus, c'est-à-dire le SQ Jump, qui est en gros, le SQ Jump, c'est la version mensuelle du Jump, mais qui est encore plus élevée en termes de public. C'est-à-dire qu'il parle du principe que tu seras un petit peu plus âgé. Donc ils y vont un petit peu plus niveau je vais dire niveau violence, si, un peu niveau violence, ouais, et si. Au niveau cul, ouais, Two Love Darkness avait atteint un step-up. Ouais. C'est assez compliqué, hein. Ne pas lire dans le tram ou dans le bus. Hein. Oui, c'est sûr. mais du coup, voilà, c'est que moi, je fais partie des gens qui aiment bien, en fait, voilà, j'aime donner la chance à un truc. C'est vrai que je suis toujours triste dans le Jump de voir partir des choses. De façon très récente, j'avais adoré Double Taisai, donc qui était un manga sur le shogi. Et même s'il partait un peu dans tous les sens à certains moments, il avait trouvé son rythme et c'est là où il s'est arrêté. Et même s'il a donné une fin que j'ai beaucoup aimé finalement, en 3 mois il a réussi à construire un peu un truc, j'étais un peu triste que ça parte. Et à l'inverse, il y a eu Beast Children qui a passé 2 mois où on comprenait rien, même dans le style de dessin. Et du coup, il a eu 4 chapitres vraiment très propres qui entamait un arc d'entraînement et s'est arrêté en plein milieu. Vraiment, c'était un manga de rugby. Et vraiment, en plein milieu, c'est le final de ce truc, c'est on a réussi à faire une mêlée contre les troisième années. Trop bien, on est trop fort. Et fin du manga, quoi. Mais bah putain, yes, bravo les gars. Vraiment, on n'a pas tous les mêmes problèmes au rugby, a priori. Hein. Non. Non, donc, mais c'est vrai que le côté de ça peut durer trop longtemps. Alors, c'est historiquement avéré depuis assez longtemps, hein, que ce soit par exemple Dragon Ball Z ou déjà Akira Toriyama. Ah oui, tu sais là, que certains arcs, à partir d'un Z, point bien précis, il en avait marre. Achille 21 ouais. avait un fameux arc tournoi international qui ne servait pas grand chose. Bleach, pareil, Tite Kubo ouais, a été ouais. un peu forcé ouais, sur leur dernier arc. Il aurait bien aimé terminer autour oui. d'Aizen. Bah, puis après, même tu vois, Naruto a eu des problèmes et tout. Bleach est un bon exemple de l'éditorial qui vraiment peut parfois prendre trop sa place. Chez l'auteur, parce que tu vois Bleach effectivement tu sentais que Kubo voulait quand même stopper après Aizen, ce qui est ouais, assez logique, clairement. C'était la conclusion logique, mais du coup il a quand même il est parti sur la Fullbringer, du coup il s'est dit bon quitte à continuer autant que je fasse un truc vraiment perso, donc il est reparti un peu sur une remise à zéro de l'univers de Bleach avec ouais. les Fullbringer, que moi je trouve pas désagréable, c'est pas un arc quand je l'ai relu en entier je l'avais trouvé finalement pas si mal que ça, mais dans tous les cas tu sens qu'au bout d'un moment les éditeurs ont fait bon t'es sympa de tenter des trucs avec les Fullbringer, on fait revenir les capitaines, donc là à partir de là ça redevient du Bleach plus traditionnel, et tu sens que le dernier arc il est un peu en automatique. Mais après, c'est vrai que c'est une tendance ces derniers temps à allonger pour rien, qui a un peu tendance à s'aménuiser à mon sens. C'est vrai que tu citais l'exemple de We Never Learn, mais c'est vrai que c'est assez ouais. exceptionnel. C'est surtout parce que après, ça collait bien à mon sens avec l'ambiance de We Never Learn, qui était une ambiance très ouais, justement l'intrigue amoureuse et pas le centre, c'est plus la comédie et les événements. Ah, un petit peu comme Nisekoi une période. Moi j'aime beaucoup Nisekoi et We Never Learn aussi, ouais. mais c'est juste que We Never Learn ça me choque pas parce que c'est dans le mood. Il aurait fait la même chose sur Quintessential Quintuplets par exemple en parallèle, ouais. Où là par exemple tu avais un choix bien défini, où par contre l'intrigue était vraiment maximale et importante. Là c'est vrai que ça aurait été plus problématique, mais sur We Never Learn pour moi ça fait partie de l'ensemble, même si c'est vrai que à mon sens ils ont peut-être pas aussi de remplaçants en termes de romance. Après, c'est pas forcément leur spécialité au sein du Jump, c'est pas forcément quelque chose sur lequel ils cartonnent tout le temps. C'est-à-dire qu'en gros, je peux citer quasiment sur les doigts d'une seule main les romances qu'on réussit au sein du Jump. Donc il y a Max et compagnie, ouais. il y a Video Girl High, il y a Is, ouais. il y a To Love Trouble, ouais. Il y a Ichigo 100%, il y a Nisekoi, ouais. donc ça fait 6. Et puis We Never Learn, je sais pas si on peut dire que c'est un méga succès, mais c'est juste qu'effectivement il dure. Il a bien duré. En fait, c'est les comédies romantiques, c'est souvent quand même c'est du milieu de classement. Du coup, c'est ouais. comme ça qu'on peut dire. Mais ça reste des choses qui gardent leur place de milieu de classement. Donc c'est quand même c'est plus de niche, mais il y a un public quand même, quoi. Ouais, et Nisekoi par exemple, c'était vraiment exceptionnel parce qu'il fonctionnait ouais, très bien clair. Au sein du sommaire. Il fonctionnait très bien en termes de vente. Donc ça a aussi été une. Alors qu'on était sorti d'une époque où vraiment, avant Nisekoi, entre Nisekoi et To Love Trouble, il n'y avait rien en termes de romance au sein du Jump. Donc ouais. ça a été aussi l'occasion pour les mecs du Jump de dire, ah, attention, si on en mettait, ça serait pas mal. Tu vois, par exemple, un des trucs que j'ai jamais compris, c'est pourquoi, tu vois, ils ont Death Note, qui est un méga, méga succès. Puis jamais derrière, ils se redisent, on devrait refaire du thriller comme Death Note, on devrait refaire des trucs à suspense comme Death Note. Jamais ils sont ressorti dedans. Après, t'as un peu Assassination Classroom qui est un peu rentré dans cette mode-là, mais avec plus de comédie, etc. Ouais. Lui, Assassination Classroom qui a été un méga succès. Et puis, du coup, il a fallu attendre Neverland pour retrouver un peu un truc dans cet univers. Moi, je sais que tu sais que tu sais pas. Et c'est assez étonnant de voir que parfois, ils pensent pas surfer sur leur propre succès ou sur leur propre tendance qui se crée au sein de leur magazine. Bah, je pense qu'après, ils ont peut-être aussi une envie eux-mêmes, outre les tendances, de se renouveler aussi, de ne pas faire toujours la même chose. Même si j'avoue que, par exemple, bah, We Never Learn, il est sorti d'une vague, parce que souvent, ça verra par vague de 3, des fois 6 nouvelles séries, des fois ils font des gros renouveaux. C'était assez exceptionnel, celui de 6 qu'on a eu il y a 2-3 ans. C'est celui de We Never Learn, ouais. Je crois, où il y avait l'auteur de Belzebub, il y avait l'auteur de Kuroko. Ah, Robo X Laserbeam, c'était un bon moment. Le fameux. Il revient de loin, We Never Learn, parce que cette salve, c'est le seul survivant de tête. Bah, non, lui et Dr. Stone aussi. Lui et Dr. Stone aussi, ouais. Quand même, c'est les deux seuls survivants de cette salve. Parce qu'ils avaient repris que des vétérans, en plus du manga quasiment. À part Nisekoi, où c'est quand même juste l'assistant. En fait, c'était 50-50. C'était 50-50, c'est-à-dire que c'était trois nouveaux. Donc, ouais, effectivement, Taishi Tsutsui, on le connaissait si on était vraiment méga fan de Nisekoi, puisqu'il avait fait le spin-off sur Onodera. Mais là, c'était vraiment très pointu. Assistant. Mais après, c'est vrai que les deux autres séries, alors, dans deux têtes, c'était U19, et l'autre truc, c'était une série avec un démon, je crois. Eux, c'était deux auteurs nouveaux qu'on n'avait jamais vus avant. Ça n'a pas duré longtemps. Puis après, il y avait Hungry Mary. On a eu Robot Cross Laser Beam, qui était un manga de golf par l'auteur de Kuroko. Donc c'est vrai que c'est un auteur de sport qui vient de finir sa série, qui reprend du sport totalement différent, avec un personnage principal qui ressemble beaucoup à Kuroko, on va pas se mentir, que j'avais plutôt apprécié, mais qui était vite plié dans l'œuf. C'était divertissant, c'est vrai, mais c'est vrai que là aussi pareil, un chapitre pour conclure l'arc final. Donc il fait quoi? Il va aux mondiaux et il gagne. Ok, d'accord, bon bah voilà. Voilà, bravo à lui. Et on a eu par l'auteur de Belzebub, Machin Marie, j'ai plus le nom entier. Hungry Marie. Hungry Marie. Ouais, Marie affamée, je crois. Qui était un plot qui était pas. Chez nous, hein. Ouais, il est sorti chez nous, chez Kazé. Parce que oui, Kazé avait sorti Belzebub. Belzebub avait pas mal marché, donc pourquoi pas surfer sur le même auteur. C'est mine de rien aussi. Enfin, je vais pas dire, c'est pas si fréquent ça de voir des gros auteurs du Jump revenir. C'est-à-dire que non, c'est rare, c'est très rare. Ça arrivait souvent dans les années 80-90, par exemple, Katsura, donc qui a fait Video Girl High, qui a fait Is, qui a fait Wingman, je crois, non, je vais dire une bêtise. Je sais plus trop. Lui est revenu régulièrement au sein du Jump. Tite Kubo va revenir, par exemple, au sein du Jump, après avoir fait Bleach. Oui. Il va revenir cet été pour Burn the Witch, mais il a déjà annoncé que ça serait une série courte et assez exceptionnelle. Masashi Kishimoto, pareil, après Naruto, il ne revient pas faire une autre série. Il se contente juste de la. Enfin, il se contente juste de. Soit il s'occupe de Boruto, mais il est juste. Regarde de loin, tu vois. Il est conseillé. Il est conseillé. Soit il est juste à l'écriture du scénario, dans le cas de Samurai 8, mais s'occupe plus du tout du dessin. Donc en vrai, c'est aussi une tendance moderne. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le Weekly Shonen Magazine, t'as les auteurs, dès qu'ils ont un succès, ils reviennent quasiment derrière. Je pense à Seo Koji, par exemple, qui, dès qu'il finit une rom-com dans le Weekly Shonen Magazine, embarque automatiquement sur une seconde, mais genre une semaine d'écart entre les deux. Pareil, le Weekly Shonen Magazine tourne beaucoup au sein de ses auteurs. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes auteurs qui seront publiés dans le Shonen Magazine, alors que dans le Jump, l'auteur ne. Même si t'es un auteur célèbre, ta seconde série ou ta troisième série après ton succès ne sera pas forcément plus protégée que les autres. C'est-à-dire qu'on voit avec Hungry Mary que c'est pas parce que t'as été le mec de Beelzebub que ta série elle va rester plus longtemps que les autres. Puis on a vu avec Samurai 8 récemment que c'est pas parce que t'es scénarisé par Kishimoto. Alors ça a été méga mis en avant parce que justement, tu vois, le démarrage de Samurai 8, c'est vraiment la Shueisha qui fait regardez, vraiment, c'est vraiment la série de Kishimoto. Vous aimez Naruto, vous aimerez Samurai 8. Donc pendant 5 ou 6 semaines, ils ont mis méga en avant Samurai 8, c'est-à-dire de manière très, déséquilibrée par rapport aux autres séries. Vraiment, pour le coup, il était toujours dans le top 5 du sommaire. C'est-à-dire que vraiment, si tu faisais le Jump, la première chose que tu voyais, c'était Samurai 8. Les droits ont été vendus à l'international, c'était vendu partout. Enfin, c'était ridicule. Kana Japan Expo qui disait sur le stand on a Samurai 8, regardez, ça va être fantastique. Ils annoncent même, ils avaient annoncé à la presse, par exemple, qu'on ira, regardez, le tome 6 sortira en décembre 2020. Bon, spoiler, il n'y aura peut-être même pas de tome 6. Donc bon, c'est. Rip. Non, mais le budget com de Samurai 8 en France, j'ai un peu regardé ça de près parce que moi, c'est un peu mon domaine. C'est, je pense que par rapport déjà au retour des ventes et eux qui pensaient refaire sur la longueur, ils doivent s'en mordre les doigts comme jamais, quoi. C'est infernal, hein. Ouais, mais en même temps, en France, on a une politique de l'auteur qui est plus importante qu'au Japon, par exemple. Donc chez nous, ça aurait pu marcher, mais faut que le produit soit même bon. Les gens s'en foutent parce que même que juste dire Kishimoto, on a tellement la politique entre guillemets, ce qui est un peu dégueulasse, du piratage, de lire les scans en France, que les gens l'ont vu venir à des kilomètres. Je pense qu'il y a très peu de gens qui consomment directement en achat physique. Je parle pour les moins néophytes d'entre nous, évidemment. La plupart vont d'abord lire en scan et se dire « Ok, c'est cool, j'achète. » Le grand public va acheter directement. Je suis sûr que le grand public était très ciblé par « Ah ok, Kishimoto, tourne Naruto, je vais acheter Samurai 8. » Et bien ça, c'est intéressant aussi d'ailleurs le sujet du piratage, puisque depuis cette année, le Jump a fait, bon bah on lance Manga Plus quoi. Ouais. Et ça, je voulais en parler aussi, ouais. Et ça c'est vraiment une politique très intéressante puisque du coup Manga Plus, alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Bah, en gros c'est un site sur lequel tout, on a à peu près tous accès à ce site-là, mais en gros sont postés en anglais et en espagnol tous les chapitres des mangas du Jump, à part certaines exceptions. Effectivement, Yuragi no Yune-san, étrangement ouais. Il n'y est pas. On ne sait pas pourquoi. Bizarrement, hein, c'est fou. C'est étrange. Alors pour moi il y a quelques séries qui sont un peu sur Manga Plus, genre t'as des séries comme Body Chain ou des choses comme ça qui ouais. sont un peu un peu hardcore un aussi. Peu limite, ouais. Mais Yuna-san, je pense que c'est effectivement voilà, c'est un peu bizarre, mais du coup ouais, donc ça en tout cas c'est sur le marché anglophone et hispanophone, ce qui est déjà deux ouais. très très gros marchés, on va pas se mentir. Oui, et puis anglophone ça enveloppe quand même beaucoup de choses. Donc, oui. Par exemple je consomme mon Jump uniquement via Manga Plus par exemple. Oui bah pareil, maintenant j'ai pris le pli. Puis de toute façon les effets ont été quasiment immédiats, c'est-à-dire qu'en 4 mois les équipes de les mecs qui faisaient du scan de Jump en anglais voilà, c'est fini, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les deux gros sites de scanner ont stoppé. Les seuls qui ont continué, par exemple, je crois qu'il y a encore des scans sur Kimetsu no Yaiba, mais c'est parce que c'est des Anonymous de 4chan qui font leur truc de leur côté, ils ont toujours fait. Bon, ça c'est pas un problème, mais les mecs spécialisés dans le truc du Jump, c'est fini. Donc en France, je crois que ça continue encore un petit peu, mais de toute façon, c'est qu'en France, on a aussi un marché des éditeurs différents. C'est-à-dire que oui. là où Viz Media Monde peut faire pour le monde anglais ou le monde espagnol, allez, on met tous les droits, c'est nous qui les avons tous de toute manière, on s'en occupe. En France, les droits sont partagés entre différents éditeurs complètement qui ne s'appartiennent pas tous à Viz Media, etc. etc. Sachant que chez nous, il n'y a que Kaze Manga qui appartient à Viz Media. Ouais. Donc voilà, ça joue aussi le fait que nous, on n'aura peut-être jamais de Manga Plus en francophone, mais déjà juste le passage de juste cette création de Manga Plus. Alors en plus, il y a des. Après, c'est un peu compliqué parce que nous, on n'a accès qu'aux trois premiers chapitres, aux trois derniers chapitres, donc ça ne va pas non plus nous empêcher de. Non, en fait, c'est bien pensé parce que ça nous permet quand même de. Ça continue le marché quand même des bouquins physiques pour les gens qui veulent avoir la collection entière ou rattraper. Mais ceux qui suivent au jour le jour, qui le faisaient déjà, enfin semaine, comme ils le faisaient déjà en scan illégalement, ils ont quand même un moyen légal, facile, c'est sur smartphone et PC. Enfin, c'est quand même hyper agréable quoi. Non, et puis c'est cool parce que y a vraiment une... là du coup tu découvres vraiment les nouvelles séries en même temps que les japonais. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette période encore, il n'y a pas encore pas si longtemps, où tu avais vraiment intérêt à ce qu'une team de scan s'occupe d'une série qui venait de commencer. Il y a certaines séries, déjà tu savais qu'une série avait un bon avenir si une team de scan était dessus dès le premier jour. C'est-à-dire que Neverland par exemple, le premier chapitre, il a mis moins 24 heures à être traduit en anglais. C'est là que tu savais déjà que tu avais quelque chose. Par contre, sur des autres séries, oui, bah c'est ça. Où là il fallait se battre pour avoir des trades, et si tu voulais suivre le Jump et ses sorties, ben c'était parfois t'allais carrément en raw quoi. Donc bon, ah oui, non, puis rien que pour savoir les nouveautés du Jump, les nouvelles séries qui sortaient, etc., rien que ça fallait se battre un petit peu une époque pour connaître les vraies nouveautés qui sont sorties, si on suit pas trop, si elles ont pas été scan tradées, etc., quoi. Donc c'est un ouais, peu complexe. C'est une bonne avancée, je trouve, et effectivement, j'espère que les effets se constateront un peu plus sur le long terme, parce que pour l'instant, c'est un bon démarrage, ouais. Je sais pas si on a des chiffres d'ailleurs de consultation de Manga Plus. Je crois qu'on a, tu vois, on a sur le côté, on a le nombre de personnes qui ont lu tel chapitre, etc. Ah, etc. Ouais. Donc, j'ai jamais fait gaffe, ouais. Du coup, on a fait un peu le globe de comment c'est publié. Ah, et je voulais juste rajouter un truc, c'est que est-ce qu'on va pas arriver à un moment où si tout est génial, alors c'est l'utopie, on a 20 mangas géniaux, est-ce que ça va pas sacrifier des mangas qui méritaient de continuer, par exemple? Je pense que c'est quasi. C'est quasiment ce qui arrivait avec Shaman King à l'époque, qui a un peu été tué dans l'œuf, un peu par ce principe collab, quoi. Je sais pas. Il y a eu une période vraiment quand j'ai commencé vraiment à faire le suivi des sommaires. Il y avait cette période en 2015-2016 où il y avait pas grand chose qui était sacrifiable. C'est-à-dire que on arrivait dans une période où tout était soit populaire, soit se vendait bien en parallèle. Donc même si c'était pas élevé dans les sommaires, tant qu'il y avait 4000 ventes à côté, tout le monde, enfin 4000 ventes, beaucoup plus, parce que en règle générale, oui, si on parle d'échelle, moi j'observe souvent avec les ventes en première semaine. Donc par exemple, ouais. 20 000 ventes en première semaine, c'est médiocre. 50 000 ventes en première semaine, c'est pas trop mal. 100 000, c'est très bien. Et si t'es One Piece et que tu fais 2 millions en première semaine, c'est One Piece. Donc, ouais, donc voilà. Mais en gros, il y avait ce genre de jeu. Par exemple, Medaka Box, qui est une série de la fin des années 2000, était pas populaire du tout dans le sommaire. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps dans le top 5, dans le bottom 5. C'est-à-dire que vraiment, personne ne votait pour cette série-là. Par contre, niveau vente, t'avais du 100 000 sur 50 000 en première semaine. Donc, autant dire que les mecs, ils étaient en mode, on va laisser Medaka Box, parce que ça ramène quand même beaucoup plus que le reste. Donc effectivement, il y avait cette période en 2016 où il n'y avait pas grand chose qui était très sacrifiable, et bah du coup ils ont juste réduit un peu le nombre de sorties, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément sacrifié les séries, ils n'ont pas forcé des séries qui fonctionnaient bien à se conclure. Ils ont même laissé Assassin's Classroom se conclure alors que c'était leur plus gros succès, mais en même temps, est-ce que l'intrigue d'Assassin's Classroom pouvait vraiment être étendue sans que ça se voit? Peut-être pas. Donc voilà, c'est à mon avis, je pense que c'est leur objectif quand même un jour. S'ils en ont 20 comme ça, ils laisseront et attendront juste qu'une série se termine de sa mort naturelle et pour passer à la suivante ou des choses comme ça. Là par exemple, cette année, on va quand même avoir plusieurs morts naturelles de séries. Ah oui, donc ça va aussi être intéressant. Bah déjà, on a We Never Learn, c'est sûr et certain. Ça, y a pas de... Oui, ça c'est certain. Là, il n'y a pas de débat à faire. Là, c'est annoncé. Il reste peut-être. Alors, je crois qu'il fait 4 fois 6 chapitres encore. Donc, ouais, donc il y a encore le temps de voir venir. Par contre, Demon Slayer et Neverland. Alors, Neverland, c'est surconfirmé, mais Demon Slayer, ils font tout pour le faire tirer quand même, a priori. Hein. C'est un peu compliqué, quoi. Non, mais en fait, Demon Slayer, alors, je ne vais pas spoiler le chapitre de cette semaine. Non, c'est sûr. Il est plutôt. il va plutôt loin dans ce qu'il raconte. Donc, on va voir un petit peu. En fait, Demon Slayer, effectivement, comme on l'avait dit tout à l'heure, avant l'animé, il y avait ces rumeurs, donc ça n'a jamais été annoncé officiellement que c'était la fin. Genre, il y a une page couleur il y a 3 semaines, on disait Final Battle, des choses comme ça. Bref, là, tu savais que c'était vraiment plus concret. Mais en même temps, tu voyais les enjeux qui étaient là, etc. Tu voyais les personnages, tu voyais les dynamiques, tu savais que c'était dans le gros arc, quoi. Après, effectivement, donc il y avait cette rumeur en mars dernier, en mars 2019, qui disait que oui, effectivement, là on part sur l'arc final, etc., etc. Entre temps, il y a eu l'animé. Entre temps, la série est passée de 100 000 ventes en première semaine à 2 millions. C'est énorme. Donc autant vous dire que effectivement, les mecs de Shueisha sont en mode qu'est-ce qu'on fait avec Demon Slayer ? Alors il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, il reste sur l'intrigue actuelle et les temps d'amour. Soit par un habile procédé de scénario, genre une ellipse ou des choses comme ça, on passe à une sorte de Kimetsu no Yaiba Shippuden, où effectivement c'est la fin de l'arc actuel, c'est le final battle de vraiment l'arc actuel Demon Slayer, et on trouve une pirouette pour continuer avec peut-être d'autres personnages, peut-être partir sur une préquelle, peut-être partir sur un spin-off ou des choses comme ça, on ne sait pas trop. Soit on conclut bel et bien la série, on a dit qu'on le ferait, on le fera, on termine Demon Slayer dans son apogée, et derrière on mettra le maximum de hype sur la nouvelle série du même auteur, sur Koyoharu Kotoge, et on fera en sorte que peut-être ça soit lié peut-être à l'univers de Kimetsu no Yaiba ou des choses comme ça. Là, là pour le coup c'est une situation assez inédite, donc j'ai hâte de voir un petit peu comment la Shueisha va régler ça. Je suis d'accord. Du coup, avant qu'on plutôt que de faire là génération par génération, on va plutôt je vais vous poser une question qui est à la fois simple et compliquée. C'est vous, quelles sont les séries dans le Jump, à part celle encore en cours, parce qu'on fera vraiment une capsule dessus à la fin, les séries qui vous ont marqué, que ce soit en bien ou en mal, dans toutes vos passifs de Jump. Et je vais commencer par toi, Yannick. Mm-hmm. Du coup, t'as pas encore beaucoup parlé. Est-ce que t'auras des séries qui t'ont marqué durant toutes ces années à lire le Jump plus ou moins régulièrement? Alors, plus ou moins régulièrement, parce que moi, les scans, je m'y suis mis assez tard. Ou même, en anime dérivé du Jump. Je parle vraiment de séries, de ce qui a été lié autour, évidemment. Ah, ok. Pas forcément lu un manga, mais par exemple, si t'as seulement vu Naruto, ça peut être Naruto, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, il y a eu Naruto. Enfin, déjà, moi, j'avais vu Naruto quand ça sortait sur Game One à l'époque. Ouais, on est très nombreux, je pense, à avoir vécu ça en France, pour le début en tout cas, les découvertes. Après, j'ai essayé de rattraper en scan, enfin à l'époque aussi. Et du coup, moi, j'étais déjà arrivé à Shippuden, mais j'ai vite arrêté parce que je trouvais ça trop long, et ça me demandait trop d'investissement. Ouais. Après, de tête... Détective Conan, c'est pas le shonen. Ah, c'est le Sunday. C'est le shonen Sunday. Ah oui, c'est après ça a été dans le SQ, non? Non, ça a toujours, Détective Conan a jamais appartenu à Shueisha. Ça a toujours été dans le Shonen Sunday, qui est un des autres rivaux hebdomadaires du Jump. Je confonds toujours celui-là, c'est assez impressionnant. Ouais. Bon, du coup, non. Raté. Raté. Bleach aussi, mais pareil, je regardais ça quand c'est passé en France. Ouais. De tête, Full Metal aussi, non? Non, ça c'est chez Square Enix, c'était un mensuel en plus. Enfin, en plus. Raté. Mais voilà, de tête, ouais, Naruto et One Piece aussi. One Piece. Ouais, bon, après, One Piece, on en reviendra à la fin parce qu'il est toujours en cours, évidemment. Le mastodonte. Hein. Le mastodonte, hein, évidemment. Pour les plus, c'était surtout les plus gros au final que j'ai vu, lu. Voilà. Bah après, c'est beaucoup comme ça en France, hein, ça distribue les grosses séries. Et toi, Amo, quelles sont les séries qui t'auraient plus marqué parmi tout ce Jump? Bah moi, qu'il y en a déjà, il y a deux de mes séries fondatrices en termes de shonen qui viennent du Jump. Alors à l'époque, je ne savais pas forcément. C'est à la fois Saint Seiya. Moi, je ne suis pas rentré en Saint Seiya avec le Club d'eau. Je suis rentré dedans quand une pote sur MSN m'a dit en 2004 « tu devrais mater cet animé, ça s'appelle Saint Seiya. » J'ai fait « Ok ». Et j'ai fait « Oh putain, c'est trop bien, ils se battent, ils montent des escaliers, ils ont des super pouvoirs et tout, c'est super. » Donc Saint Seiya était un peu ma première rencontre avec le shonen Neketsu, avec des personnages méga fort, méga badass, méga charismatique. Donc ça a été une méga claque pour moi, même si effectivement avec le recul tu dis que à part l'arc sanctuaire et à part Asgard et à part le début d'Hadès, c'est pas si ouf que ça, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le sanctuaire, ça a été fondateur. Donc c'est déjà pas mal. Et puis mon second, c'est Bleach aussi, qui effectivement a été pour moi la rencontre avec du contemporain. Naruto, je suis passé à côté à l'époque, c'est-à-dire que j'avais essayé de feuilleter les premiers tomes du manga et j'étais pas rentré dedans à l'époque. Je suis rentré dedans beaucoup plus tard, genre 10 ans plus tard, quand je me suis dit il faudrait quand même un jour que je lise Naruto. Et effectivement, quand tu lis Naruto en 2016-2017, tu te rends compte à quel point effectivement c'est très bien fait, c'est-à-dire que c'est très dynamique, les personnages sont très complets, ça tourne bien, les enjeux sont clairs. Puis après t'arrives à Shippuden et là tu te rends compte que attends une minute, après le combat exactement peu après le combat entre Sakura et un autre combattant qui battait avec des marionnettes, etc. Genre le combat était méga cool, puis après soudainement il se passait plus rien pendant 10-20 chapitres et c'était un peu décevant. Avec le recul, tu vois, tu peux aussi découvrir qu'à la fois le début de Naruto était incroyable, effectivement, mais aussi que Shippuden est effectivement pas aussi incroyable que le reste. Non. Donc Bleach, effectivement, alors qui pour moi était un step-up par rapport à Saint Seiya, c'est-à-dire que là, en plus, on reprend avec l'Arc Society, on reprend encore un petit peu ce qui avait été construit avec le Sanctuaire, c'est-à-dire chercher quelque chose et on combat des mecs badass sur le chemin, donc déjà, c'est plutôt pas mal. Les personnages étaient cool, c'était assez long, moi j'étais assez fan dessus. On parlait de Scantler, mais c'est comme ça que j'ai découvert comment on lit des mangas sur Internet. Quand j'avais terminé de mater l'animé, enfin à l'époque j'étais à 98 épisodes, donc déjà c'était plutôt pas mal, c'était un bon été. Puis après tu dis mais où est la suite? Et du coup tu découvres et après tu dévores tout. Et c'était plutôt pas mal. Puis après effectivement le petit plaisir quotidien, son petit chapitre de Bleach, c'était le petit rush du jeudi vendredi, ça faisait plaisir. À part ça, je réfléchis, mais moi ce qui m'a vraiment remis dans le Jump au début des années 2010, donc à part Bakuman. Qui effectivement a aussi été une bonne découverte. Alors c'est vrai que je parle de Bakuman, mais Death Note aussi à l'époque. Alors c'est plus l'anime qui m'aura marqué que le manga, parce que je trouve la qualité de production de l'anime vraiment ouf. Le manga en lui-même est pas déplaisant du tout, hein, loin de là. Vraiment, ça se défonce aussi. Mais c'est juste que moi je resterai plus sur l'anime. Donc Bakuman juste derrière, où effectivement je me rends compte que qu'est-ce que c'est que le magazine Jump et qu'est-ce que ça apporte en termes de nom, en termes de valeur, parce qu'on parle aussi des fameuses valeurs travail. Amitié, etc., etc. Bon, ça, c'est le Japon, quoi. Oui, mais c'est aussi le Jump, vraiment, je crois que c'est son motto, c'est sa devise. Clairement. Mais et du coup, donc Bakuman, déjà, où je me dis, c'est vrai que le Jump, il y a quelque chose, mais en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, fin 2000, à part Medaka Box, il y a beaucoup de séries que j'aimais pas dans le Jump. C'est-à-dire que des trucs comme Beelzebub, comme Toriko, enfin là, j'étais en mode, oh, c'est pas super ce que je lis là. Et du coup, je reviens plus ou moins en 2012-2013, et là, je découvre Food Wars. Food Wars, alors c'est comme beaucoup de choses, c'est des choses qui ont mal tourné. Très mal tourné, je suis assez d'accord aussi. L'arc final de Food Wars est effectivement une bonne purge. Mais il faut se souvenir que les 20 premiers tomes, ils défoncent bien. C'est-à-dire que vraiment. Non, c'est très très bien. C'est magnifique, c'est bien écrit, c'est dynamique, c'est trop bien. C'est méga rythmé, c'est beau. Il y a des idées là, de ouf, c'est-à-dire vraiment des tournois de bouffe. Et quand t'en as marre des tournois, t'as quoi? Bah, t'as un autre mini-jeu, genre là, tu dois faire tel nombre de ventes avec ton stand, etc. Donc, bref, ça a changé. À chaque tome, t'avais une nouvelle idée autour de la cuisine. Et du coup, ça a apporté un vrai bon dynamisme. C'était assez cool. T'avais Assassination Classroom. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais une fois que je suis rentré dedans, je me suis tout fait d'un coup. Et j'ai pleuré à la fin comme jamais, parce que le pitch est ouf. Et la manière que l'auteur a de traiter ça, c'est vraiment réussi. Donc c'est à la fois parfois très très drôle, très très débile, mais aussi parfois très émouvant, ça a fonctionné du tonnerre. À la même période, IQ, en termes de manga de sport, trop bien. Avec un dynamisme incroyable, avec une vraie sorte de crédibilité, c'est-à-dire que pour le coup, fini les terrains de 4000 km de Captain Tsubasa, dont on se moque encore aujourd'hui. Même une collègue de 50 ans m'a fait la vanne sur Captain Tsubasa et les trucs de 4000 km. Non, IQ, non, c'est vraiment, c'est réaliste. Et pourtant, en plus, c'est une version, comment dire, c'est une vision bienveillante du sport. C'est-à-dire que oui. Personne n'est un connard dans IQ. Même les équipes qui jouent vraiment comme des durs ont des raisons de le faire. Tu t'attaches à tout le monde, tout est incroyable. Enfin, c'est vraiment bien fait. Déjà, juste avec ce trio-là, plus Medaka Box que je parlais tout à l'heure, qui avait été du coup un succès d'estime, mais qui pour moi était aussi un vrai délire méta. Medaka Box, je l'aime de tout mon cœur. Ah, c'est vraiment un manga que j'aime, mais incroyablement. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est un ovni. C'est mon manga favori du Jump. C'est. Ça pour le coup, enfin, il est très spécial parce que ça commence comme une parodie de Skate Dance, c'est-à-dire que voilà, voilà un comité présidentiel qui va juste s'occuper d'effectuer vos vœux. Bon, tu fais ok, d'accord, c'est comme dans Skate Dance, vous êtes en train de faire la même chose que dans un autre manga qui est en même temps en cours de parution. C'est ce qui se passe. Puis après, non, ça devient un manga de sport, puis ça devient un manga de baston, puis ça devient un manga où un personnage débarque et fait ah, j'ai 7 trillions de pouvoirs, et un de mes pouvoirs, c'est de savoir que je suis dans un manga et que j'aimerais, et mon objectif en tant que méchant, c'est de faire en sorte que le manga soit avant l'adaptation animée, comme ça ça va finir de vous faire rire. Puis après t'as un arc alors, ça a raté puis un arc plus tard, les gens vont se battre avec le japonais, c'est à dire que avec telle lecture des kanji, des choses comme ça. C'est complètement ma boule. Donc c'est écrit par Nishi Osin, qui a écrit Bakemonogatari, qui a écrit ça explique beaucoup de choses, qui sont pas des séries que je surkiffe, mais alors dans Medaka Box il prend son pied, c'est à dire que en même temps il est méga fan d'une Jump, donc t'as aussi 4000 références internes au Jump, c'est à dire que c'est ça te parle aussi. C'est assez bien foutu, c'est assez touffu, et c'est très très rempli de dialogues, des choses comme ça. Donc moi qui aime beaucoup la baston, qui aime beaucoup le méta, Medaka Box, pour moi ça avait été une claque un petit peu en son temps. Ouais, et c'est dessiné par le dessinateur qui s'occupe des arts dans Light Novel de Durarara, et c'est également du coup lui qui est sur les derniers projets Digimon, quand c'est du projet hors anime, donc tout ce qui est un peu Light Novel, jeux vidéo et art de promotion Digimon, c'est également lui qui s'en occupe, et c'est un mec qui a un style graphique assez ouf. Tu confonds pas Akira Akatsuki avec Shizupin, parce que en mon sens c'est pas les mêmes auteurs. Akira Akatsuki, le problème c'est que l'auteur de Medaka Box, je le connais aussi pour des hentai majeurs. Donc mais de tête c'est lui, hein, si je dis peut-être des bêtises, hein, ce sera à revérifier. Je suis pas certain. Après, on vérifie plein de sources. Après, dans les autres mangas de cette période-là, un autre mes coups de cœur, mais lui par contre n'est jamais sorti en France, c'est Stragon Up, Welcome to Suika Heights Competitive Dance Club, qui est un manga de 10 tomes sur deux adolescents qui se lancent dans la danse de salon. Donc un petit peu comme dans Welcome to the Ballroom, sauf que contrairement à Welcome to the Ballroom, là c'est vraiment méga feel good. C'est-à-dire que pour le coup, c'est deux adolescents qui sont vraiment très introvertis, c'est des gros timides, c'est vraiment des gens qui sont en mode faut parler à des gens, etc., je suis pas sûr, etc., etc. Arrive le premier jour de lycée, démonstration de tous les clubs, donc tous les clubs passent sur la scène, et puis arrive le club de danse de salon qui te fait péter un méga truc de ouf sur un remix de Let It Go. C'est si t'es vraiment dans, c'est Let It Go, on danse sur Let It Go de Frozen. Et du coup, ça, les deux adolescents un peu timides se rendent compte que mais ça pourrait être rigolo de faire ça. Et du coup, ils vont apprendre plus ou moins. Du coup, comme le danse de salon, c'est un truc que tu fais à deux. Bah, les deux vont former un petit couple. Et bah, du coup, vont apprendre à se découvrir. C'est à la fois du sport, parce qu'il y a une vraie. On te dit très réalistiquement comment fonctionne la danse de salon. Comment tu fais de la compétition de danse de salon. Comment t'es jugé, sur quels critères. Comment tu fais bien de la danse de salon. Bref, donc c'est pédagogique là-dessus. Mais aussi tout ce côté coming of age et ce côté un petit peu romance entre deux adolescents très timides qui vont apprendre à se connaître et à se découvrir via dans le salon. Donc c'est très rafraîchissant, et c'est écrit et dessiné par Yoko, qui est un auteur intéressant, parce qu'avant de travailler dans le Jump, il avait été connu pour une série qui avait méga cartonné sur l'internet japonais, qui était Onanie Master Kurosawa, qui était une série qui commençait comme une parodie de Death Note, où c'est un lycéen qui faisait tout pour trouver comment se masturber dans les toilettes du lycée après les cours. Donc il montait des plans machiavéliques pour faire ça, et ça finissait en il faisait briser le cœur, il était triste et tout le monde était triste aussi, parce que l'adolescence et les affres amoureuses n'est pas facile. C'était une série vraiment magistrale, et c'est intéressant de revoir Yoko donc dans le Shonen Jump, et de voir sur une série qui ne payait pas de mine, mais qui vraiment pour le coup est une vraie bouffée d'air frais à chaque lecture. Ok, moi j'en ai pas mal. Est-ce que t'as fini sur ta liste ou pas? Après je pourrais name drop des Demon Slayer, des Nisekoi, mais j'ai déjà dit beaucoup, donc je vais me calmer un peu. Il y en a pas mal que je vais citer, donc je vais passer à la casserole. Hein. Après je vais citer vite fait les grands connus. Hein. Bon, moi Dragon Ball, je suis le seul des trois ici qui est très fan de la licence. Après moi je suis un fan de Dragon Ball, donc vraiment la part de Goku petit que je trouve magistrale en tout point. Et même à partir du début de Dragon Ball Z, j'ai déjà plus de réserves sur plein de choses, et alors là encore plus sur tout ce qui se passe dernièrement. Je vais pas m'étaler dessus, il y aura un anime minute spécial dessus qui sera très plaisant pour Yannick. Moi j'ai pas forcément lu tout le manga, mais j'ai méga kiffé Broly. J'ai méga kiffé Super Broly. À la base. Ah, ouais. Le dernier. Ouais, j'ai kiffé Broly. Le film sorti qui était l'an dernier en salle. Et j'y suis allé un peu à l'aveugle et j'ai fait ah, c'est super bien. Mais j'ai méga kiffé. Bah, en vrai, à l'aveugle, tout ce que tu voulais voir c'était des gros combats et des trucs explosent. Ouais, ok, du coup je comprends que t'aimais. ça me va. Je comprends. Mais du coup voilà, Dragon Ball, il y aura un épisode dessus, on va pas s'étaler. Pareil, moi je suis un très fan de Ken le survivant, du coup Hokuto no Ken et de tout ce que fait Tetsuo Hara. Pour moi c'est un gros pilier, je trouve ça incroyable et il y a peu de gens qu'on a essayé de l'imiter, ça n'a jamais été égalé. Jojo également, c'est une grosse partie, Sensaiya, on l'a déjà dit, des choses que j'adore. Je suis très peu Naruto, je suis très peu Bleach, j'ai beaucoup de nostalgie parce que c'est mon enfance, etc. Mais du coup plus des animes, limite, alors première partie de Naruto, tout ça j'adore. Bleach, il y a des parties que j'adore, mais voilà, les openings, surtout ils me parlent, c'est des choses qui sont très chères à mon cœur. Moi, il y a un manga avec lequel j'ai grandi semaine par semaine, du chapitre 1 au dernier, et pas avec l'anime, c'est Katekyoshi Hitman Reborn. Donc, mon prof le tueur Reborn, disponible chez Glénat pour le manga et chez Kaze pour le début de l'anime, hein, pas tout. C'est un shonen neketsu qui parle de mafia, c'est assez classique et commence vraiment en gag manga. Enfin, vraiment, ça a commencé comme ça. Et c'est très parti du coup dans les vrais arcs de combat. Et pourtant, dès le début, en fait, c'est pas elle s'est dit. Donc, l'auteur, c'est Akira Amano, qui est une autrice. Déjà, c'est assez rare pour noter dans le Jump. Oui, qui a fait le chara-design de Psychopass, je crois. Chara-design de Psychopass, qui a fait Eldred pour une version que numérique d'un magazine, etc. Et qui a pas fait du coup beaucoup d'autres choses derrière, malheureusement. Du coup, c'est que c'est un manga qui, depuis le début, disséminait des petits indices pour tout ce qui se passe derrière. Et c'était très intelligemment pensé. Et ça a eu son gros carton à l'époque quand même avec l'anime, etc. C'était aux côtés quand même de Bleach et ça a quand même bien fait son petit nid. Les rageux diront que la fin est nulle, moi je dirais qu'elle est prévue depuis le début. Mais voilà, j'ai passé 18 ans, 9 ans, disons, calmez-vous, hein, 18 ans, non, 9 ans avec la série. Donc de mes 9 ans à mes 18 ans, du coup pile poil, j'ai grandi avec elle, j'ai passé plein de temps avec elle. Et c'est vrai que je l'aime d'amour, c'est mon manga préféré, c'est mon anime préféré, subjectivement et bien évidemment, calmez-vous. Mais voilà, c'est quelque chose que encore aujourd'hui elle est très contemporaine, elle est vraiment très cool. Sinon moi pareil, je suis amoureux de Bakuman, beaucoup de l'anime, parce que je trouve que le travail de l'anime est ultra bien fait, que ce soit dans les OST, dans les doubleurs et tout, c'est hyper touchant. Et outre le côté création de manga, j'ai adoré le côté feel good de relation entre les personnages. Et même si l'histoire d'amour elle est très t'inquiète pas, on se pécho si je fais un manga, c'est bon, on l'a fait, on se pécho, ok, c'est parti. Enfin voilà, il y a quand même toute une beauté d'attente entre les deux qui se crée, qui est assez cool. Et moi qui était peu réceptif à Death Note sur beaucoup de points, je trouve que Bakuman m'a beaucoup recadré avec Obayo Bata et ça m'a fait un bien fou. Et c'est pareil, ça m'a permis de comprendre un prisme dans le manga et de l'industrie qui était vraiment quand même très agréable, quoi. Pareil, quand j'étais enfant, bah pareil, Shaman King, hein, c'est... que j'ai adoré, que du coup j'avais lu la version complète en scan à l'époque, qui ressort maintenant chez nous en France, enfin. Et cette version française de l'anime, qui pour moi, complètement goldée, trop bien. Moi, Shaman King, je l'ai lu en faisant la méthode de piratage, mais que tu fais si t'as pas internet, c'est-à-dire que je suis allé lire en supermarché. J'ai lu tous les tomes en supermarché de Shaman King. J'en ai pas un souvenir incroyable, mais ça m'avait tué du temps, les heures de permanence au lycée qui servaient à rien. Bah, du coup, j'allais lire Shaman King. Shaman King, ouais, moi je trouve ça très bien écrit quand même, ça c'est cool. C'est très classique. Enfin, après, c'est facile à dire maintenant, 10 ans après, quoi. Mais ouais, c'est assez classique. Mais il y a des thèmes qui sont rarement abordés, et ça c'est cool. Et pareil, Yu-Gi-Oh! Qui m'a mis dans les jeux de cartes. Moi qui suis un énorme fan de tout ça, de tous les animes, de tous les jeux de cartes, ça m'a forgé énormément en tant que personne, Yu-Gi-Oh! Qui est un manga quand même pareil qui vient de très loin et qui maintenant a quand même créé une franchise qui vaut des milliards, c'est assez incroyable. C'est toujours marrant de montrer les 6-7 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! À quelqu'un qui connaît juste Yu-Gi-Oh! Par les 6 premiers tomes. Qu'est-ce qu'il fait Yu-Gi-Oh! Bah, il joue avec un poignard et des billets, enfin, c'est normal, enfin, c'est Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'il fait Yu-Gi-Oh! Bah, il fait un labyrinthe en feu pour punir des gens, évidemment, c'est normal quoi. Tout va bien. Je crois qu'il tue littéralement des gens avec ses pouvoirs dans les premiers tomes. Il tue des gens. Ouais, dans les tout premiers tomes, c'est hyper violent, c'est que dès qu'il y a une racaille un petit peu, il tue des gens. Kaiba, on sait pourquoi Kaiba est aussi fou. À la base, c'est déjà avec Megalo, mais il se fait briser l'esprit par Yami Yugi. Et tu sais pourquoi il a des vrais problèmes, quoi. Il se fait littéralement briser l'esprit. Hein, Non, mais c'est incroyable. Et à partir du tome. La première fois qu'on voit le jeu de cartes, c'est dans le tome 3. On le voit brièvement et on se dit, c'est bon, ça va juste rester ça. Et pour l'anecdote, c'est qu'ils ont reçu tellement de demandes sur ce jeu de cartes derrière, c'est l'éditeur qui a pris la décision, qui a fait bah faut faire que ça quoi. Et du coup bah bingo, il a fait que ça sur 36 tomes au total. Non, puis Yu-Gi-Oh c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est devenu du transmédia, c'est-à-dire que pour le coup que ce soit j'allais dire Bandai, mais il y a Konami pour les jeux vidéo ou les choses comme Konami, ça là tout est dit. Oh, attends, on a peut-être plus qu'un manga et on a créé une institution. Les mangas Yu-Gi-Oh maintenant sont publiés, je crois, dans la version pour enfants du Jump. C'est dans le Korokoro, c'est autre chose, c'est dans le Jump. Ouais, là où ils ont envoyé Boruto il y a 6 mois. Là où il y a les Sentai et les Kamen Rider également. Ok. Et donc voilà, du coup, c'est là-dedans. Et maintenant, ouais, c'est que maintenant, c'est un jeu de cartes et il y a des dérivés sur le jeu de cartes. Alors qu'avant, c'était un manga sur lequel ils ont dérivé un jeu de cartes. Et je trouve ça assez incroyable le parcours qu'ils ont fait avec Yu-Gi-Oh! Quoi. C'est, après, pareil, il y aura un épisode dessus, on va pas plus s'étaler que ça. Moi, Mediacabox, c'est un de mes coups de cœur ultimes. Je les aime de tout mon cœur, je trouve ça beaucoup trop bien, mais voilà, on en a déjà beaucoup parlé. Shaman King, on a dit. Je crois que j'ai fait un petit tour de ce qu'on disait. J'aimerais rajouter Hunter x Hunter. J'allais y venir parce qu'il est techniquement encore en cours. Hein, mais... Oui, c'est vrai qu'il est toujours en cours techniquement. En fait, moi, c'est juste que je l'ai pas. Genre, j'avais lu les 2 ou 3 premiers tomes justement dans cette période de supermarché lecture. Puis j'ai jamais retouché avant d'y retoucher 10 ans plus tard. C'est-à-dire que je me suis fait tout Hunter x Hunter, mais d'un coup. Et ouais. C'était incroyable, vraiment, pour le coup, c'était intelligent, c'était bien fait. C'est trop bien, vraiment. Ouais, tu vois, le fameux arc des fourmis chimères, où j'avais toujours entendu une réputation bizarre dessus, c'est-à-dire que les gens en avaient marre. Quand les gens me disaient pas des fourmis chimères, ils disaient « Ah, oh, j'en ai marre des fourmis chimères, je t'en demande pourquoi c'est nul ?» Ils disaient « Non, c'est pas que c'est nul, mais tu vas voir. » Et moi, comme j'ai jamais eu à attendre 2 ans entre chaque chapitre, quand tu te fais les fourmis chimères d'un seul coup, tu fais « Ah oh, putain, c'est incroyable, l'évolution de Goku, de Gon sur le... » C'est les cheveux longs et tout, enfin ils cherchent l'erreur, mais l'évolution du héros lors de cet arc là le moment où il pose sa pièce de shogi, je pleure un petit peu quand même et tout comme ça, donc ouais, enfin sa pièce de shogi, enfin le jeu qu'il joue, mais c'est incroyable, c'est maîtrisé. Alors du coup j'ai pas commencé après j'ai fait l'arc d'élection, mais après l'arc d'élection j'ai jamais commencé derrière, je me suis dit je vais attendre qui se termine. C'est un peu mieux des fois, comme ça, j'ai tout faire d'un coup. Parfois, c'est aussi bien. Il y a certaines séries, par exemple, IQ, je ne le lis pas en hebdomadaire parce que je trouve que ça ne s'y prête pas tant que ça. Par contre, quand tu te le fais en rush de 5-10 tomes d'un coup, là, IQ, c'est incroyable. C'est aussi intéressant avec le Jump. Il y a des séries comme ça qui fonctionnent très bien en hebdomadaire, des séries qui fonctionnent mieux en tomes reliés. C'est aussi intéressant de voir les équilibres qu'on peut trouver. C'est après chacun consomme comme il le peut et le souhaite évidemment, mais c'est vrai que par exemple moi j'ai eu ça avec Inomaru Sumo, pareil, encore un truc de sport où les combats prenaient souvent 10 chapitres et c'était sympa de pouvoir tout avoir d'un coup parce que sinon on avait des chapitres avec juste des onomatopées et des fois on se dit ok bah c'est bien. c'est sympa. On va passer du coup un peu à ce qu'il y a en ce moment, parce qu'on est déjà 1h30 quand même de podcast, à ce qu'il y a encore en ce moment dans le Jump. Donc on a une 20aine de séries, on va revenir un peu une par une, certaines brièvement, évidemment, pour essayer de savoir si les gens peuvent, finalement, là, on est au 23 mars, est-ce qu'ils pourraient lire à partir d'aujourd'hui le Jump ? Bon, spoiler, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de premier chapitre, hein, mais un peu de ce qu'ils voient, ce qu'ils pourraient trouver dedans, et un peu, pourquoi pas, prendre le pli de « je rattrape » pour avoir cette série-là. Donc, je vais faire par ordre de parution, de première parution dans le Jump, donc évidemment, One Piece, commencé en 97, hein, vraiment. Oui. Il y a 2 travées séries, hein, dans le Jump, hein, donc One Piece et Hunter x Hunter. Oui, tout ça parce que Kochikame, c'est enfin terminé. Parce que Kochikame, ouais, c'est une série qui avait démarré en 76, et qui s'est terminée en 2016, et après pile 200 tomes, et jamais une seule interruption. C'est-à-dire que c'est un manga comique qui n'a jamais qui n'a jamais loupé un seul. C'est impressionnant. C'est incroyable. J'ai oublié de citer du coup tout à l'heure, évidemment, Gintama, que j'adore de tout mon cœur, et Skate Dance, qui est sa legacy, en gros, par un de ses assistants d'ailleurs à l'auteur, que j'ai adoré aussi de tout cœur, ces 2 mangas comiques, même si Skate Dance vous tirera les larmes plus d'une fois. Moi, c'est 2 mangas que je conseille très bien parce qu'ils se lisent, c'est long, mais ils se lisent tout seul, quoi, vraiment, c'est trop bien. Du coup, One Piece, donc là, évidemment, on va aller, je pense, rapidement dessus parce que de 1, c'est très long, hein, donc ça mérite un épisode entier dessus. Est-ce que vous êtes... Alors je sais que Yannick, toi t'es pas à jour de One Piece. Pas du tout. Tu t'es arrêté à Enies Lobby. Oui, tout à fait. Donc t'arrives sur Thriller Bark. Ah bah je suis allé plus loin, moi. Moi j'ai lâché à Thriller Bark. Ah, ok. Donc, ouais, j'avoue, moi, ce serait le marque, il m'a saoulé. Donc, moi, je suis à jour, pour le coup. Donc, Yannick, qu'est-ce que toi, tu penses de One Piece à là où t'en es, du coup ? Là où j'en suis, bah, franchement, c'est vraiment ouf. Alors, moi, j'ai eu mes... Du coup, moi, j'ai beaucoup vu en animé d'abord. Et ouais. En fait, j'ai eu le problème de l'animation limitée de la Toei. Ah ouais, non, mais au bout d'un moment, c'était compliqué, infâme hein. Et j'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, je vais les lire, ça ira plus vite. Déjà, et oui, dans tous les cas, ça ira plus vite, vraiment. Parce que c'est un chapitre égale un épisode, donc effectivement. Ouais, clairement. Et honnêtement, on va pas se mentir que Skype ayant en animé, c'était compliqué. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Bah, ça... c'est lui qui souffre en plus de la transition du 4 tiers au 16/9, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ouais. Et comme Naruto, il y a vraiment un avant-après qui est assez compliqué, quoi. Les paysages étaient vides et tu sens qu'ils ne savaient pas faire du 16/9. Et tu fais aïe. Compliqué, hein. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, et du coup, là, en lisant, et c'est là que tu te rends compte de toute la force qui fait One Piece, en fait, c'est que tu peux avoir des chapitres où ça va parler uniquement pour mettre de l'univers, du lore, développer les personnages. Et tu vas avoir que des chapitres liés à la baston avec des doubles pages, mais vraiment incroyables. Des trucs beaucoup plus rythmés, hachés, qui sont vraiment très bien faits. Et non, mais moi et Nice Lobbies, avant d'arriver là à Thriller Bark, bah, là j'y arrive quasiment, de toute façon. Et j'ai lâché ma larme parce que il y a des cases qui sont vraiment incroyables pour le coup. Et je sais si je reprenais ça en animation, j'aurais pas ce sentiment là, quoi, clairement. En animation, ce qui marche dans One Piece, c'est les scènes de combat parce qu'ils mettent tout dedans. Oui, bah oui. Mais dès qu'ils veulent faire des scènes d'émotion ou juste de dialogue, c'est infâme, quoi. Et les combats, faut vraiment que ce soit les combats finaux d'arc pour qu'ils soient en plus très bien animés, donc c'est assez triste, quoi. Et toi, Amo, du coup, t'en as pensé quoi de One Piece overall, où t'en es ? Alors, moi, en plus, quand j'ai lâché à Thriller Bark, c'est-à-dire que je lisais les mangas français, puis j'ai arrêté un moment, je me suis dit, bon, je reprendrai plus tard, j'ai jamais repris. C'était il y a 10 ans. Étonnant. Donc, puisque Thriller Bark, la parution française, elle a commencé à peu près en 2009-2010, donc c'était il y a 10 ans, c'est chaud. et en fait, oui, j'avais surkiffé, c'est-à-dire que je sortais des Nies Lobby qui étaient... Ouais. Plutôt pas mal, plutôt pas mal, comme on dit. Tu vois, le combo Skypeia Enies Lobby, tu fais c'est maîtrisé quand même. Alors avec Yannick, on n'aime pas Skypeia pour le coup. j'aime bien Ener, enfin j'apprécie l'ambiance. Enfin, à l'époque, j'avais kiffé, c'est à dire que maintenant, c'est vrai qu'il faudrait que je relise pour me souvenir. J'aimais la mythologie de Skypeia, ce que ça comptait, mais l'arc en lui-même, je l'ai vraiment trouvé. Non, c'est vrai que juste avant, il y avait Crocodile et compagnie. Chef d'œuvre. Ouais, oui, alors c'est vrai qu'à la Basta, c'est ouf. Actuel que je trouve trop bien, quoi. C'est vrai que c'était ouf à la Basta. Après, effectivement, sur les 10 années suivantes, je me suis spoilé plus ou moins involontairement ou volontairement des éléments clés de l'intrigue qui arrive derrière. Donc je vois plus ou moins ce qui se passe après. Ça n'a pas empêché un jour, quand même, je vais reprendre pour de bon et me faire 10 ans de scan One Piece. Je vais me faire 10 ans de One Piece, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, ouais, mais oui, pour le coup, pour moi, c'est. Enfin, comment dire, One Piece, c'est très généreux, c'est-à-dire que pour le coup, il se passe énormément de choses, c'est toujours très bien dessiné, au point où on a dû dire à Ichiro Oda, si tu veux, prends une semaine de pause toutes les 5 chapitres, parce que sinon c'est fini. Les personnages sont maîtrisés, enfin tout fonctionne vraiment super bien dans One Piece. Il y a pas grand chose à reprocher, il y a pas grand chose à jeter. Parfois il y a des arcs qui sont un petit peu plus mous. C'est pour ça que j'avais lâché Thriller Bark, où effectivement ça se reposait peut-être un petit peu trop. Je crois que j'ai jamais vu Franky, par exemple, donc ou alors j'ai dû voir. C'est Thriller Bark, tu l'avais vu. Ouais, quand je dis Thriller Bark, je crois que j'ai arrêté à la moitié ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai vu. Franky, c'est Water 7, c'est 2 arcs avant. Et Franky, il est à Agnès Lobby en plus, Franky. Ouais. D'accord, en fait, non, alors du coup, j'ai dû confondre les noms d'arcs. Dans ce cas-là, je suis à l'arc où on rencontre. Non, mais je les confonds tous, c'est terrible. Excusez-moi, le squelette, c'est pas Franky. Franky, c'est le robot. Donc, c'est le squelette que j'ai pas vu. J'ai oublié son nom, c'est Brooks. Ah, Brook. Oui, c'est ça. Oui, ok, ouais, donc oui, c'était bien. Donc, je suis bien Thriller Bark. Ouais, c'est bon, c'est normal. Ah putain, c'est pas facile la vie. C'est simple. J'ai pas grand-chose à dire à part le fait que c'est super maîtrisé, c'est super bon et que. Voilà. Moi, je vais rajouter pour les arcs un peu après. J'ai rien à rajouter. Pour moi, il y a que. Enfin, c'est même pas acheté. Il y a que 3, je trouve, arcs un peu bancal. Parce que on sait pas trop où il va. Du coup, bon. Skypiea, ça se débat. C'est plus moi qui ai pas aimé, je trouve. Mais du coup, Thriller Bark, qui vraiment. On sent que c'est un arc un peu de transition pour ce qui se passe après. Et pareil pour du coup, Punk Hazard, qui arrive plus tard. Qui est pareil, qui est. pourtant hyper important, mais qui est pas très très maîtrisé dans ce qui se passe. Mais sinon tout le reste, il y a rien acheté. Donc sur bientôt, on est à, je sais plus, bientôt à 1000 chapitres là, donc ça va, c'est pas grand chose à acheter hein, sur le tout, hein. Donc c'est cool. Et moi le seul défaut que je reproche pour mettre un peu de d'eau dans mon vin, c'est que je trouve que la mise en case d'Oda est très scolaire sur la plupart du temps, et que du coup des fois on peut s'y perdre parce qu'il s'encase très vite, il veut beaucoup dessiner dans ses petites cases, et des fois on perd un peu le rythme, surtout quand il y a énormément de texte autour. C'est vrai que c'est une lecture longue, c'est-à-dire qu'un chapitre de One Piece, ça te demande ta concentration. Ah ouais, ah c'est oui. Impressionnant, c'est, c'est... vraiment c'est incroyable. Encore pire, dites-vous que là dans l'arc en cours, c'est incroyable à quel point on en est à 15 chapitres de flashback ultra important. C'est un roman, on oublie les limites, c'est un roman, c'est hyper dense. En plus, on est dans un arc qui clôture tout ce qui se passe depuis 20 ans de One Piece. Enfin, c'est assez impressionnant. Et là, il y a beaucoup d'informations assimilées, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Et en plus, il a appris un nouveau style graphique pour coller à l'ambiance du truc. Donc, c'est assez dur à suivre par moments. Mais limite, tant mieux, parce qu'on sent que Oda se fait plaisir. Mm-hmm. On sent qu'il y a peu de choix éditorial qui sont contre ce qu'il voudrait faire. Et on sait que c'est quelque chose qu'il maîtrise parce qu'il sait où il va, il sait où il a été. Et il est pas là pour boucher des trous, il est là parce que ça suit son cap comme il veut, et c'est hyper maîtrisé. Et que pour moi, tout le monde dit si la fin de One Piece c'est juste à l'aventure, c'est naze. Bah moi je suis pas d'accord, parce que justement One Piece c'est à l'aventure, et moi ce que j'aime c'est les voir à l'aventure. Moi la fin, qu'ils aient un vrai trésor ou juste un mot qui dit bravo, c'est bien joué, pour moi c'est la même chose. Tout ce qui sera passé avant ce sera pas annulé, au contraire. C'est surtout que c'est con, mais j'aime bien parce que chaque membre de l'équipage a son but à atteindre, et j'aime comment ils sont tous donnés en petit puzzle par-ci par-là, et c'est un beau puzzle géant qu'est One Piece. Et c'est rare que je suis genre de connard à dire machin est surcoté, machin et tout, alors que chacun kiffe ce qu'il veut, c'est juste parce que j'aime un peu faire chier les gens. Et pourtant One Piece, c'est compliqué de redire quelque chose là-dessus, parce que je comprends que certains soient leur manga préféré. C'est clair net que One Piece, on peut quasiment pas lui faire de reproche, quoi. Tout est maîtrisé, tout marche bien. Les personnages marchent bien, on s'y retrouve forcément à un moment, et chaque arc est vraiment quelque chose d'indépendant quasiment, quoi. Et c'est assez fou, quoi. Comment il arrive à faire ça depuis plus de 20 ans, quoi. Donc voilà, One Piece, on y reviendra sur un épisode entier, mais voilà, overall, One Piece, si vous avez le courage de vous lancer dedans, allez-y, parce qu'il n'y a pas grand-chose à acheter, quoi. Vraiment. Ensuite, on passe du coup à Hunter x Hunter, commencé en 98. Donc ça dure longtemps parce qu'il y a beaucoup de pauses, parce que l'auteur est malheureusement a des problèmes de santé assez importants. On espère qu'il aura le temps de finir. C'est tout ce qu'on lui espère pour lui et pour nous. Ça c'est compliqué, donc on en a déjà pas mal parlé. Yannick, est-ce que tu as... Oui, toi tu as consommé l'anime d'Hunter x Hunter, ouais. Yannick, si je dis pas de bêtises, de 2011. Ouais, le 2011, ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé? Moi, globalement, alors en termes d'animation pure, après, c'est vraiment très bien fait. Ça, il n'y a pas à dire. Et, c'est très bien produit. Hein. Ouais, c'est très, très bien produit. Même en termes d'écriture, c'est même assez dingue à quel point tu vois que les personnages évoluent. Quoi. C'est incroyable. Et chaque personnage a vraiment son but. Mais en fait, ça fait un peu penser à One Piece, parce que du coup, chaque perso a son but à atteindre. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des moments où ils ne restent pas tout le temps en groupe. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même... alors je sais pas trop si du coup je peux en parler, ça fait un peu spoil. On va éviter de spoiler quand même, parce que ça c'est pas fini en plus. Oui, c'est fini, pas... j'ai même pas vu encore Chimerel Hunt, donc je suis... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, donc t'as pas vu le gros de l'anime, quoi. Non, j'ai pas vu le gros de l'anime, je viens de finir Grid Island, c'est bon. Ah oui, d'accord, voilà. Voilà. Mais... Parce que vraiment il y a un avant-après Chimera Hunt, hein. C'est assez impressionnant. Mais c'est ce qu'on me dit à chaque fois, et du coup je sais qu'il faut que je m'y mette, mais j'ai pas trouvé le temps, j'ai mis sur pause, et je me suis dit je reprendrai plus tard, et au final j'ai toujours pas repris. Mais en même temps, de là jusqu'à là, enfin en tout cas jusqu'à Grid Island en tout cas, il y a vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une belle progression des persos, c'est vraiment bien écrit, et voilà quoi, les persos sont ultra attachants, et même des fois les méchants sont pas vraiment méchants, enfin c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien dosé à ce niveau là quoi. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est que il y a des événements qui font que t'es obligé de changer à un moment, et les persos sont comme ça, quoi, et c'est cool. C'est ça. Du coup, je vais rebondir, je te laisserai la parole à la fin. Un mot, du coup, c'est dans Hunter x Hunter, ce que j'aime, c'est que même si on commence avec des personnages des enfants, hein, Gon, c'est un enfant, Killua, c'est un enfant, Kurapika, il est jeune, à part Leorio, le quatuor de base, il y a quand même deux vraiment enfants, un ado et l'Orio, bon c'est un adolescent normalement, mais qui fait très vieux quand même, bah très vite, c'est plus du tout des problèmes d'ado, même si Gon, il a quand même une réflexion encore d'enfance qui est agréable, c'est très vite très sombre, très sérieux, et ça aborde plein de thèmes. C'est pas juste sombre pour dire « Oh, MDR, il y a du sang, c'est très sombre », tout ça, c'est juste qu'il y a des vrais problèmes de politique, il y a des problèmes de réflexion, et tu vois, de perte du père, de la recherche de qui on est. Et chaque arc apporte quelque chose de très différent. C'est un arc de jeu vidéo, on a un arc de vrai combat pur, on a un arc de réflexion, et on a Kimera Hans qui est un ovni d'un coup, qui arrive comme ça, très mystique, et pourtant qui est incroyable. Enfin, Kimera Hans, c'est quasiment la moitié du manga total, mais c'est fou, quoi. Et je trouve que voilà, c'est toute l'évolution, si étonnante est-elle, est maîtrisée par l'auteur. Et les combats, c'est des combats que je comparerais bêtement au début de Dragon Ball, qui sont des combats réfléchis, ou au début de Jojo aussi. C'est pas des combats juste j'ai la plus grosse bite que toi, bah non, c'est moi, et on se tape. Non, c'est on réfléchit. C'est très bien compris dans l'anime où on a un épisode où ça se dure pendant une seule seconde, c'est un épisode entier. Et du coup, c'est des choses comme ça qui se passent. Et j'aime ce prisme qui est créé autour. Et j'ai vraiment hâte de voir cette conclusion. Parce qu'on n'a même pas tant de grandes carottes que ça pour nous dire qu'est-ce que va être la fin de cet anime, fin de cette série. Du coup, et ça que j'aime bien, c'est qu'on avance un peu dans le flou. Mais on est toujours content de ce qu'on nous donne. Donc, je sais pas, toi, Amo, ce que t'en penses. Enfin, t'en as déjà dit pas mal tout à l'heure. Mais si t'as des choses à rajouter sur Hunter x Hunter. Ben, par le fait que j'ai pas continué après la fin des élections, qui pour moi est une conclusion logique. Alors je crois que c'est ça qui a fait l'animé. Et c'est vrai que finalement, découvrir ouais, Hunter x Hunter. L'animé s'est arrêté à ça, ouais. Moi, ce que je vous conseille, n'hésitez pas, lancez-vous maintenant dans Hunter x Hunter, allez jusqu'à la fin de l'arc des élections. Matez tout l'animé aussi, je crois qu'il est intégralement sur Netflix, ouais, c'est par ça. Exemple. L'animé s'est arrêté à la fin des élections. Donc je crois que c'est pile la bonne chose, puis envisagez le reste comme une sorte de suite qui arrivera peut-être un jour. Ouais, espérons. Parce que je pense que là, pour le coup, effectivement, Hunter x Hunter, c'est vraiment le genre de truc qui gagne beaucoup à être lu d'un bloc. Enfin, lu d'un bloc ou arc par arc. C'est-à-dire que en hebdomadaire, effectivement, tu te fais du mal. C'est ça, et en plus il y a tout Hunter x Hunter sur Netflix, donc n'hésitez pas à y aller. C'est propre, on en a déjà parlé à l'époque. Ouais, non, c'est vrai, c'est très bien, c'est bien animé, ça reprend tout, vous manquerez rien avec l'anime est super bien. N'hésitez pas quoi. Ensuite, on part sur directement IQ, donc 2012, hein, donc on voit que c'est déjà des séries beaucoup plus récentes. Hein. Ouais, si jamais un jour tu m'avais dit qu'IQ serait la seconde série régulière la plus vieille du Jump, vrai, j'aurais fait. C'est fou, hein. C'est... Ah, mais ils grandissent, hein. Bah, l'anime a beaucoup aidé, hein, je pense quand même d'IQ, hein, parce que l'anime est quand même vraiment chef-d'œuvre. Oui, hein, oui. Puis IQ a été un méga, enfin il est toujours. Mais la première saison de l'anime a créé un boost des ventes qui était incroyable. Donc ça a été aujourd'hui encore, c'est un très très gros vendeur. Et de toute façon, j'ai pas beaucoup parlé de IQ parce qu'on a déjà beaucoup parlé mine de rien un peu plus tôt. Oui, puis nous on a fait quasiment tout le premier épisode du podcast, c'était les animes de sport, et on en a beaucoup parlé aussi. Oui, donc. Voilà. Avec Annick, on adore l'anime. C'est vraiment trop bien. Le manga est génial. Et je trouve que c'est moi qui suis fan de manga de sport, je trouve ça c'est dans le haut du panier sans sourciller quoi. Putain, quand on y pense un petit peu de manière industrie, IQ a été aussi une des premières séries, mais une des premières séries principales où au lieu d'avoir une adaptation d'animé où on fait juste une longue adaptation sur plusieurs années comme Bleach, comme Reborn, comme chose, des adaptations à 4000 épisodes, etc., etc. IQ, ils se sont dit on va filer le bébé à un studio méga reconnu, un staff méga reconnu. On va juste lui dire, faites-nous juste 26 épisodes, mettez tout dedans, et voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Et ça a très vite donné, au point où aujourd'hui, mine de rien, ce qui était autrefois le modèle assez classique du « on vous fait un animé de 150 épisodes pour telle nouvelle série du Jump », et ben il est de plus en plus aménuisé, c'est-à-dire qu'on en a, on croise de moins en moins. Aujourd'hui, il n'y a que quasiment Black Clover et One Piece qui sont sur ce rythme-là, et c'est intéressant. Boruto est sur le rythme. Boruto en plus c'est un peu particulier parce qu'en plus il était publié dans le Jump au rythme d'une fois tous les mois, une fois tous les deux mois. Et puis il est parti vers un autre magazine. Au revoir. Ouais, c'est compliqué. Mais du coup, tu me fais une bonne transition parce qu'un autre anime qui fait saison par saison, c'est My Hero Academia du coup. Ouais. Qui a commencé en 2014 dans le Jump. Alors je laisserai Yannick finir parce que je connais son avis dessus. Toi, Amo, t'en penses quoi de My Hero Academia? Je fais partie des chanceux qui l'avaient découvert alors qu'il n'y avait que 15 ou 20 chapitres. Ouais, et bah, du coup, de mon côté. À l'époque, j'avais méga kiffé. Je méga kiffe toujours. L'enthousiasme du début n'est plus forcément là parce que tu peux pas maintenir un enthousiasme sur 6 ans. Sauf sur Hunter x Hunter, j'imagine. Mais du coup, pour le coup, c'est une série qui. J'aime beaucoup le casting de My Hero Academia. Ouais. L'intrigue en elle-même part un petit peu dans tous les sens. Ouais, c'est pas dramatique c'est en soi. C'est aussi une série. Moi, en fait, comme j'étais un petit peu de l'école Bleach et Senseiya, c'est-à-dire que souvent je mets des gros shonen de baston, souvent pour la qualité des persos ou leur gros charisme. C'est-à-dire que tu me fais juste un perso qui est méga cool, même s'il apparaît que deux chapitres, moi ça me va. My Hero Academia nous offre plein de personnages méga cool et plein de personnages féminins méga badass. Donc moi je suis en mode Ça change. Ok, ça fait plaisir. Donc du coup, non, c'est, pour moi c'est une lecture régulière. C'est-à-dire toutes les semaines, je suis content d'avoir mon My Hero Academia et de poursuivre un petit peu. Donc pour le coup, moi c'est un manga qui fonctionne bien. Je suis assez content de voir à quel point il marche en France, à quel point il amène un nouveau public au manga, comme l'avait fait Naruto un peu avant. Donc pour moi c'est un bon mélange des genres. C'est pas trop mal, enfin pas trop mal dessiné, non, c'est vraiment bien dessiné. Horikoshi pareil, c'est comme Oda, c'est-à-dire si tu le forces pas à lâcher la bride, il va pas la lâcher, il va se tuer à la tâche. On a eu quelques frayeurs à genre 2-3 ans. Donc c'est vraiment assez bien foutu, ça se lit bien, ça se lit de manière lisible, les personnages fonctionnent bien, même si l'intrigue on sait pas trop finalement où ça veut aller, c'est pas grave, il y a les combats et tout, donc c'est ce en termes de shonen fleuve que tu veux suivre comme ça de temps en temps, ça fait méga bien le taf et c'est assez cool. Ouais, je vais te laisser finir Yannick, je vais dire deux mots dessus pour j'avais commencé pareil au tout début et j'avais un peu lâché en cours et j'ai rattrapé, du coup maintenant je regarde que l'anime, donc du coup je m'arrête vraiment aux arcs de l'anime. J'ai adoré vraiment les trois premières saisons et j'ai beaucoup plus d'a priori sur la quatrième où je suis un peu plus réservé dessus. Après il faut bien des coups de mou, hein, on peut pas être toujours au top. Ouais, l'arc de la mafia etc, même dans le manga, j'en ai pas un souvenir. Je sais que beaucoup de gens sont attachés à Mirio, des choses comme cool, ça, mais moi ça m'a paru long. Moi Mirio en fait il est pas assez introduit pour ce qui lui arrive, m'impacte tant que ça en fait. Moi je voyais Tintin avec des muscles et j'étais en mode il est cool. Ouais, c'est Tintin Shippuden. C'est clairement ça. Mais après overall c'est comme dans One Piece, il y a des arcs moins bons que d'autres. Là, il y a eu un coup de mou. Je pense qu'après, ça doit revenir, il n'y a pas de souci. Mais overall, j'ai adoré ça, quoi. Enfin, alors, sans parler du coup, c'est Eric Améchant qui s'appelle Overall, mais de tout l'anime, j'adorais ça. Donc, comme on a dit, en manga ou en anime, je trouve que tout est quand même très bon. L'anime, c'est cool qu'il fasse saison par saison. J'ai même beaucoup aimé le film. J'ai hâte de voir le prochain. Two Heroes, c'est assez cool, ouais. Ouais, Two Heroes était vraiment cool et a apporté quand même pas mal de choses. C'est pas juste un spin-off à côté, c'est ça qui est cool, en fait. Donc, My Hero Academia, j'ai hâte de voir où ça va. Du coup, sur l'apparition japonaise, on sort d'une très bonne année, je trouve. Une très bonne année assez solide en termes d'arc. Yannick va en parler, hein, c'est sûr. Donc, Yannick, qu'est-ce que t'en penses? Moi, My Hero Academia, je fais pas partie des premiers parce que du coup, j'ai découvert avec l'anime. Et c'est parce que tu m'en avais parlé, Arthur, justement. Ouais. Tu as dit, regarde ça, c'est vraiment trop bien et tout. Et effectivement, moi, j'avais bien kiffé l'anime. Et du coup, à la fin de la saison 1, je me suis dit, c'est pas grave, je vais tout rattraper. Et depuis, je lis en manga hebdomadairement. Ouais. Et étrangement, la saison 4, moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est parce que par rapport au manga, moi, je trouve que le manga, l'arc de la mafia, il m'a vraiment marqué pour le coup en termes de progression. Des persos et même en termes de mise en page et, donc pour le coup moi j'avais beaucoup aimé, j'étais moins fan de la partie slice of life qu'on a actuellement et, qui étrangement passe mieux en animation, donc comme quoi c'est souvent le cas malgré tout, ça peut être. Mais un peu comme vous, moi j'aime beaucoup la dynamique des persos et en fait je pense que c'est ça vraiment la force de My Hero Academia, c'est outre son scénario c'est vraiment en fait ces personnages quoi. C'est, t'aimes bien grandir avec eux, t'aimes bien vivre. Je suis entièrement d'accord. T'aimes bien vivre avec eux, quoi. C'est ça le truc. Et il y a quand même certaines prises de décision un peu couillues, quand même, par rapport à des personnages, et ça, c'est cool à voir, quoi. C'est vrai que c'est devenu assez sombre dans les derniers, tomes en date. Et c'est assez intéressant de voir ça. On sent qu'il passe, tu vois, My Hero Academia, c'est aussi une vraie lettre d'amour aux comics, de la part de son auteur. Et là, tu sens qu'il va commencer à aborder ses inspirations des comics les plus un petit peu sombres. Donc, j'ai hâte de voir, là, par exemple, le chapitre de cette semaine, il termine quand même sur un rebondissement. J'ai hâte de voir un petit peu la suite parce que ça s'annonce assez gratiné. Et justement par rapport au dernier scan, je sais que c'était toi Arthur, parce que moi en fait je suis très loin tout ce qui est vente et tout, Et ouais. Tu me disais, bah là, là My Hero Academia, c'est compliqué. Et, je lui dis, et justement, on en parlait des fois avec Arthur et on se disait, mais bah, il me disait, c'est peut-être parce que c'est peut-être un poil trop sombre et tout. Et parce que justement, moi, je trouve que les dernières arcs, je les trouve vraiment mais hyper couillus en termes de scénario, quoi. J'étais là, j'ai fait, mais où est-ce qu'on va aller? Mais en même temps, c'est hyper gratifiant parce que ça te montre vraiment que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps, ça va bien se passer, etc. Quoi. C'est vraiment un monde où ils vivent avec un danger permanent et je trouve ça hyper intéressant. Et puis voilà, globalement, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, je regardais les ventes et c'est vrai que ça a chuté un petit peu au Japon. Ouais, c'est... La bonne nouvelle, c'est que My Hero Academia est quasiment intouchable vu à quel point il rapporte à l'international. Oui, en bah France, oui. En France, je crois que c'est maintenant, on peut dire que c'est quasiment le numéro 1. Ouais, c'est ça. Tu vois, il avait été lancé quasiment en même temps qu'One Punch Man, donc il y avait une sorte de duel entre les deux. Mais là, One Punch Man a fait un très très gros départ et c'est un peu essoufflé par la suite. Très essoufflé. My Hero Academia, toutes les semaines, il a à peine de nouveaux lecteurs. Donc, oui, clairement. Non, puis My Hero Academia est très accessible pour les nouveaux le monde du manga. Puis My Hero Academia, pour moi, c'est plus simple à rattraper. En plus, dans le Jump en ce moment, tout se regarde très bien. Soit ça se lit vite, soit il y a peu finalement d'épisodes total. On est à 100 épisodes quasiment d'ailleurs maintenant, aux 100 épisodes d'ailleurs. Donc c'est pas non plus énorme. Toute proportion gardée, calmez-vous. En vrai, pour moi, c'est l'un des plus accessibles en ce moment dans le Jump en tout cas. Quoi. Oui, clairement. Oui. Juste peut-être un dernier point, et je pense que ce qui marche peut-être mieux pour My Hero Academia, c'est que c'est peut-être, alors après vous pourrez me contredire là-dessus, mais d'un avis personnel, c'est que j'ai vraiment l'impression que même dans le tracé, en fait, c'est pas trop japonais, c'est vraiment pas des visages non, qui sont clair, en triangle ou un peu rond et tout, c'est vraiment des personnages qui sont plus proches du comics finalement, et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça parle mieux à l'international ou... Bah, on sent l'amour pour les comics, c'est ça qui est. Moi qui suis un gros lecteur de comics, ce qui m'a plu et ce qui me fait lire le manga à côté, parce que je trouve l'anime meilleur overall, c'est que dans le manga on sent les aspirations comics et c'est hyper agréable à voir quoi. D'ailleurs je vous conseille pas mal la lecture d'une des séries précédentes de Horikoshi qui est Crazy Zoo. Ou Omaga Dokizo, que t'es sorti chez nous en France et Delcourt de manière un petit peu avant même My Hero Academia, etc. Donc c'est 5 tomes et c'était l'histoire d'une meuf qui se retrouvait gardienne d'un zoo, mais d'un zoo dans lequel les animaux prenaient vie la nuit et souvent ça amenait des situations un peu délurées. Au point, c'est une série où tu sens que Horikoshi tient encore pas mal, puisque par exemple on croise pas mal de persos de Crazy Zoo dans My Hero Academia, genre la fille serpent ou le mec en forme d'orque, qui étaient des persos qui venaient à la base de Crazy Zoo. Donc si jamais vous voulez découvrir les origines de Horikoshi dans le Jump, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette série là qui est vraiment dynamique, assez fun. Moi, tu vois, je terminais le 5e tome et je me disais, mais c'est dommage qu'ils aient coupé là parce que mine de rien, ça se lisait pas mal et j'avais hâte de voir la suite. Bon, après, ça a donné un mal pour un bien puisqu'on a eu My Hero Academia derrière, mais Crazy Zoo, je vous conseille. Ok, je note avec attention. Du coup, ensuite, du coup, on passe à Black Clover qui est sorti en février 2015. Je t'ai séquencé un mot parce que nous on a à chaque émission on donne notre avis dessus. Donc, oui, vous en parliez au début du 2. Ouais, Maxence en parlait. Ouais. Alors c'est compliqué. Je n'aime pas beaucoup Black Clover. J'avais essayé à l'époque de sa début de prépublication et j'étais un petit peu en mode c'est un peu la même dynamique que dans EQ mais amener un truc de combat où un mec a pas de pouvoir comme dans My Hero Academia, fait appel à un mec qui a des pouvoirs, enfin ça me paraissait un peu, enfin j'avais du mal, la fantaisie en règle générale pour que je rentre vraiment dedans faut m'accrocher avec plus de choses que ça. Du coup j'avais laissé tomber à l'époque avec mes a priori négatifs et j'ai pas non plus redonné une chance à Black Clover, mais maintenant je la série en meilleure estime. Pourquoi? Parce que l'adaptation animée a offert 11 excellents génériques. Donc, donc Black Clover. Il y en a 10 du coup. Ouais, 10. Studio Pierrot, ils font générique de Studio Pierrot, de façon générale, c'est ouf. Mais Black Clover, ils se sont dit, mais on fait tout, c'est incroyable. Il n'a pas un acheté quoi. C'est même Black Clover, j'avais essayé le premier épisode de l'animé, j'étais en mode, mais Asta, ferme ta gueule. Puis du coup, derrière, genre 100 épisodes plus tard, on me dit, tu devrais voir un petit peu le combat dans Black Clover. Je regarde un petit peu, je fais, ouais, quand même, c'est pas trop mal foutu, c'est pas mal. Donc, Black Clover a l'air d'avoir plus de qualité que je l'avais vu à l'époque. Faut juste que je m'y remette et que je reparte dessus avec 2-0. Parce que ça se trouve, c'est. En fait, ça a l'air d'une série qui a l'air de tenir revenir beaucoup plus sur la longueur qui a l'air de d'avoir oui, et puis, qui a l'air d'avoir eu beaucoup de un petit peu comme dans Bleach, un petit d'avoir eu pas mal de le nez fin en agrandissant son casting et d'après ce que j'ai compris le casting devient de plus en plus cool et c'est vrai qu'au départ comme t'es uniquement bloqué avec Asta et son pote qui sont pas des persos qui au départ sont très accessibles. Ça m'avait un peu saoulé, mais voilà, je redonnerai ma chance à Black Clover. J'avais pas beaucoup aimé à l'époque de sa prépublication, mais je pense que ça mérite que je m'y rejette. Ouais, alors moi du coup, je vais juste résumer un peu ce qu'on dit dans les deux premiers, parce qu'on en parle beaucoup et longuement dans les deux premiers épisodes. Donc n'hésitez pas, sachez que dans les recommandations, donc vous allez très vite tomber dessus. En gros, Black Clover, c'est long maintenant, on est à 130 épisodes quasiment en anime. Attends, j'ai vu le film, oui, je crois que ça doit être. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Et du coup, en manga, on est déjà pas mal loin. Alors, l'anime, il va être très lent, très long et pas toujours très bien animé, voire rarement très bien animé. Ça, c'est autre chose. Donc... Rarement très bien animé. Ouais, donc, voilà, manga ou anime, c'est comme vous voulez. En fait, c'est un manga qui, comme tu dis, Amo, prend son temps vraiment. Vraiment, le début est très long, donc c'est vrai que c'est pas nul, mais c'est long. Vraiment, ça prend son temps, ça raconte pas énormément de choses, on sait pas trop où ça va. Et par contre, c'est à partir d'un certain point. On comprend tout ce que cet univers en fait a de riche et ce qu'apporte l'univers. Et c'est ça, c'est qu'il s'est enrichi de plein de personnages, de plein de mythologies, de plein de géopolitiques politiques hyper intéressants. Et où tu vois que depuis le début, il se passait quelque chose. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tous les personnages finalement sont très intéressants et ont une vraie amélioration. Et cet univers, comme l'univers de Naruto par exemple, avec tout l'univers des ninjas, est finalement hyper intéressant et pas juste un univers avec des mages et des trucs. Il a quelque chose derrière et ça raconte quelque chose et c'est comme un bon vin, c'est qu'avec le temps il devient meilleur en fait. Donc plus on avance dans l'histoire et dans les chapitres, mieux c'est et du coup il a eu du mal à démarrer et là il est sur une bonne lancée et personnellement moi à l'instant T je préfère Black Clover à My Hero Academia par exemple parce que je trouve qu'il y a des très bonnes choses dedans et donc voilà c'est que c'est pas facile à se mettre dedans parce qu'il faut quand même se dire faut que je me tape pas mal de choses à lire avant d'arriver dans le gros, dans le cœur du truc. Mais si vous êtes curieux et que vous aimez les mangas déjà de base, n'hésitez pas à zioter quand même, à donner votre chance à Black Clover parce que je pense qu'il peut vous plaire. Et en termes de shonen assez classique, c'est vraiment quand même une bonne chose, quoi. Et je pense, je rajouterais aussi pour l'animation, c'est pareil, faut pas, en fait, faut vraiment... Et Amo, t'as vraiment pointé du doigt le problème que rencontrent les gens en fait avec Black Clover, c'est Asta quoi. En fait, beaucoup des gens supportent pas le seiyuu et du coup, ça pose problème parce que Asta a tendance à hurler. Mais promis, passer les premiers épisodes, ça va mieux après. Ouais, c'est vrai. Ça va mieux. Mais voilà, si vous avez un peu de temps devant vous, n'hésitez pas parce que je pense que ça mérite un peu de voir plus. Ça, c'est un bon cru. Ensuite, on attaque du coup Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. On va pas trop retourner dessus, on en a déjà beaucoup parlé quand même. Donc overall c'est très bien, allez voir Barry Football c'est génial ou allez lire ça reste génial aussi. Les Rôdeurs de la Nuit, moi c'est un de mes mangas favoris à l'heure actuelle. Pareil c'est un manga c'est que comme j'avais expliqué j'avais suivi dès le premier chapitre, je l'ai vu un petit peu grandir. mais vraiment c'est incroyable, c'est à dire que le manga a pas mal de points importants qui vont complètement transcender ce qu'il était à la base. Donc je l'avais dit, le départ était un petit peu brouillon dans le manga, il l'est en beaucoup. Je trouve que l'anime a énormément sublimé ce qui est pour moi la partie la plus faible de Demon Slayer, c'est-à-dire ces quatre premiers tomes. Si vous trouviez déjà ce qui est dans l'anime, si vous trouviez ça super bien, tous les autres arcs sont encore mieux. Et c'est ça qui est vraiment ouf. Là, l'arc du train, ça fait la quatrième ou cinquième fois que je le relis. À chaque fois, je suis happé à quel point tout est bien maîtrisé. Et puis ça va aller derrière avec l'arc du quartier rouge ou des choses comme ça. Et là, on est sur un combat final depuis un an qui est incroyable. Il pourrait être interminable, mais il y a un aspect désespérant dans ce combat-là qu'on n'a jamais vu ailleurs et qui est assez fantastique. Donc voilà, Demon Slayer, pour moi, c'est une vraie réussite à tous les points. C'est aussi amené à la fois avec un style visuel qui est très particulier. L'effet, déjà dans le manga, les effets des tempes, etc., ça m'avait beaucoup marqué. L'anime a fait ça encore mieux. J'ai fait tout est bien. Mais c'est surtout les personnages qui vont dominer le truc. Et on a un casting qui est d'un charisme incroyable et surtout d'un protagoniste qui tient vraiment la série. C'est-à-dire que dans la plupart du temps dans les shonen de baston comme ça, gros casting, le héros tu l'aimes bien, mais c'est plus les personnages secondaires qui vont t'attirer. Par exemple, Ichigo dans Bleach, Ichigo tu l'aimes bien, mais tu vas plus penser à Kenpachi, tu vas plus penser à Byakuya, tu vas plus penser à ces personnages-là. Dans Demon Slayer, Tenjiro est une vraie force. C'est vraiment un personnage qui a des vraies idéaux bien placées, qui a un vrai qui a un vrai mood, c'est-à-dire qu'il a vraiment un caractère bien trempé qui fonctionne bien. Il est naïf. Il est gentil, il est bienveillant, il est naïf. Enfin, il porte plein de bonnes valeurs, mais ça n'empêche pas d'être fort, de savoir donner de la pitié à ses adversaires quand il le faut. Il est sensible, mais il n'est pas non plus faible. Il n'est pas faible à cause de sa sensibilité. C'est un profil qui est mine de rien plutôt rare dans un shonen de baston comme ça, et ça amène un personnage d'une vraie richesse qui fonctionne bien, et qu'en plus quand derrière tu l'appuies avec Hidosuke le sanglier qui rugit, qui lui pareil c'est Kenpachi 2 le retour, quant à Zenitsu pareil le faible dépressif qui peut avoir des petits moments d'éclair, les piliers Nezuko, enfin tout est vraiment maîtrisé du début jusqu'à la fin, et quoi qu'il arrive, quel que soit comment choisit la Shueisha de faire continuer Demon Slayer, tout cet arc de Tenjiro était vraiment fantastique et maîtrisé durant 18-20 tomes, et ça c'est assez ma boule. Ouais, on va passer du coup directement à Yuragi So no Yuna-san, qui a commencé exactement en même temps que Demon Slayer, hein, ce qui est assez la semaine suivante, ouais. Ouais, de voir que les deux sont... L'un des deux est toujours là. C'est aussi ouf que Death Note et Gintama qui avaient commencé à une semaine d'écart aussi, donc c'est les deux duos magiques. C'est ça. Et du coup, voilà, donc Yannick, je sais que t'as pas vu du coup Yuragi So no Yuna-san. Amo, est-ce que toi t'es à jour dedans ou est-ce que t'as drop à un moment? Je suis un homme simple, j'aime beaucoup l'érotisme, le fanservice, etc. Ouais. Mais Yuna-san, c'est jamais intéressant. Je suis d'accord, c'est infernal. Hein. Je préfère mille fois To Love Trouble sur le même genre. Ah ouais. To Love Trouble, c'était en fait, plus drôle, Trouble, c'était plus inventif. To Love Trouble met en avant ses personnages et ses relations avant de mettre en avant son côté érotique. Là où Yuragi no Yuna-san, c'est... Alors, dans ce chapitre, faut que je fasse telle scène de cul, qu'est-ce que je brode autour, quoi. Et ça marche pas, quoi. Et les personnages, enfin... se ressemblent tous, au final. C'est assez inintéressant. Et pourtant, ça aurait... En fait, j'avais espoir que ça devienne qu'un manga de baston au bout d'un moment, et au final, il y a juste 2-3 arcs qui se tapent la bourre et ils sont nuls. Et le héros, il est pas très intéressant, le héros, c'est qu'il peut tout faire, il sait tout faire... Et il est juste gentil parce qu'il est gentil. Il n'y a pas vraiment de plus de profondeur que ça. Donc, ce qui va plus m'intéresser, c'est les stratagèmes de l'auteur, Tadahiro Miura, pour mettre des tétons dans le jump de manière ninja. Mais c'est plus. C'est incroyable. Les petites boules de tapioca, c'est incroyable. C'est un cerveau cosmique. Dans le dernier en date que j'ai en tête, c'est par transparence de page, la publicité, je ne sais plus de quelle bouffe en dessous. Des tétons de la meuf en première page. Mais non, mais c'est même pas une publicité, c'est carrément une page du manga qui était à l'arrière de la page couleur. C'est un génie cosmique. Je pense que Kentaro Yabuki, l'auteur de Love Darkness, a dû le regarder à faire. C'est bien. Ouais. c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je comprends pas comment on peut être. On est au chapitre 200 cette semaine. 200 chapitres de ça, je sais pas comment il tient, quoi. Ça se vendait très bien au départ. Au départ, je comprends. Le premier tome avait déjà fait les 100 000 exemplaires avant même que le deuxième soit sorti, ce qui était vraiment un très très solide démarrage. Aujourd'hui, le début est pas nul. Hein. Aujourd'hui, c'est au fond du sommaire en permanence. Les ventes ne sont même plus au niveau du tome 1. En gros, c'est une série qui devait. Pour moi, ça fait un an et demi qu'elle aurait dû se terminer round suivant. Et ça continue parce qu'il y a toujours pire derrière, en fait. C'est ça. C'est une de ces séries, un peu comme Siren au début des années 2010. C'est ça, ouais. Siren se terminait jamais parce qu'il y avait toujours d'autres séries à virer avant. Donc, c'est incroyable. Hein. Il survit sur les autres, quoi. Ce qui va me rendre malade, c'est que ça risque d'être plus long que Nisekoi et donc de devenir de fait la comédie romantique la plus longue de l'histoire du Jump. Ce qui va un petit peu me saouler. Mais j'arrive même pas à l'appeler comédie romantique parce qu'au final. On sait très bien qu'il peut pas vraiment aimer les autres. Il n'y a pas de vraie romance, même avec Yuna, quoi. C'est impressionnant. À aucun moment, il y a vraiment le déclic chez lui. C'est ça qui est fou, quoi. Il a un harem où tout le monde le kiffe, lui, mais lui, il s'en bat les couilles, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà. Donc, on va vite passer sur autre chose, parce que bon. Alors, le suivant, du coup, c'est The Promised Neverland, donc en août 2016, qui est sorti. Comme on l'a dit tout à l'heure, se termine bientôt. Oui. Je crois que tu n'as pas lu non plus, Yannick, si non, je dis pas de bêtises. Non, je n'ai ni vu ni lu de comme ça. C'est pas grave. Amo, qu'est-ce que tu en penses, toi, de The Promised Neverland? Ah, c'est compliqué. C'est un manga qui... Non, en fait, c'est compliqué, mais je vais dire que des choses positives, quasiment. C'est juste que ça fait partie de ces mangas-là Enfin, faut vraiment que j'ai la fin pour avoir une opinion claire. Les 15 premiers tomes, j'étais enthousiaste, hypé comme les blés, c'est-à-dire que chaque chapitre était une joie, un bonheur. C'était assez cool. Vraiment, le tout premier arc dans l'orphelinat, etc. Ça, c'est du pur génie. Et chaque chapitre était vraiment fantastique. Après, le manga change de genre, passe d'un genre thriller, passe d'un genre je sais que tu sais que tu sais pas, à un genre plus action, plus survie. Donc là, c'est un autre genre. Et là, c'est plutôt bien maîtrisé aussi, donc ça avance bien. Et puis là, ça fait un an qu'on est sur un arc final très très rempli en action et en combat, alors que c'est pas vraiment les qualités principaux des deux auteurs. Parce que Neverland, c'est Kayu Shiroa à l'écriture et Posuka Demizu à l'illustration. Posuka Demizu, à la base, est illustratrice pour enfants. Je vous conseille son artbook qui est sorti chez Kaze, qui est vraiment incroyable parce que c'est une dessinatrice de génie. Tandis que l'auteur, je crois qu'il était salaryman, il avait besoin de quelqu'un. Enfin, il était salaryman, non, c'est, je pense au mec de Bakuman. Mais bon, en tout cas, c'est juste un auteur qui cherchait juste un dessinateur. Bref, le duo fonctionnait très bien. Mais c'est vrai que tu sens que. Là, on parlait d'étirement tout à l'heure. J'ai le sentiment que la Shueisha fait en sorte que cet arc final soit le plus long possible. Enfin, ça se sent clairement. Ça se sent vraiment. C'est impressionnant. Tu perds du temps par moment. T'as plus le plaisir d'avoir un gros rebondissement par chapitre, parce que souvent ce gros rebondissement il est dilué sur plusieurs chapitres. Souvent dans ces chapitres-là, t'as deux combats, mais les combats c'est pas vraiment pour ça que Demizu était là à la base. Donc ça fonctionne pas forcément super bien. Donc voilà, j'attends de voir la fin quand même pour voir sur quoi ça va retomber. Pour l'instant, j'aime bien les valeurs et les idées de Neverland. J'aime bien l'idée qu'ils veulent avoir d'avoir une héroïne qui vraiment se refuse le meurtre en toutes circonstances et qui va aller jusqu'au bout dans des conditions où tout le monde lui dit mais tu devrais vraiment buter le problème, et elle reste en mode non, je vais pas buter le problème. Et je trouve que d'ainsi pareil dans un shonen de combat où souvent tu tues le méchant et les problèmes sont réglés, t'as plus à les gérer derrière, c'est souvent un peu facile. Là où Neverland va aller dans l'inverse, je pense, j'espère, ça serait cool. Dans tous les cas, ça reste quand même vraiment super bien. Les 15 premiers tomes en tout cas sont des vrais rushs d'adrénaline en tant que lecteur. Tout se déroule facilement bien, les pièces du puzzle se mettent une par une, c'est un vrai plaisir à voir déroulé. La fin va peut-être en décevoir plus d'un, moi elle m'a un peu déçu, donc j'attends de voir encore une fois la fin pour me conclure définitivement l'arc Neverland. Mais en tout cas, ça reste à la fois une œuvre un peu unique au sein du Jump. Ça et Demon Slayer ont un peu fait en sorte que les mecs de la Shueisha se disent on devrait peut-être remettre un petit peu de sang comme ça, de trucs un petit peu plus adultes au sein du magazine. On va voir avec une autre œuvre juste derrière que ça peut aller jusqu'au bout. voilà, Neverland en tout cas, très très bon, très très bonne, enfin. Très très bonnes opinions des 15 premiers tomes. Après, j'attends de voir. Ouais, moi du coup, j'ai un peu plus de réserve dessus, mais c'est juste parce que les thèmes me touchent pas. C'est vrai que moi, les batailles psychologiques, je sais que tu sais que tu sais pas. Moi, il y a toujours un moment où il y a un trop qui se fait, et dès que je sens trop, j'arrive plus à me remettre dedans. Donc ça, c'est plus un problème envers moi qu'envers la série qu'autre chose, mais c'est vrai qu'overall, cette qualité, ça, il y a pas à chier, et je comprends que ça marche autant, quoi. Ensuite, on passe directement à Dr. Stone, sorti en mars 2017. Du coup avec au scénario Ryichiro Inagaki qui avait déjà fait du coup iShield 21, et au dessin Boichi qui claque ça y est un premier hebdomadaire en manga après tous ses succès en Corée. Ouais, pour l'anecdote, c'est le tout premier auteur de l'histoire du Jump à ne pas être japonais. Ouais, et en même temps Boichi c'est quand même un grand génie du manga et du manhwa surtout. Du coup c'est, enfin, lisez Shangenrock par exemple, qui est un chef-d'œuvre de A à Z, c'est chez Kaze, c'est trop bien. Et je vais laisser commencer Yannick là-dessus, parce que je sais ce que t'en penses, j'ai hâte d'entendre ça. Ah, bah c'est du génie. Voilà, moi on arrête, fin du podcast. Fin du podcast. Non, en vrai, pour rentrer dans le détail, c'est à la fois c'est super bien dessiné. Boichi, grand génie. Hein. C'est super bien écrit, quoi, il n'y a pas à chier, quoi. Ouais. Je veux dire, rien que le dernier arc, je pense qu'il n'y avait pas eu. Il aurait pu faire un truc, c'est qu'il s'amenuise un peu plus et tu dis à des moments, ok, c'est un peu redondant et tout. Non, il y a un plot twist à chaque chapitre et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il ne s'arrête jamais. Et en fait, je pense que ce qui fait la force, c'est un peu de refaire toute l'histoire vraiment de l'humanité, hein, pour le coup, de ses principales évolutions, mais genre en 5 minutes, quoi. Et c'est un peu over the top, mais c'est du over the top qui est vraiment bien fait, quoi, qui est ultra intéressant. Là où, au final, moi qui ai vu aussi du coup l'adaptation animée... C'est plus la merde. Je suis pas d'accord. Elle est différente. Ouais, moi, je suis pas très fan, mais c'est un autre débat. En fait, elle pourrait être meilleure. Je pense qu'elle est elle est un peu trop plate par rapport à ce qu'est le manga. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça mon vrai problème, je trouve, mais bon. Et pareil. C'est un autre débat. Mais du coup, je pense que ça doit être aussi hyper compliqué à adapter. Donc, à voir, peut-être qu'ils vont trouver des solutions pour que ça soit un peu meilleur par la suite. Mais ouais, l'adaptation animée, elle est ok, quoi. C'est sûr que ça vaut pas le manga, quoi. Clairement pas. Ouais, moi, pareil, je suis très fan du coup du manga. Je trouve que déjà le duo Richiro Nagakibuchi marche très bien. En termes de. On sent qu'il y a un vrai travail ensemble et que c'est pas chacun fait son taf. Ça, c'est cool. Et j'aime que tous les persos soient un petit engrenage dans cette grande histoire et que tout est, alors je suis pas scientifique, calmez-vous, tout a l'air scientifiquement à peu près viable, à peu près, évidemment, même s'il y a des grands raccourcis évidemment, tout ça. Et surtout, c'est que ça veut pas nous faire croire que ça se passe sur 3 jours. On est au chapitre 130 à peu près, et je crois qu'on est à déjà 4 ou 5 ans depuis le début de la série. Ouais. Et ça, même si on voit très peu vraiment les gens vieillir, voire pas du tout, ce qui est un peu après on s'est expliqué pourquoi à peu près, même si j'ai un petit bémol là-dessus, je trouve qu'à chaque fois, on se dit ça va pas aller plus loin, et ça va plus loin, et c'est logique de pourquoi ça va plus loin en fait. Et ça, j'aime ça, et à chaque fois, à chaque chapitre, je suis en haleine, et tout avance tellement, c'est tellement bien, quoi. C'est pas un anime de, c'est pas un manga de combat, c'est un manga vraiment pareil, psychologique finalement, et il y a quand même un peu de combat dedans, par ça se saupoudre, histoire d'en avoir, quoi. Et le dessin de Boichi qui est juste magnifique, que ce soit sur le design des corps humains ou dans l'action, des réflexions, etc., c'est tout est trop bien dedans, et moi c'est un de mes favoris du Jump en ce moment, quoi. C'est beaucoup trop bien, quoi. Et toi, Amo, je sais pas si t'as... Enfin, je pense que t'es à jour dedans. Alors non, en fait j'en suis au 40e chapitre. J'ai pas continué. Il faudrait que je reprenne, parce que ça m'est pas déplu non plus. C'est juste qu'en fait ce que je vais surnommer affectueusement le C'est pas sorcier du Neketsu, en fait c'est juste que j'avais cette tendance dans Dr. Stone à trouver ça un peu répétitif par moment. C'est-à-dire que il y a toujours ce côté-là, ce côté, il y a un problème, Senku invente un truc, plus ou moins lié à l'humanité, problème réglé, on passe au problème suivant. Je comprends. Et, en fait, je pense qu'au démarrage du manga, il y avait ce côté où il trouvait pas encore, j'ai pas encore trouvé l'intrigue. Il y avait genre la grande menace avec cette force composée par le mec un peu méchant là, qui avait l'air un peu bourrin, qui était un petit peu genre une épée de Damoclès au-dessus des héros. Mais les problèmes tels que les croisés les héros me paraissaient pas forcément très importants. Après, moi je me souviens vraiment, la lecture du premier chapitre m'avait mis sur le cul. Parce que le premier chapitre de Dr. Stone, c'est fou, hein. Il est fou furieux, quoi. Il est assez violent, ouais. Donc c'était déjà ça l'avait mis sous mon radar. Après, voilà, j'ai pas de déplaisir non plus à lire ça, donc il faudrait juste que je m'y remette et que je vois un petit peu comment la série a évolué en quasiment, je crois que j'ai 2 ans de retard maintenant. Voilà, Dr. Stone. Après, c'est vrai que j'aime pas beaucoup le style de Boichi en lui-même. C'est vrai que c'est un style très particulier, qui est superbe, pour le coup, mais qui est pas vraiment dans mes canons de beauté, dans mes exigences. En gros, Boichi, c'est génial, puis tu regardes les personnages féminins et tu fais... je suis pas d'accord, parce que je trouve que les personnages féminins, c'est sa force à Boichi, quoi. J'aime pas beaucoup son style. Après, c'est vrai que, encore une fois, comme j'ai dit, c'est un style vraiment très... particulier. Donc pour le coup, j'ai pas lui reprocher de faire ça comme ça, c'est juste que moi, pour le coup, c'est pas du tout ce que j'apprécie, mais bon, c'est juste là c'est du chipotage et du point de détail. Pour le coup, après, c'est une série que je continue à conseiller quand même à des gens, parce que moi, même si je suis pas rentré dedans, je trouve qu'elle arrive justement, comme vous dites, à être à la fois pédagogique, à être à la fois rythmée, à la fois dynamique, à avoir des personnages forts, donc à se lire plutôt bien. C'est également très lisible. Là, c'est là qu'on sent que Inagaki a l'expérience d'avoir écrit Yashil 21 et que Boichi a son grande expérience à lui, parce que les deux peuvent facilement faire un truc facile à lire qui raconte plein de trucs en assez peu de pages. Donc il y a énormément de qualités auxquelles, bon, j'accroche pas forcément tant que ça. Ok, du coup, je viens de voir que j'ai sauté du coup We Never Learn, juste avant, qui est sorti un mois avant Dr. Stone. Oui. Donc par Taichi Tsutsui, ancien assistant de l'auteur de Nisekoi, et qui avait fait du coup le spin-off sur Onodera. On en a déjà pas mal parlé. Qu'est-ce que toi, tu as pensé brièvement du coup de cette comédie romantique ? Alors, Neverland, effectivement, donc j'en sortais en fan de Nisekoi. Nisekoi, j'avais beaucoup apprécié l'aspect comédie Nisekoi. C'est-à-dire que je trouve que Nisekoi. C'est très drôle, vraiment très drôle. Nisekoi, voilà, sa vraie qualité, beaucoup de gens justement l'avaient critiqué sur le fait oh, mais l'intrigue elle avance plus. Ben justement, c'est quand l'intrigue n'avançait plus que Nisekoi montrait ses vraies forces, là où tu te concentrais vraiment sur les personnages et sur la dynamique. Il y avait même des arcs un petit peu émouvants sur des personnages secondaires dans Nisekoi. Bref, c'était assez maîtrisé. Et du coup, quand j'ai vu Neverland et que je savais que c'était Taichi Tsutsui dessus, j'espérais secrètement que ce soit l'héritier de Nisekoi sur l'aspect comédie, et effectivement c'est le cas. Donc pour moi, en fait, Neverland, c'est pas forcément un manga que je vous conseillerais de lire en tome relié, justement parce que ça peut être un peu gavant. Par contre, en chapitre par chapitre, en rythme hebdomadaire, c'était un vrai plaisir. C'est-à-dire, tous les lundis matin, j'avais mon chapitre de Neverland. À chaque fois, c'était des quiproquos complètement débiles. C'était des jeux de mots pourris. C'était un peu d'érotisme, mais vraiment très très simple. Hein, très très simple. Il aime beaucoup marquer le pli des culottes dans les pantalons surtout. Ça c'est impressionnant, mais vraiment. Donc voilà, Neverland, pour le coup, c'était vraiment une lecture plaisir. À chaque fois, un vrai bon divertissement comédie romantique qui met l'enfant sur la comédie, et pour moi ça fonctionnait du tonnerre comme ça. C'est pas une série que je vous conseille de marathonner, c'est pas une série que je vous conseille de vous faire d'un bloc, c'est vraiment une série à regarder de temps en temps. Si jamais, moi je vois, le lundi matin c'est parfait parce que lundi matin tu commences le taf, t'es en mode oh, j'ai pas envie de commencer une nouvelle semaine. Neverland était là un petit peu pour te dire allez mon gars, voilà, c'est et pas trop peur, je suis là un petit peu pour t'aider. Donc voilà, et après justement je trouve que c'est bien qu'il soit arrêté maintenant. Enfin là, quand il s'arrête maintenant, là il fait les autres routes bonus, mais oui, qui pour moi font partie de l'esprit de Neverland. C'est-à-dire que comme il n'y avait jamais eu de vraie guerre entre les cinq filles, au final ils pouvaient vraiment finir avec n'importe laquelle. Ça ne m'aurait pas surpris qu'ils finissent avec n'importe laquelle des quatre autres. D'ailleurs, c'est une des rares séries où la prof est vraiment un des meilleurs persos du harem. Oui, donc ça c'est vraiment... Moi je suis très team la littéraire, mais alors la prof... Ouais, moi aussi, quel charisme. Team... ouais, bon, j'ai oublié son nom, mais la littéraire aussi. Oui, Fumino. C'était un peu ma main. Ouais, entre Fumino et la mathématicienne, les deux de base en fait, les deux m'avaient beaucoup... petit coup de cœur pour les deux quand même, et ça se tirait un peu la poire entre les deux pour moi, quoi. Fumino, le concept était vraiment cool parce que comme c'est un perso ultra littéraire, elle a lu 4000 comédies romantiques, donc en gros elle est méta, c'est-à-dire qu'elle est quatrième mur, c'est-à-dire qu'elle sait plus ou moins ce qui se passe. Elle est vraiment cool, ouais. Donc ça c'est vraiment une excellente idée aussi. Donc c'est un excellent dynamique, et en plus c'était assez complémentaire avec Quintessential Quintuplets qui était dans l'autre magazine en face. Ouais. La rumeur veut que Tsutsui et Aruba qui écrivaient Quintessential Quintuplets soient potes et fait exprès de choisir la même intrigue pour et chacun partir dans une direction différente. Mais les deux étaient vraiment bien. Donc pour le coup, alors, vraiment bien pour Neverland. J'ai pas les. Enfin si, c'est quand même vachement bien dans ce qu'il veut faire. Faut pas juste voir ça comme la comédie romantique du siècle ou comme un truc vraiment ambitieux. Faut vraiment voir ça comme vraiment un petit truc léger qui fait vraiment bien le taf là-dedans. Et ouais, pareil, je suis très fan des comédies romantiques, et c'est vrai que j'étais amoureux de Nisekoi, vraiment c'était un gros coup de cœur. Et pareil, j'espérais secrètement retrouver ça, et je pense quasiment autant aimé que Nisekoi, outre du coup moi je suis moins d'accord sur la fin du coup, mais parce que je trouve qu'il y avait certains indices à disséminer qui te disaient il y en a une et pas d'autres. Et là, bon après voilà, c'est plus les goûts et les couleurs d'aimer ou non les multifins pour le coup. Mais du coup là, c'est que c'est vraiment très drôle. Tous les personnages, souvent ce que je reproche aux comédies romantiques, c'est que le mec sert juste à se projeter en lui. Alors que là non, c'est... Il est vraiment bien à Ryuki, ouais. Ryuki a vraiment c'est lui, c'est un vrai héros, comme le héros Nisekoi, hein, clairement, il est comme il est. Le but, c'est pas forcément de le comprendre, mais de vivre avec lui ce qu'il vit, quoi. Et j'ai aimé qu'il n'y ait pas non plus 20 millions de filles non plus. Il y a 5 filles, c'est déjà pas mal. Mais voilà, ils ne sont pas trop élargis. Ça s'est arrêté quand il fallait s'arrêter. Il n'y a jamais vraiment de longueur. Il n'y a pas d'arc trop inutile. De toute façon, il avait une vraie épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est que ça doit se finir à la fin du lycée. Ça ne peut pas aller après. Oui. Et ça avance quand même assez rapidement parce que c'est que pendant la terminale. Donc, certains auteurs de rom-com lycéennes sont amusés à continuer la suite derrière. Mais je ne pense pas que ce soit l'esprit qui était recherché ici. Puis là, dans Neverland, c'est compliqué de se dire après, si après à l'université ils ont encore besoin de se donner des cours à distance chacun envers les autres, vite à vie un jour, quoi. Après, ils peuvent rester potes, hein. C'est pas illogique. Le concept de base est quand même d'aider tout le monde dans les cours. Par contre, ça reste jusqu'au bout. Je sais plus comment tu fais intervenir la prof dans un tel contexte. Ça, par contre, c'est fini. Oui, il y a aussi la prof. Bah, après, vu qu'ils en font à la fin, on voit un peu dans l'épilogue, ça marchait quand même. Mais c'est juste que Neverland, le but c'était quand même aussi le côté. On est là pour aussi s'entraider dans les cours, et je trouvais ce fond-là très agréable et qui est resté jusqu'au bout. C'est pas devenu un prétexte, c'est vraiment resté l'un des cœurs de l'histoire jusqu'au bout, et c'était assez cool, quoi. Donc voilà, si vous aimez les comédies romantiques, n'hésitez pas, We Never Learn, c'est chez Kaze chez nous, et du coup c'est bientôt fini, donc vraiment n'hésitez pas, c'est très cool. Ouais, 16 ou 17 tomes au total, je pense que ça finira, et c'est vraiment pas mal. Oui, voilà, ça, je, d'ici la rentrée, ce sera ça, et je pense qu'on aura un nouveau rom-com dans la foulée qui continuera, j'espère en tout cas. Ensuite, on a du coup Act Age qui est sorti en janvier 2018. Je te laisse commencer un mot là-dessus parce que moi j'ai drop assez vite, j'avoue. Ah, moi j'adore vraiment Actage. Alors qu'il aurait dû sortir en début d'avril en France, mais bon, là ça a été repoussé pour des raisons mystérieuses. Donc, oui, Actage, c'est un shonen de théâtre, un shonen d'acteur. C'est ça. Donc l'héroïne c'est Kei Yonagi, elle est méga pauvre, mais par contre elle est plutôt douée pour parce qu'en plus comme sa vie était pas facile, ses parents s'engueulaient toujours autour d'elle, etc. Elle passait son temps à regarder la télé et s'identifier à fond dans la télé, c'est-à-dire que la vie t'acquit grâce à ses tons, grâce à ses bullshit habituel de shonen quoi. Et du coup elle a la possibilité d'incarner parfaitement n'importe quel rôle. C'est-à-dire qu'elle s'oublie elle-même et elle rentre complètement dans le rôle à 100%. Ce qui est un avantage sur le papier, mais qui peut avoir beaucoup d'inconvénients quand dans le monde de l'acteur et d'autres choses comme ça, surtout quand on demande par exemple des choses dangereuses. Là, quand tu es à 100% dans le personnage et que tu vas risquer ta vie, c'est pas une excellente idée. Dans tous les cas, voilà, on va voir son évolution dans le sein du monde des acteurs. Donc, quand je dis acteur, c'est pas forcément que le cinéma, c'est aussi le théâtre, c'est aussi les séries télé, aussi les publicités. Donc, on va la voir évoluer là-dedans. Elle va vite se trouver par exemple une rivale qui est une actrice prodige de 19-20 ans, et pour moi Actage c'est deux qualités. Effectivement, déjà c'est un ton assez mature, j'ai l'impression, enfin assez mature, toute proportion gardée, c'est pas non plus un méga seinen de la mort, c'est juste que pour le coup ça atteint des thèmes qui sont parfois assez étonnants dans un shonen jump. Il y a un arc entier sur le thème du deuil et de la séparation, il y en a un sur le fait que si t'as 21 ans et que t'es une femme au Japon, à partir de cet âge là peut-être que tu devrais te marier et arrêter d'avoir vouloir une vie, des choses comme ça. Donc c'est assez surprenant de voir ça dans le jump. C'est aussi une des rares séries mine de rien du jump à avoir une héroïne meuf en principale, donc c'est aussi intéressant. Et surtout, le style visuel de Shiro Usazaki, il est incroyable. Elle a un don, cette autrice, car en plus, quand elle a commencé Actage, elle avait que 20 ans. En gros, elle a gribouillé des fanarts de Summon the Summoner, qui était une autre série du Jump. L'éditeur de Summon the Summoner a regardé ça, il a fait « Attends, elle est méga cool, je vais la contacter par Twitter et la mettre sur mon nouveau projet de série, parce que j'ai un auteur, mais je sais pas avec qui l'illustratrice la mettre. » Donc il a récupéré la fille sur Twitter, et du coup, depuis... Elle tabasse, c'est-à-dire que ce soit les couvertures qui sont incroyables, que ce soit les doubles pages qui sont folles, que ce soit les expressions des personnages, ils ont des yeux dans l'octage qui sont incroyables, on s'y perd. Ouais. Vraiment, c'est une série fantastique qui a un casting très resserré, genre une dizaine, vingtaine de personnages en tout et pour tout, ce qui est déjà beaucoup pour un shonen, mais qui est vraiment bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas des personnages qui ne serviront à rien, on développe tous les personnages qui apparaissent, des choses comme ça. Ça se concentre pas uniquement que sur Yonagi, tous les autres personnages vont y passer, ils vont tous avoir leur remise en question, et pour le coup pour moi c'est un vrai plaisir à lire, et j'avais hâte de voir la sortie française du manga, mais finalement j'ai été privé comme beaucoup de Français malheureusement. Alors moi j'ai droppé pas parce que je n'aimais pas, mais parce que en fait, j'ai raté 3 semaines et j'avoue que j'ai pas réussi j'ai juste pas pris le courage de me remettre dedans, mais j'avais beaucoup apprécié quand même les 20-25 premiers chapitres à peu près, je crois que c'était ça, mais c'est... Tu m'as donné très envie de m'y remettre, donc je pense que je vais très vite rattraper. Là, pareil, dans Actage, il y a un arc du train. Enfin, un arc du train céleste qui, pareil, est la maestria, qui est le point d'orgue, là où tu dis que le manga, il était assez sympa. Et là, il passe à la vitesse supérieure et il ralentit pas jusqu'à présent. Là, il a pris un risque, par exemple, l'auteur, il a raconté sur quasiment un tome et demi une seule pièce de théâtre, ce qui aurait pu être très risqué, très long. Mais à chaque tome, enfin chaque chapitre, amener un nouveau rythme, un nouveau rebondissement au sein de cette pièce de théâtre, parce que même faire une simple pièce de théâtre devant des gens, c'est un combat. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a des enjeux et tout, pour être l'acteur parfait, des choses comme ça, faut pas se perdre, faut rester en colère, faut être naturel, mais faut pas non plus trop être dans le jeu, etc. Bref, c'est vraiment assez passionnant, et moi qui avais fait du théâtre pendant mes tendres années lycéennes, je me suis encore plus accroché à cette série-là, parce que j'y ai retrouvé des thèmes que j'avais déjà abordés lors de ma vie lycéenne, justement. Ouais, je comprends. Vais noter ça, ça a l'air hyper cool. Alors, on va juste accélérer un chouïa parce qu'on est déjà à 2h30 d'émission. Non, puis il reste deux grosses séries, puis après le reste, c'est vraiment des trucs qui ont tout juste débuté. En plus, tout le reste, c'est des trucs que j'ai déjà parlé un peu avant, donc on va pouvoir aller vite. Là, il y a deux gros morceaux quand même encore. Il y en a un que Yannick voulait parler. Les deux d'ailleurs, Yannick voulait en parler d'ailleurs. Donc le premier, c'est Jujutsu Kaisen, sorti en mars 2018. Alors, Yannick, parle-nous un peu de ça. Moi j'aime beaucoup, alors après j'ai eu que le tome 1, Ouais, t'as vu que le tome 1 est sorti en... T'as eu l'épreuve non corrigée du coup sorti en France. L'épreuve non corrigée du tome 1 et 2. Donc là, j'ai lu que celui du tome 1. Avant de passer à d'autres lectures, j'essaie de varier un peu. Mais je trouve ça très très cool, cette histoire de... du personnage. Enfin, après, c'est très classique au final. De ce perso qui, finalement, n'est pas très intéressé par, par le culte et qui, par la force des choses au final, et par quelques malheurs, est obligé. Mais... En fait, c'est même pas intéressé, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles totalement. Oui. Et, vraiment, c'est littéral, là. Et qui, par du coup, la force des choses, littéralement, est obligé de s'y intéresser. Et enfin, aussi parce qu'il a une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, ouais. C'est un homme-bombe qu'on va forcer à crever, hein, littéralement. C'est ça. Et non, je trouve ça... Enfin, là, du premier tome, du coup, je trouve ça ultra intéressant. Moi, je suis vachement pris dedans pour l'instant. Ouais. Je trouve ça bien écrit encore. Après, bah, c'est qu'un tome 1, donc forcément, je pense que le manga a encore beaucoup à m'offrir après. Et je trouve ça plutôt joli, même, dans le design des monstres et tout. C'est plutôt cool. Plutôt bien emballé pour l'instant. Ouais, du coup, moi je suis à jour. Et Jujutsu Kaisen, c'est un. C'est quelque chose que je sais pas, ça... j'arrive pas à expliquer pourquoi j'aime ça, mais j'aime beaucoup ça. j'ai quand même plein de réserves sur. Alors, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est fouillis par moment? Oui, on s'y perd de ouf. Et pareil, il y a plein de termes occultes très, enfin, très sombres, du coup, sans mauvais jeu de mots, on s'y perd pas mal. Et il y a, je trouve, dans le découpage du récit, il y a des moments où je savais pas où on allait. Et là, du coup, il a réussi à me repêcher avec l'arc en cours, du coup. Mais l'arc juste avant, je savais pas où il voulait venir, je sais pas ce qu'il me racontait. Et il est en train, pour moi, de poser un problème avec un personnage, du coup, Satoru Gojo, qui, je pense. Et le personnage à lui seul qui a sûrement sauvé le manga à un moment très creux, parce que c'est quand même un sacré perso et il est quand même très classe, on faut l'avouer. Enfin voilà, c'est, je pense que c'est un peu la coqueluche de beaucoup de personnes dans le manga et qui est quand même assez overbroken, assez abusé. Et c'est tout basé là-dessus, l'arc en cours. Et je pense qu'il va essayer de redorer le blason un peu de ses héros, du moins du trio des héros qui est très naroutesque, hein, pour le coup, on va pas se mentir. Mais je sais pas, il a une aura. Et un style assez à lui qui me parle. Et j'ai hâte de voir ce qu'il veut nous offrir. Mmh. Et par contre, là où il excelle, c'est qu'il a du mal dans la narration de son histoire à proprement parler. Mais en termes de combat, il excelle vraiment en termes de mise en page et tout. C'est assez impressionnant, quoi. Et là, du coup, à la prochaine saison, il y a l'anime qui sort. Et j'ai très hâte de voir comment ils vont adapter ça, quoi. Du coup, je suis curieux de voir l'anime aussi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Amo, de Jujutsu Kaisen. Alors, j'avais lu les 30 premiers chapitres à l'époque de la publication. J'ai fait à peu près la même erreur qu'avec toi pour Actash, c'est-à-dire que j'ai laissé passer 3 semaines sur Manga Plus, et à partir de là, c'est fini. c'est terminé. Faudrait vraiment que je chope un VPN et que je chope l'abonnement pour avoir accès à tout, qui est accessible uniquement aux États-Unis, etc. Mais bon, c'est pas dramatique. En fait, j'avais pris pas mal de plaisir sur Jujutsu Kaisen. Pas forcément le plaisir le plus ouf du monde, c'est-à-dire pas forcément en mode genre, il faut vraiment que je lise le prochain chapitre. Chaque chapitre serait vraiment plutôt pas mal. En fait, ce qui fonctionnait plutôt bien, c'était à la fois, comme vous l'avez dit, le ton assez sombre. Effectivement, comme j'ai pas mal de reproches assez similaires, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, c'est très très fouillis. Et comme il y a pas mal de traits noirs un peu partout qui partent dans tous les sens, c'est vrai que ça peut être parfois difficile de décrypter ce qui se passe. Mais par contre, le casting était assez cool, que ce soit le héros qui a une vraie bonne bouille, un vrai bon charisme, une bonne manière de gérer son pouvoir. Parce que c'est cool ça. C'est assez sympa. Et effectivement, le perso, j'ai dû googler parce que je me souviens plus. Mauvaise mémoire des noms, mais Satoru, effectivement, sorte de Kakashi à la cool. C'est 100% Kakashi, hein. Je suis désolé, mais donc, enfin, je trouve vraiment qu'il y a j'aimerais bien voir des interviews de l'auteur pour savoir à quel point Naruto est entré dans son. Dans son esprit pour faire quand même la base du truc, quoi. De l'autrice d'ailleurs, qui est Gege Akutami, qui est née en 1992, donc je pense qu'elle avait notre âge quand nous on a découvert Naruto. Donc je pense que l'influence est à ce moment-là. Par contre, il y a aussi un autre perso qui apparaît assez peu, je crois, mais qui est assez trippant. C'est le sort de Salaryman qui combattait. Enfin, genre, il y a plein de petits persos qui apparaissent comme ça et qui sont déjà très très cool dès leurs premières apparitions. En fait, donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut vraiment que je reprenne pour voir où ça allait. Je crois que j'étais au début d'un arc avec Kyoto. Des choses comme ça, enfin, tout est un peu flou dans ma tête. Je vois où t'en es, du coup. Mais du coup, ce que j'aime, c'est que c'est très hétéroclite en termes de personnages, parce que chaque personnage voit le monde de l'occulte, du coup, qui est un peu les ninjas, si on veut. Alors là, c'est une grosse métaphore bête, mais ils voient ça différemment. Il y en a pour qui c'est juste leur boulot, et ils font ça parce qu'ils ont besoin d'armer de l'argent. Il y en a, ils font ça parce qu'ils aiment ça. Il y en a, ils sont méchants parce que leur vision de ça, c'est pour pour les gentils, c'est les méchants, etc. Enfin, j'aime bien que c'est tous ces personnages et cet éventail de réflexions qu'on nous fait porter sur un seul et même, finalement, monde qu'est l'occulte, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et c'est d'ailleurs parfois assez gore et assez trash dans plein de choses, par contre. Hein. Oui. Il y a l'un des méchants principaux, c'est il peut changer ce qu'on appelle la forme du corps des gens, et c'est vraiment immonde hein, par moment. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas de main morte. Hein. C'est l'arc où je me suis rendu compte que Jusqu'Alien était peut-être plus que ce que je pensais que ça allait être. Et l'arc du méchant ça, qui met les gens dans des boîtes. Et tu fais oh. Ah ouais, non, c'est immonde. Hein. Vraiment, il y a des moments, c'est ils sont pas de main morte. S'ils retranscrivent à 100% dans l'anime, ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Demon Slayer et Neverland qui avaient lancé une nouvelle tendance à la Shueisha de se dire on peut quand même monter un peu le niveau de la violence. Jujutsu Kaisen l'a pas mal marqué. L'autre série qui arrive après, encore plus. Ouais. Ah ouais, bah la Chainsaw Man est complètement dans le punk. Là, c'est le mot qui est décrit mieux. C'est très punk, c'est très très sanglant. Donc Chainsaw Man sorti en décembre 2018. Un mot, je vais te laisser commencer. Je suis pas à jour dans Chainsaw Man. Là aussi, pareil, j'ai un peu laissé tomber. C'est l'histoire d'un mec. Il se fait, il se trimballe. Il veut juste toucher des nichons, etc. Il est un peu triste dans sa vie. Puis il est possédé par un démon qui lui offre le pouvoir de sortir des tronçonneuses de n'importe quelle partie de son corps. Ce qui est dommage parce que du coup, cette possession fait en sorte que lui-même, le héros, devient démon. Et du coup, t'as des gens qui débarquent en disant en mode, il faudrait quand même qu'on bute des démons, etc. C'est cool. Mais quelqu'un est malin dans cette agence et se dit, au lieu de te buter parce que t'es démon, pourquoi tu travaillerais pas pour nous? Et puis le mec fait, oh, je sais pas, c'est chiant de travailler. Puis la fille lui fait, ah bah, si tu travailles pour nous, à un moment, t'auras le droit de toucher mes tétons. Et le mec fait, ah bah oui, c'est bon alors. Oh bah carrément, ouais, donc, c'est parti. Allez, c'est voilà mes amis, bienvenue dans Chainsaw Man, où c'est, non, le premier chapitre, c'est du sexe, c'est de la violence, c'est des tronçonneuses, et c'est des gens qui font des promesses de se toucher les tétés. Et c'est effectivement punk, c'est le bon terme utilisé. L'auteur avait fait juste avant Fire Punch, qui pareil était un manga qu'on avait rien à foutre. Chainsaw Man en a rien à foutre aussi. Mais alors c'est débilissime, mais en même temps ça a beaucoup de personnalité, ça a beaucoup de caractère. Il y a une chance sur deux que vous détestiez, une chance sur deux que vous adoriez. Ouais. Pour le coup, moi je suis un peu en mode j'aime un peu quand même, c'est pas trop mal, même quand il y a des vomis dans les bouches, et ça c'est des choses qui arrivent tous les jours dans Chainsaw Man. Eh oui, non, mais Chainsaw Man, punk c'était le meilleur adjectif. Moi j'étais pas un grand fan de Fire Punch, j'adorais le tome 1 et finalement je trouve que, et pourtant c'est court, c'est un peu la branlette ultime quand même, hein, puis la fin était un peu, m'a pas parlé du tout. Bref, et du coup Chainsaw Man, je trouve que l'auteur s'est dit ouais, c'est bon, j'en ai marre de faire un truc trop sérieux, trop deep, je fais ce qui me fait plaisir, en plus je le fais dans le jump, dans tous les cas je vais toucher des gens et au pire si je suis drop, j'aurai fait ce que je veux. Et je suis content que ça marche assez pour que ça continue parce que c'est pareil, c'est pas mon truc préféré, mais je peux pas me dire que j'aime pas non plus. C'est drôle, c'est de l'action, c'est une personnalité. Et je suis content de lire ça, quoi. C'est ça. Je suis content de lire ça, je suis content qu'il y ait ça au milieu du jump, tout ça à côté. Et c'est pas pour tout le monde, c'est clair net. Mais testez. Vous saurez au chapitre 1 si vous aimez ou non. Ça, y a pas de secret là-dessus, quoi. Et toi, Yannick, du coup, t'avais lu le tome 1 aussi, je crois, Yannick, ouais, c'est ça? J'ai lu que le tome 1, du coup. Et je fais partie des gens qui sont peut-être en mode. Ouais. En fait. Autant j'ai trouvé ça drôle, enfin la manière dont ça envoie tout en l'air, un peu en mode Osef. Je trouve ça très drôle. Hein. Il y a vraiment genre le perso, il est déjanté, enfin tout est déjanté. Mais moi, personnellement, je me perds trop dans la mise en scène en fait, enfin dans la mise en place des cases et tout. Et du coup, j'arrive pas à être pleinement convaincu quoi. J'ai quand même été tenu en haleine, mais Non, mais je comprends. Mais il y a quand même ce côté que... un peu. Un peu, je suis perdu dans la mise en page et j'y arrive aussi, pas. Ouais, aussi, ça c'est clair net. Non, puis pour moi, Chainsaw Man, il marche pas forcément en tome relié non plus, je trouve. Mm. Pour moi, c'est la petite pilule de LSD que tu prends au début de semaine pour tenir, quoi. C'est un peu ça. En gros, c'est ça, quoi. C'est clair, voir ça. Du coup, là, on va pouvoir faire un peu un blitz sur les 7 quand même, dernières séries. Ouais, dans certaines qui vont pas tenir l'hiver. Hein. En plus, j'ai toutes déjà citées au moins une fois dans 10 minutes. Donc c'est cool. Donc je sais qu'Yannick n'en a lu aucune encore pour le moment. Donc on va aller très vite sur. Est-ce que là c'est des séries qui sont facilement rattrapables. Donc juste dire est-ce que c'est bien ou non. Donc on va commencer par Mission Yosakura Family, qui est sorti en août dernier. Moi c'était un petit coup de cœur j'avoue, mais parce que j'adorais Reborn et qu'il y a pas mal de thèmes liés à ça. Et je trouve que le premier chapitre est très convaincant et met bien les bases. Et même si après c'est un peu plus mou par la suite, tout en restant assez cool. C'est un peu la frontière du l'action gag. Mais voilà, je trouve que c'est très joliment dessiné. Les personnages sont très cool. Et j'espère qu'il va enfin s'ouvrir un petit peu à tout ce qu'il nous offre parce qu'il a plein de choses à raconter. Ouais, pareil, ouais. Yuzakura Family. Alors, je dois avoir la même impression que toi. C'est-à-dire qu'effectivement, le démarrage est assez solide, assez fun. Ouais. Et effectivement, Reborn est une bonne comparaison. J'y avais pas pensé, mais on retrouve cet aspect comédie qui était un peu propre au démarrage de Reborn. Ouais, ça parle de mafia dans les deux et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a des thèmes assez, assez proches. Quoi. C'est vrai que je pensais plus à Assassination Classroom, pareil, ou des histoires d'assassinat quand t'es lycée. Ouais, c'est ça, ouais. Mais Yuzakura Quartet. Yuzakura Quartet. Yuzakura Family, c'est pas la même chose. Pas la même chose du tout. Yuzakura Family, non, effectivement, ça perd un élan. Et là, pour le coup, c'est dommage parce que ça avait un démarrage solide au sein du sommaire du Jump. Et il a perdu en même temps que la série. Ouais, je sais pas si t'es à jour dans Yuzakura. Non, non, hélas, j'ai arrêté au bout du coup, de 15 ans. On a une carotte de ce qu'est l'avenir et de enfin, et je pense que ça va peut-être faire remonter. Ah, j'espère. Une petite carotte. Bah, en gros, pour le pitch, j'ai déjà fait, mais voilà, le héros a perdu ses parents enfants. Et là, on a une carotte en mode ils sont peut-être pas morts pour rien. Et on a une petite carotte liée à la. Comme quoi, c'était un. Tout était peut-être lié pour que ça arrive là, quoi. Donc c'est peut-être un peu gros, mais on va voir comment il s'en dépatouille, quoi. Moi, le seul truc que je trouve un peu bizarre que vous avez quoi à Family, et je vais juste terminer là-dessus, c'est de sortir une histoire de lycéens, d'assassinats, etc. Alors qu'en même temps, dans le Jump Plus, donc la version numérique du Jump, il y a Spy X Family, qui a à peu près les mêmes thématiques, mais qui le fait 400 fois mille mieux. Ouais. Et c'est terrible d'utiliser une. Genre, en fait. Dans les accords de famille, parce qu'en fait, dans le premier tome, il se marie à la meuf. C'est pas un spoil, c'est dans le premier chapitre. Comme dans Isekai d'ailleurs. Oui, c'est ça, comme dans Isekai. Et en fait, j'avais le petit espoir de bah tiens, ça y est, c'est mon nouveau rom-com, ça va être trop bien. J'avoue, j'avais un peu cet espoir-là de côté, en mode ça va peut-être partir en rom-com. Pas du tout, mais moi j'ai toujours un petit plaisir en le lisant et j'espère que ça va remonter un petit peu. Ensuite, à l'inverse, là on a Mitama Security Spirit Buster, sorti en septembre 2019. Qui, moi, le début m'a saoulé. Je me suis forcé à lire vraiment les 15 premiers chapitres. Et finalement, après, je trouve, c'est pas mal remonté. Et si je devais comparer, c'est beau en beaucoup moins bien. Mais voilà, c'est un gag manga très bête, très cucu, mais qui maintenant a 2-3 trucs cool dedans, quoi. Il devrait survivre, je pense, parce qu'il n'y a plus de gag manga dans le Jump, et ça, c'était un truc un peu étrange. Bah, du coup, si, il y a le suivant maintenant, mais. Bah oui, mais Mitama Security, pour moi, il est plus, tu vois, dans le prolongement, tu l'as dit, de Bobo, de Pluto Fuku Jaguar. De, tu vois, dans le Jump, traditionnellement, il y a toujours un gag manga, enfin, quoi qu'il arrive. Ouais, et là, pour le coup, Mitama Security, quand je dis gag manga, c'est vraiment un gag manga où le but du jeu, c'est juste de faire des gags pourris. Il y a même pas d'intrigue ou quoi que ce soit dans Mitama Security, enfin, elle est vraiment minimale à son maximum. Ils essayent vite fait, mais c'est pas le but, quoi. Et là, du coup, je pense qu'il vient remplir un manque. Moi aussi, pareil, j'avais essayé les deux premiers chapitres, je me suis dit, oh, c'est très japonais, c'est pas max, je suis pas le public visé, non, je vais m'en aller. Mais je pense qu'il devrait rester un peu longtemps. Pour le coup, c'est pas une série, si vous voulez découvrir une série du Jump, c'est pas par celle-ci qu'il faut commencer. Là, Mitama, ça va pas être un grand manga, il va durer un petit peu, mais c'est pas un grand manga. Après, moi, je suis toujours à jour, voilà. Les derniers chapitres sont un peu mieux, mais bon, c'est pas ouf. Et du coup, on enchaîne directement sur Agravity Boys, sorti en décembre 2019, où là, du coup, c'est également un gag manga, mais par contre, qui est, lui, beaucoup plus proche de Gintama, je trouve, en termes d'humour. Et moi, par contre, j'ai beaucoup accroché. C'est très joliment dessiné, déjà, et c'est un humour tellement loufoque, et tellement à l'opposé de... Enfin, c'est assez fou, ça s'en bat les couilles du tout. J'en ai déjà parlé dans le dernier Anime Minute, de tête, voilà, où le premier chapitre, c'est juste... On va devoir transformer en meuf parce qu'on est que juste 4 mecs sur une planète à coloniser et on va être en manque de cul, quoi. Donc qui on va transformer en meuf? Et chaque chapitre, c'est un peu des dilemmes cons comme ça et c'est super bien et super intelligent, je trouve. Évidemment, la méga vanne étant qu'un des 4 est méga méga efféminé, donc forcément ça amène plein de vannes qui sont continuées. C'est un running gag par la suite. Alors oui, il y a Gravity Boy, effectivement, Gintama un petit peu. Moi, je pensais plus à Dr. Stone Sci-Fi version gag, puisque c'est juste on doit survivre sur une planète. On va survivre sur une planète étrangère. Il y a des petites petites twists. Et puis il y a même des bons rebondissements de fin de chapitre où genre c'est des grosses blagues pendant 15 pages et puis soudainement, hop, petite morale un petit peu tragique. Et là tu fais. Par exemple, ça passe. On a un chapitre juste sur le rapatriement d'un mec qui refuse de chier dehors, qui est au point de crever parce qu'il se refuse de chier. Et à la fin de ça, il y a un plot twist en mode oh, putain, ah ouais, sérieux. C'est vraiment le contre-coup d'un coup, c'est trop bien. C'est. Enfin. Ça se lit, effectivement, ça se lit. Le problème, c'est que ça va pas survivre. C'est déjà dans le fond du sommaire. Ouais. Donc, profitez-en d'ailleurs, bien. Étonné qu'il... Ouais. Je suis étonné qu'il fasse moins bien que Mitama d'ailleurs. Mitama fonctionne pas si mal que ça. Il est dans le sommaire, il est souvent en ventre mou. Donc il a l'air de trouver son public, ce qui est assez logique puisque c'est un humour très japonais. Et puis, comme il faut vraiment un gag manga à tout prix, que Mitama remplit vraiment ses critères du gag manga classique de fin de Jump. C'est clair net, hein. Donc je pense qu'ils vont essayer de le garder. Donc Mitama, tu rates un scan, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a même eu un Jump il y a un mois où il y a eu deux Mitama dedans d'un coup. Oui, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qui veut deux Mitama cette semaine? Pas moi. Et à Gravity Boys, il y a quand même un mini fil rouge où si tu lis pas le chapitre précédent, tu peux être perdu. Après, il y a le potentiel de faire un bon univers avec ça. Le problème, c'est qu'effectivement, au bout de 10 chapitres, tu sais que ça risque pas de continuer. Donc, ça va être dur. Ensuite, on arrive sur Zipman. Alors, je te sais commencer d'ailleurs, du coup, sur Zipman, du coup. J'ai lu le premier chapitre il y a genre 3 mois au moment de sa publication. Ouais. J'en ai déjà aucun souvenir. Okay. J'avais souvenir d'un truc vrai. Enfin, j'en ai souvenir vaguement d'un. Il n'y a rien qui m'a profondément marqué, rien qui fonctionnait vraiment. Donc pour moi, c'était pas bien parti. Et effectivement, il est déjà dans le fond du sommaire, mais vraiment dans le fond du sommaire. Quand il était sous Samurai 8, c'est là que tu savais que tu étais vraiment dans le fond du sommaire. Alors, donc, moi, j'en suis très parce que j'ai adoré Zipman. En fait, c'est Zipman. J'ai vu un peu d'interview de l'auteur et tout. En fait, la commande, c'était il nous faut un Kamen Rider en manga, mais qui parle aux gens qui regardent pas Kamen Rider. Et c'est vrai que ça a tous les codes d'un Kamen Rider. C'est les mêmes thèmes abordés, c'est la même construction. Et je comprends que ça ait pas marché, mais moi, du coup, j'ai un vrai plaisir coupable avec parce que c'est tous mes kinks de Tokusatsu qui réapparaissent. Donc, si vous aimez Kamen Rider, n'hésitez pas à zioter. Et en fait, du coup, vu que l'auteur sait que ça se finira pas, il fait un seul gros arc qui va se clôturer là, du coup, d'ici peu. Et au moins, on aura un vrai truc qui a une début, un milieu, une fin. Et ça, c'est assez cool, quoi. Ouais, c'est bien qu'il est. C'est intéressant parce que tous les deux ans, il y a un peu une série un peu toku. Genre, il y a deux ans, on avait Ziga, qui était très inspiré de Godzilla et des Kaiju Monsters. Pareil avec les Digestice, genre en 2013-2014. Enfin bon, c'était. C'est intéressant de voir qu'il, quand même, il lâche pas l'affaire là-dessus. Un jour, ça fonctionnera, je pense. Parce que c'est intimement lié, la Toei, c'est intimement lié à la Shueisha. Et du coup, et c'est. Vu que même tout ce qui est news sur Kamen Rider et Sentai sont dans le V-Jump, c'est quelque chose que c'est étonnant qu'ils explorent pas plus que ça. Quand même en termes de manga, quoi. Non, puis même ils ont My Hero Academia pour les super héros américains, donc pourquoi pas propre super héros japonais, quoi. Bah, c'est ça qui est assez fou, quoi. Ensuite, on va attaquer moi mon coup de cœur des derniers temps, vraiment que j'ai adoré et que je lis passionnément chaque semaine, c'est Muscle Magic and Muscle. J'en ai déjà beaucoup parlé dans le dernier podcast. Donc, qu'est-ce que toi, Amo, t'en as pensé? Je sais pas si tu l'as lu déjà. Si, j'ai lu les trois premiers chapitres. Ça m'a pas fait beaucoup rire. J'ai adoré. Pour moi, il y a une sorte de mélange. L'auteur est arrivé, il a fait. Je mets One Punch Man, je mets Mob Psycho, je mets Harry Potter, je mélange. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Après, effectivement, je salue l'audace, je salue la créativité du truc parce que le concept, sur le papier, tu me dis c'est Harry Potter, sauf que le héros, il a pas de pouvoir. Et du coup, il va réussir toutes ses épreuves avec ses muscles. Et là, c'est pas une mauvaise idée, mais j'accroche pas tant que ça. J'aime pas le style visuel, par exemple, même si du coup, il apporte pas mal à la comédie. Mais j'ai du mal un peu à m'accrocher. Et j'ai vraiment du mal à pas voir dans le personnage principal autre chose que Mob de Mob Psycho. C'est terrible, il a littéralement la même tête. Ça me rend fou. Ouais. C'est ce que je disais du coup dans le dernier podcast. C'est vraiment. Alors, ça n'a rien inventé. Mais ça a eu l'audace de mélanger des univers opposés, quoi. Et pour moi, le mélange marche et me fait extrêmement rire. Et pourtant, je suis pas plus fan de ça qu'Harry Potter. Je suis pas plus fan de ça de One Punch Man ou. Mob Psycho, j'aime beaucoup, j'avoue, mais de l'humour très One Punch Man. Mais je trouve que le mélange marche, c'est tellement absurde en fait. C'est tellement absurde que je peux pas me passer à côté de ça, quoi. Mais par contre, je trouve que ça manque d'un vrai univers à lui parce que. On m'aurait dit que c'était One qui avait fait le manga. J'aurais fait, c'est lui qui a fait. Oui, il emprunte tellement de choses qu'au final, il a du mal à se créer, enfin, à s'imposer lui-même. Quoi. Il a eu l'intelligence. Vas-y. Non, il mélange tellement de choses qu'il a du mal à s'imposer par lui-même. Donc, c'est un peu dommage aussi. Et en fait, il vit à travers de prismes parce qu'il fait référence. On sait d'où ça vient, quoi. Et du coup, pourquoi pas? Moi, ça me touche. Et c'est vrai que ça reste assez drôle et que. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il le cache pas. On sent que c'est assumé. Le terme, c'est Harry Potter, il n'y a pas de secret, on sait que c'est ça. Il y a tout. Il y a le Quidditch. Ça s'appelle autrement, mais c'est le Quidditch. Il y a la maison. Il y a Dumbledore. Il y a littéralement Dumbledore. Chaque couverture reprend une couverture d'un Harry Potter. Chaque nom de chapitre, c'est Mashle, and the quelque chose. Enfin, vraiment, c'est. on sent qu'il assume ses références et tant mieux. Et ça, je serais content de l'avoir autant que ça durera, quoi. Parce que c'est vraiment tellement débile que j'en adore, quoi. Ouais, pour l'instant, il est encore trop tôt pour savoir si ça survivra ou ouais, pas. C'est ça. Pour l'instant, il est dans le ventre mou du sommaire, mais comme on est quoi, à 6 ou 7 chapitres, ça ne veut pas encore dire grand-chose. C'est ça, on est à 8 chapitres, je crois, exactement. Ouais, c'est encore. Là, c'est le chapitre de cette semaine avait 23 pages, donc c'est peut-être un bon signe. Ouais, donc peut-être. On va voir. En tout cas, je sais qu'en Occident, bah, ça a un bon retour parce que les gens s'y reconnaissent c'est bien. C'est pas étonnant. Donc, il faudra voir. C'est pas étonnant. Ensuite, on arrive à l'an dernier, du coup, c'est Undead Unluck. Alors là, j'ai plus d'a priori dessus. Donc, pareil, c'est sorti en janvier 2020, là. Je suis un peu. Déjà, j'aime pas le style graphique. Vraiment, le style graphique me parle pas du tout. Et je sais pas, ce duo de personnages principaux me parle pas. Et je sais pas où ça veut venir. Là, enfin, ça y est, depuis le dernier chapitre, on sait où ça va aller. Mais avant ça, bah, j'étais un peu perdu. C'est quasiment que du combat pendant tous les premiers chapitres. Tout va vite et en même temps, ça raconte rien. Je sais pas, j'arrive pas à me dire. C'est. Bien, mais j'arrive pas à me dire c'est pas bien non plus, je suis un peu froid dessus quoi. Ouais, il y a un concept qui est assez cool, le concept du je rappelle, c'est un personnage mort-vivant qui fait équipe avec une meuf qui a le pouvoir qui a la malédiction que fait en sorte que toutes les personnes qui rentrent en contact avec elle meurent d'une manière un peu étrange immédiatement après. Donc il suffit de vous dire quand le mec est malchance. Par malchance. Donc il suffit de vous dire quand le mec est quasiment immortel, bon c'est pas si grave. Le concept est donc pas mal, mais c'est le premier chapitre montrait bien les possibilités. Ouais. Je me souviens que le deuxième et le troisième m'avait rien dit, c'est à dire que pour le coup il ne racontait rien et c'était en mode c'est dommage d'avoir une intro correcte et de pas aller sur l'élan, c'est à dire que le premier chapitre c'est pas ceux sur lequel tu veux faire du filler, donc c'est un peu dommage. Donc ouais, moi j'aime bien le style visuel, il est pas si mal que ça, mais c'est vrai que ça aurait mérité un peu de polichage, un peu de travail pour justement avoir une intrigue plus claire dès le départ. On sait qu'il y a une agence mystérieuse qui traque le héros, un truc comme ça. Ouais, ça serait bien d'avoir mieux. Je sais pas si t'es à jour du coup sur Undead Unluck. Non, je suis au troisième, je crois que j'ai encore le temps, je peux encore aller rattraper le reste. Bah du coup, je suis à jour et ça y est, on a la carotte de où ça va aller enfin. Mais c'est vrai que ça arrive un peu tard, je trouve quand même. Bah, ça sent le cliffhanger de premier tome, mais c'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est pas là qu'il faut. Enfin, c'est mieux de faire un cliffhanger à chaque chapitre au départ. Ouais. À voir par la suite, du coup, ça ne peut que être mieux, j'ai envie de dire. Et enfin, on arrive sur Guardian of the Witch. Moi, j'en ai parlé dans les podcasts comme étant l'attaque des titans, mais avec de la magie à la place des titans, quoi. Et c'est exactement ce que ça m'a fait penser. Sachant que moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop l'attaque des titans. Et pourtant, j'ai bien accroché à ce début, même si ça ne transcende pas grand-chose. J'ai plutôt bien accroché au thème et à comment c'est amené. Le style graphique qui est assez classique, mais précis dans ce qu'il fait. Et voilà, j'aime bien le fait que les héros soient différents, mais ont un peu le même but qui est un peu pas très commun, quoi. Donc voilà, pour moi c'est plutôt positif, mais c'est juste j'attends de voir comment ça va durer, quoi. Ça m'a fait un peu penser de très loin à Double Arts. Donc, quand je pense à Double Arts, qui était la série précédente de Naoshi Komi dans le Jump, c'est-à-dire avant Nisekoi, il avait fait une série super bien qui s'appelait Double Arts, qui était assez cool, qui était pareil dans un monde de fantasy un peu mystérieux où il y a des prêtresses qui pompent des maladies, etc. Comme les sorcières, justement, de Guardian of the Witch, qui, justement, ont l'air d'être condamnées à une sorte de mort précoce à cause de leur pouvoir magique, etc., etc. Et du coup, le héros part vadrouiller avec une sorcière pour essayer peut-être de la sauver et puis au moins lui faire échapper la colère du peuple dans la ville, justement, avec des grands murs. Ouais. Parce que le but, c'est exactement ce qu'on dit, c'est on tue toutes les sorcières jusqu'à ce qu'on arrive à guérir l'héroïne, quoi. En gros, c'est le plot un peu, quoi. Un petit peu comme dans Demon Slayer où on va tuer tous les démons pour espérer que Nezuko aille mieux. C'est aussi un aspect un peu gênant du Jump actuel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'œuvres qui se répondent et ce serait bien d'éviter de se répéter soi-même. C'est-à-dire que quand, par exemple, l'année dernière, on avait Double Taisei et Fumo Yui, les deux mêmes semaines, alors que c'est deux séries qui tournaient autour de doublement de personnalité, c'était un peu dommage. Mais voilà, Guardians of the Witch, en tout cas, c'est plaisant, c'est pas déplaisant pour autant, ça se lit bien. J'attends juste un moment où ça va décoller encore plus. Le premier chapitre, par exemple, n'a pas de vrai moment où ça décolle de ouf. T'as pas de grande double page qui tue ou de trucs comme ça. C'est juste une histoire bien racontée. Très scolaire, en fait, je trouve. Mais ouais, très scolaire, effectivement, c'est le terme qui désigne le mieux la chose. Ça marche bien. En fait, ça m'a rappelé un peu l'intro que j'avais eu en lisant les premiers chapitres de Black Clover. Donc peut-être que du coup, ça va marcher. Mais ouais, pour le coup, il y a un peu ce côté à la fois un peu générique, mais en même temps, c'est bien raconté. Donc, est-ce que ça peut marcher ? Peut-être. J'ai hâte. Moi, j'attends juste de voir un petit peu comment ça va s'effilocher au fur et à mesure, si ça va trouver un moment une sorte de brillance là-dedans. Voilà. On va voir comment ça va évoluer. On lui souhaite que du bon, en tout cas. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui est en ce moment dans le Jump. Donc, on est déjà à 3 heures de podcast, hein, incroyable. Waouh! Du coup. Sachant que Samurai 8 s'est terminé cette semaine, donc on n'a pas eu à en parler. Ouais, bon, bah, Samurai 8, petit point, c'était le nouveau manga écrit par Kishimoto, vendu comme étant. C'est le renouveau de Naruto. C'est comme Naruto, vous allez aimer. Avec des samouraïs dans l'espace qui se transforment en cyborgs. Enfin, bah, très combo, étrange. Disons que le combo intrigue confuse plus style visuel illisible fait que c'est pas facile d'accès. C'est que moi, à chaque chapitre, je réfléchissais à ce que je venais de lire. En plus, ils ont même pas fait l'effort de faire à peu près un final histoire de finir en beauté. Enfin, pas en beauté, mais au moins proprement. Ça s'arrête vraiment sec entre deux trucs un peu nazes. Enfin, il n'y a rien à garder de Samurai 8. Alors que j'ai bien aimé le héros malgré tout, j'aimais bien l'idée du concept de base avec la princesse et toujours l'animal un peu à côté, le keyholder du coup. Il y avait un matière à faire quelque chose de pas forcément dégueu, mais c'est tellement maltraité, tellement confus, on sait pas où ça va. D'un coup on a des dieux géants, d'un coup on va dans la matrice, n'importe qui peut vraiment devenir un samouraï, c'est un peu bizarre quoi. Le problème c'est que c'est à la fois confus, mais en fait, surtout que ça savait pas quand développer ses persos ou quand développer son univers. Et t'arrives au moment où on arrivait actuellement, où il fallait développer les deux, et malheureusement, loupé. Quoi. Donc voilà, c'est fini. Donc n'achetez pas le tome 1 de Samurai 8 si vous ne l'avez pas encore fait. C'est tout ce que je vous conseillerais de faire, malheureusement. Et c'est comme quoi, c'est pas parce qu'on fait une œuvre géniale qu'on en fait deux. On a déjà vu le cas plein de fois. Ceux qui ont aimé, je suis désolé pour vous, hein, vous avez le droit d'aimer Samurai 8, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est désolé, c'est raté, hein. Moi aussi j'ai eu plein de mangas annulés, ça arrive à tout le monde, j'ai envie de dire, c'est un mal nécessaire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter sur le Jump auxquelles on n'aurait pas pensé brièvement avant de clôturer? Non, je pense avoir dit beaucoup de choses. Non, je réfléchis, mais là, pour le coup, je pensais voir est-ce qu'il y a des choses niveau vente, niveau graphique, niveau popularité. Non, même pas. Vraiment, pour le coup... l'année qui va arriver pour le Jump va être intéressante parce que, mine de rien, il y a beaucoup de grosses séries qui vont se terminer. Il ne va plus rester énormément de blockbusters que ça. Genre, il va rester One Piece, mais One Piece, c'est encore 5-6 ans. Peut-être, maximum. Il va rester My Hero Academia et Black Clover. IQ, on ne sait pas, ça s'approche aussi de la fin, on ne l'avait pas mentionné. IQ, mais... on est très proche de la fin quand même. Hein. Donc ouais, ça va être une année vraiment charnière et intéressante. Et c'est un peu bizarre de se dire que même si là, à l'heure actuelle, ils n'ont jamais autant de gros méga blockbusters, genre le top 10 des grosses ventes de l'année, il y a genre 5 séries du Jump à l'intérieur au Japon. Et en plus, Demon Slayer, on ne l'a pas mentionné, mais qui va tranquillement peut-être arriver à la barre des 50 millions d'exemplaires vendus pour un manga en une année au Japon, ce qui est jamais vu, ce qui est un record qui sera à battre. Ça va être une année où la Shueisha va ramasser masse d'argent, mais l'intérêt à la ramasser très vite, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas suffisamment préparé la fin simultanée de toutes ces séries-là. Ou alors, ils ont tellement préparé qu'ils vont tout faire s'arrêter en même temps, à peu près en septembre, et ils vont refaire un coup de 6 nouvelles grosses séries avec peut-être des gros noms ou des trucs très très préparés. Ouais, mais c'est terrible parce que tu vois, il va te rester My Hero Academia, il va te rester Black Clover, Jujutsu Kaisen un petit peu quand même, Dr. Stone, mais ça se vend pas tant que ça au Japon. Dr. Stone par exemple, ça se vend pas très très bien au Japon. Donc je pense que ils vont essayer de pousser 6 nouvelles séries d'un coup minimum avec comme en 2015, 2016, en 50-50, peut-être des vétérans et des nouveaux. Et qui vont essayer de peaufiner un maximum, peut-être avant premier chapitre, pour que ça dure. Quand t'es dos au mur, que t'es là où tu fais les meilleures coupes, quand t'agis un petit peu en mode faut vraiment faire quelque chose, peut-être que c'est là où aussi ils vont réussir à ressortir pas mal de hits, parce que mine de rien, ces 2-3 dernières années, il n'y a que Jujutsu Kaisen qui vraiment s'en sort plutôt bien au Japon. En France, Shekiun mise beaucoup dessus. Je sais pas si ça aura le même impact qu'un My Hero Academia. Non, je pense pas. Personnellement, on est tous d'accord là-dessus. C'est moins accessible quand même. C'est moins accessible. Après, ça parle à un public plus large, je pense. Si un public plus jeune adulte que ne vise pas forcément My Hero Academia. Même si My Hero Academia peut toucher le public adulte avec les inspirations comics. Enfin bon, dans tous les cas. En tout cas. Oui. Donc, je pense qu'on a fait bien le tour. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir, Amo. C'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, tu reviens quand tu veux. Hein. Je suis désolé, c'est la malédiction. Quand j'apparais dans un podcast, il fait automatiquement plus de 3 heures. Oh, c'est pas grave. On est habitué, t'inquiète pas. C'est là pour ça. Donc voilà, tu reviens quand tu veux. Ce sera avec plaisir, en tout cas. Bah, pas de soucis. Je mets tous les liens pour te retrouver en description, évidemment. Les 300 liens. À peu près, voilà. De toute façon, maintenant, on est sur YouTube aussi, du coup, il y a de la place. Ça, c'est cool. Il sera peut-être pas dans les liens Spotify et tout, parce que c'est chiant, mais le lien YouTube, il y aura tout. Donc voilà, maintenant, tout est sur YouTube, ça sort tout en simultané. Donc vous n'avez plus d'excuses, vous avez forcément une plateforme pour le trouver, on est partout. Donc ça, c'est cool. On a eu des bons retours sur le hors-série, donc merci. Ça c'est vraiment cool et le dernier épisode a fait encore mieux que le premier, donc si vous continuez à augmenter à chaque fois, ça fait plaisir. Si on continue, on dépasse les 4000 écoutes avec celui-là si ça continue dans le vrai sens, donc c'est un peu improbable parce qu'on s'y attendait pas du tout, hein, des podcasts de plus de 2 heures sur les animes, c'est surtout quand on parle très peu expertise, c'est rare que ça marche autant. Surtout avec très peu de passifs derrière de grands noms, donc on est content et on espère que ça va durer. Là on va essayer de tenir le rythme 6 semaines, on va voir malheureusement comment avec l'actualité tout ça se goupille. Donc si dans 6 semaines on peut tourner, on tournera enfin, du coup celui-là devait être le prochain et inversement, donc on a switché les thèmes, donc on a déjà tout le prochain qui est prêt à tourner, on a juste de pouvoir se réunir tout simplement, mais voilà, c'est un mal nécessaire, donc on a hâte de tourner le prochain, on espère que celui-là vous plaira, qui est un peu particulier, un peu plus long sur un thème quand même qui nous tient tous à cœur. Merci encore une fois Yannick d'avoir été là, toujours le meilleur co-host. Hein. Ouais, bon, pas très présent parce que c'est vrai que du coup, moi mes connaissances sur le Shonen Jump sont assez limitées, donc du coup... Mais t'es toujours très précis, c'est toujours un plaisir. Oh, non, arrête. Mais si. Amo, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement au niveau des actualités à toi? Alors sur Néant Vert, donc mon blog personnel néantvert.eu, déjà vous pouvez retrouver daté du 20 janvier je crois mon bilan 2019 du Jump, donc si vous voulez voir des statistiques sur toutes les séries qui ont été publiées dans le Jump en 2019, c'est là-dessus que vous pourrez aller. Du côté de Kaorin, mon podcast musical sur les cultures visuelles japonaises, je profite du confinement pour passer un rythme hebdomadaire, donc il y aura des numéros sur des thèmes aussi variés que la compositrice Yoko Shimomura, que sur les isekai, petite setlist, parce que mine de rien, même si les isekai c'est pas toujours très bien, il y a quand même des bons génériques par moment, donc autant se faire plaisir. Du côté de LOL Japon, donc le talk show que je co-anime avec mon compère Concombre Masqué, on vous prépare un épisode sur peut-être Masaaki USA. Il faut encore qu'on détermine, nous aussi le confinement nous force à changer nos habitudes et nos rythmes, donc on va faire de notre mieux. LOL Japon, si vous trouvez que 3 heures de podcast c'est long, on a sorti début janvier un épisode d'une petite durée de 11h45, c'est pas grand chose finalement, ce qui est tout à fait honnête. C'était notre épisode record. De toute façon, c'est notre dernière saison, on se lâche tout. Batoru, pareil, toutes les 2 semaines avec mon compère Tsushi, on classe des animés. Là, l'épisode 5, on va mater pas mal de trucs un peu pourris, donc ça va être rigolo. Donc voilà, un petit peu tout ça, beaucoup de choses à suivre, n'est pas souci. Puis les prix Minorine, début avril, les prix Minorine, en fait, c'est chaque année, je fais appel à une cinquantaine de membres qui viennent rejoindre un jury et on sélectionne les meilleurs animés, meilleurs personnages masculins. Donc l'édition 2019 des prix Minorine aura lieu le 4 avril à partir de 17h30 sur mon propre Twitch. Habituellement on fait ça pendant Genetsu, c'est une cérémonie à la fin de la convention Genetsu, mais là vu qu'il n'y a pas de convention Genetsu, bah, on est obligé d'aller sur Twitch, donc n'hésitez pas pour redécouvrir des choses, pour voir un petit peu ce qui a été apprécié cette année. On parlera peut-être de Demon Slayer par exemple. Donc voilà, et ben on n'y manquera pas, de toute façon tout sera dans la description, je n'y manquerai pas. Sinon tu viendras me disputer et je la rajouterai. Il n'y a pas de problème. Je t'en voudrais pas pour oublier un ou deux trucs, parce que moi-même j'oublie mes propres trucs par moment, donc voilà. Je jetterai pas la pierre. Le classique. Yannick, toi, où est-ce qu'on peut se retrouver en ce moment? Sur Twitter, Indiana _60, hein, toujours, et sur Twitch globalement. Là maintenant je passe à un rythme quasi hebdomadaire. Ça aide, hein. Ouais, bah oui, donc twitch.tv/indie avec 4 i, donc je fais souvent du stream de jeu. Honnêtement, je vais essayer de faire un peu plus, genre des streams de montage et tout, mais à voir. Et bah, de toute façon, tu fais ce que tu veux tant que tu te fais plaisir. Tout à fait. Et toi, Ninja, où est-ce qu'on peut te retrouver? Évidemment, les podcasts. Hein, j'ai très envie de faire plein de HS et il faut que je me retienne parce que sinon, il y aura plus de HS que d'épisodes canon. Donc, il faut un peu qu'on se calme. Non, il y en a un que j'ai très hâte de faire avec Yannick. Vous nous l'avez pas mal demandé, c'est que vous savez pas trop qui on est en passif. Et ce que je comprends, hein, c'est qu'on a fait certes beaucoup de choses avant, mais ça c'est des choses très confidentielles. Donc il y aura un épisode dédié un peu à qui sommes-nous, ce sera plein d'anecdotes, ce sera un peu discuté à cœur ouvert, donc j'ai très hâte de le tourner avec Yannick, mais je préfère le faire là, celui-là, vraiment en physique, pour des raisons oui. évidentes. Donc voilà, ça, c'est sûrement le prochain série qui sortira. Sinon, vous me retrouvez, alors en ce moment pas sur Twitch, parce que tout mon matos s'est confiné chez deux autres streamers, notamment Yannick. Donc je peux pas streamer en ce moment, donc je reviendrai à la fin du confinement plus fort que jamais, hein, évidemment. J'ai plein de stream nostalgie en stock à vous donner. Sinon, moi, Twitter, ça change pas. Les projets de reprendre Pop Slice petit à petit arriveront peut-être un jour. Peut-être. Enfin voilà, les classicos, hein, promesses, mais voilà, c'est... Pour l'instant, je me concentre beaucoup sur le podcast. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver dedans, et j'ai très très hâte de voir l'évolution de tout ça. Et de proposer toujours plus. On a plein de thèmes encore en stock à parler. J'essaie juste de caler un peu des nouveaux invités petit à petit. On va avoir toujours la même boucle qui tourne. Même si c'est vrai que vous aimez énormément Eric. Et nous aussi, on l'aime énormément. Ouais, Eric. On adore Eric. J'ai adoré. Je sais que vous avez adoré ceux qui ont écouté le hors série. Avoir une heure et demie quasiment que de Eric. C'était délicieux. Vraiment délicieux. Donc voilà, c'est. On va essayer de trouver aussi, pas forcément, on fait beaucoup d'animes pour le moment, mais il y aura également du jeu vidéo, du livre, de la musique, etc. Donc voilà, c'est que le début d'Anime Minute. On a réussi à tenir déjà un rythme, hein. On est déjà du coup à 3 épisodes canon et 1 hors-série. Donc on va continuer, on kiffe toujours autant, et on arrive à s'exprimer, on espère que ça continuera de vous plaire. Donc moi je vais vous dire merci, un grand merci à toi Amo d'avoir pris ton temps pour nous. Mais de rien. Et merci à toi Yannick, hein, également, de toujours être là. De rien, c'est un plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous fais des bisous à tous. Et là, avec le respect des mesures barrières, effectivement. Mmh. Enfin, évidemment, bien sûr, évidemment. Bisous par Discord, évidemment. Pas trop. Et vous avez en fond de l'Eurobeat, j'aurais déjà sélectionné, du coup de Turbo, je vous mets le lien évidemment en description. Et on se dit, j'espère, dans 6 semaines pour un nouvel Anime Minute EX. Portez-vous bien et des gros bisous. Ciao. Salut.